Ok, ouais. Est-ce que je peux faire une dédicace rapidement? Vas-y, ouais. Je vais faire une dédicace à Kimberley et malheureusement, Gizmo, j'ai promis d'aller au concert avec ma nièce. Ouais, non, pour sa nièce. Je t'embête, mon sauce. Ramène la petite. Fais-lui plaisir. Y'a pas de soucis. Un big up à Arwan, un big up à Foufou et à tous ceux qui me reconnaîtront. Merci à toi, passe une bonne soirée Will, merci Gizmo, merci Derke qui était au platine aussi. Merci à tout le monde. Et à toute présent. L'équipe, merci à toute l'équipe de Yoni Willy qui m'ont offert ce magnifique gâteau. Ah ouais, à chaque fois j'oublie parce que franchement, c'est méga sûr. Dédicace parce que on les voit pas partout et tout. Et les auditeurs, bah ils sont pas censés le savoir, c'est pas de leur faute. Mais il y a des agents de sécurité qui sont là depuis mon premier Planet Rap et qui ont toujours fait le job. Et je tiens à leur passer un gros big up aussi à toute la sécurité Skyrock parce que c'est des bonhommes qui m'ont toujours traité avec respect et vice versa. Voilà. Eh ben merci pour tout le monde, Gizmo. Et là, on va retrouver Diffoul aussi que tu connais bien, toute l'équipe de la Radio Libre. Salut Gizmo. Marie, salut. Peut-être que tu attends avec impatience. Ça va bien, Gizmo. Ben, des places, on aura à gagner demain pour Rihanna. De toute façon, t'es là toute la semaine. Mais non, mais moi, je sors avec elle à la base. J'en ai même pas besoin. D'accord. Évidemment. Et bon anniversaire, Fredo. Bon anniversaire. Merci à vous. Joyeux anniversaire. Oh, Mano. Ça va, Marie chérie, tu vas bien? Bah, ça y est, elle est bien. Ça va, je te remercie. Ça, tout va bien. Demain, le retour, c'est à 20h. Exact. Bon anniversaire, bon gâteau, Fred. Ah oui, j'ai un magnifique gâteau offert par l'équipe de YW. Merci. Fred, il va prendre 20 kilos. Ça, ouais, c'est ça, ça va être bien pour le maillot. On lui a ramené un putain de fraisier au chocolat. C'est bien, c'est bien. Non, c'est fraisier, cool. Non, pas au chocolat. Aux fraises. Fraisier au chocolat. Fraisier aux fraises. Pourquoi c'est un gâteau au chocolat. Pas mal, Gizmo. Non, mais moi je suis allergique. Ah, mais parce que ça, c'est la. Je suis allergique au chocolat, donc je connais pas tout ça. C'est le carton de. Mais sur le carton, il y a du chocolat avec des fraises. C'est juste le carton, tu bouffes pas le carton. Mais ça s'appelle comment? C'est un fraisier au chocolat, ça. Oui, sur le carton. Ça oui, c'est en est un. Bah voilà, alors c'est le même qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, alors on l'a fait. C'est moi qui avais raison. Sur la boîte, c'est un fraisier au chocolat. C'est toi l'invité, t'as tous les droits toute la semaine. Oui, c'est vrai, voilà. Non. Demain, ça recommence 20h, 21h, et nous, c'est parti dans un instant. Radio Libre, allez-y, 01 53 40 30 20 pour nous appeler. Toute l'équipe est là. Et en direct, comme Planet Rap en direct en ce lundi, on va revenir à l'euro. Oui, ah bah évidemment, ah oui. Attends. Eh oui, on est en demi. On est en demi. Et bon anniversaire, Fredo. Eh bah merci. Moi, je les bois. Je les piave les demi, moi. Eh bah moi aussi, tu vois. À ta santé, Gizmo. Je sais, ma gueule, je sais. Une sacrée. À demain pour Planet Rap et Radio Libre, tout de suite sur Skyrock. Ciao. The morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Tous les matins de 6h à 9h. Réveil de star tout de suite sur Skyrock avec Joule qui réveille la famille d'Eric ce matin. Oui, c'est qui? C'est Joule. Vas-y, tu vois l'heure qu'il est, pauvre connard. Wesh mon petit, faut apprendre à fermer ta bouche. Ouais, vous commencez à nous faire chier, vous savez ça. Du mal à sortir mes émotions. Oui, t'as du mal à sortir tes pressions, qui espèce d'abruti, bon. 6h, 9h, Morning Best. Morning Show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du Morning de Difool sur Skyrock. Vous l'aimez? Oui. Mais lui, mentir au 7-20-21. Jamais vous ne le trahiriez, non. Mais lui, mentir, M-E-N-T-I-R au 7-20-21. Vous voulez savoir s'il est fidèle? Vous avez des doutes? Et lui, envoyez mentir au 7-20-21. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Zao est de retour. Son tout nouveau single, Laissez les Kouma avec MHD. Zao, Laissez les Kouma, son nouveau single. Hey, les nouvelles baskets en rouge, t'en penses quoi? J'avoue, elles sont stylées. Je te jure, j'arrive pas à me décider. Poste ta photo sur Yax, tu vas savoir direct si t'as le swag. Ah ouais, bonne idée, je fais ça direct. Ça y est, c'est posté. Regarde, il y a déjà plein de commentaires. Je t'ai dit, en rouge, elle déchire. Merci le peuple Yax. Yax. Yax, l'appli qui répond à toutes tes questions. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Et c'est parti pour la radio libre sur Skyrock. Romano. Ouais, ma gueule. Ouais, ta gueule. Difool. Je sais rien faire avec mes mains. Cédric. Je me suis mangé un mur. Ah putain. Marie. Par ta gueule. Samy. À chaque fois, on prend des buts à la fin. Momo. Son port est trompeur. Et Karim. À ma chambre, j'ai un lit, j'ai mis un petit canapé, une place en fait. Difool Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est parti jusqu'à minuit. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Les piles 21h. Hein, pile poil à l'heure. C'est parti pour une grosse semaine. Et oui, une semaine avec des matchs de l'Euro et le match des Bleus. Ouais. Qu'on suivra jeudi soir, contre les Allemands. On suivra le match en direct. Bonjour Marie. Bonjour Romano, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonjour l'équipe, bonjour Cédric. Salut Samy, salut, bonsoir tout le monde. J'ai au téléphone avec vous, pareil pour Karim. Salut les man. Salut tout le monde. Il y a Romain des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas, il se promène avec un casque. Il se promène avec un casque. C'est ça, ouais, il se promène avec un casque de moto dans le studio. Bah écoutez, pourquoi pas. Donc les réseaux sociaux fonctionnent, le 41759 ça marche aussi, salut à tout le monde. Le skyrock.fm, bien sûr, vous nous envoyez vos messages de toute la France, si vous voulez débarquer ici. Bonjour aux Lyonnais, bonjour à WBG. Tiens, dites-nous comment vous sentez le match de jeudi. On peut faire des petits pronostics déjà pour démarrer la soirée. Allez, jeudi soir, France-Allemagne. Est-ce qu'on va gagner contre les Allemands? Moi, je dirais du 50-50. Comme ça, je me mouille pas, mais c'est vraiment ce que je pense. 50-50. Ouais, d'accord. L'équipe d'Allemagne est pas mal. Moi, je suis fan de Neuer. C'est la classe. C'est qui? C'est Satine qui nous envoie un message. Salut à toi, Satine. Ah, c'est le goal. C'est le grand goal Neuer. C'est ça, ouais. Qui fait peur à ceux qui tirent les pénalties. Ouais, c'est le meilleur gardien. Ouais, mais il est vilain. Ah, il est vilain. Moche, ouais. Il est vilain. C'est ça qui fait peur. C'est pour ça qu'il fait peur à ceux qui tirent les pénalties. Les cages, là, sauter, là. Il sautait, il fallait comme ça avec les bras. Ouais. Bon, ben, dites-nous pour vos pronostics. Allez, on va faire un petit pronostic pour le match des Bleus hier. Qui c'est qui a pas regardé le match hier? Cédric. Moi, j'ai raté le début, moi. T'as raté le début? Ouais, j'ai raté le premier but. Oh là là. J'ai arrivé au deuxième but. Ah bah ouais, parce que j'ai raté le but de la délivrance, le plus beau but hier, le premier. Vite, hein. Ouais. Ouais. Olivier Giroud pour ouvrir le bière, un truc, il y avait déjà but. Ouais. Voilà, déjà but, oui, ça allait vite, ouais. Mais moi j'étais avec un pote, mais c'est un ouf, le mec il met le son donc de son téléphone dans la voiture. Oui. Et il regarde le match carrément au téléphone parce qu'on était en voiture. Bah, c'est normal. Ah mais non, mais bah si, ça se regarde le match des Bleus, Cédric. Pour se qualifier pour les demi, ça se regarde. Tu vas regarder autre chose, toi. Autrement, tout le monde a regardé dans l'équipe. Ah bah ouais, j'ai regardé, ouais. T'as pas cuvé? Non, ça va. Pas hier soir, mais le match de samedi soir là. Italie, Allemagne. Italie, Kéké, ah, c'était bon ça. Ah, j'ai vu la fin, ouais. Oh, il était chiant ce match. Ah ouais, putain, j'ai bien aimé. Voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je me suis réveillé au moment des tirs au but. C'était mieux, quoi. Ah, bah, non, voilà. Mais le match, il y a la première mi-temps, parce que c'était ouais, chiant. Mais ça, je rien. Alors, je vois la France gagner 3-2 dans les dernières minutes. Message de Apou. Je dis que ça va aller jusqu'au pénalty. La France aura une occasion. Allez, les Bleus. Bip, bip, nous dit Saïf Dine, 14 ans. Il est beau gosse. Ah, tiens, il est beau gosse, Neuer. C'est Satine qui te répond, Romano. Elle le trouve beau gosse. Il est fort, surtout. Bah, écoute, hein. Non, mais après, bon, c'est une histoire de goût. Les Allemands vont défendre. Il y aura prolongation, plus pénalty. On va gagner. Allez, les Bleus, tiens, laissez-nous vos pronostics. La France, l'Allemagne, qui va passer? Eh ben, pour la finale, parce que ça y est, là, on approche de la finale. Ah, la ça prochaine. Y est, ouais. Une place en finale. La semaine prochaine, on sera peut-être champion intergalactique de l'Euro. Intergalactique, ouais, au moins. Et ça ferait bien plaisir. L'Euro, ça serait pas cool, mal. Tiens, on a Bruno en ligne avec nous. Vous pouvez nous appeler, hein, 01 53 40 30 20. Je vous ai pas dit, mais vous nous passez un coup de fil pour débarquer ici tout au long de l'émission. D'ailleurs, que vous ayez envie de parler, bon, de l'Euro, on va le faire en speed. On aura notre journal des Bleus tout à l'heure. Évidemment, vous saurez tout sur ce qui se passe. Et puis, pour tout le reste aussi, au 01 53 40 30 20. Dès que vous avez une petite question à vous poser, une petite question à nous poser, une connerie à faire, vous profitez. Alors, Rick, allemande de mes couilles, on va gagner, merci Rick. Sahil, la France gagne au pénalty. Thomas est pour les Français aussi, il pense que les Français vont gagner. On verra ça. Bruno, donc toi t'as 22 ans, t'es parisien, salut Bruno. Ouais, allô. Allô Bruno. Salut Bruno. Alors, on a besoin de ton éclairage footballistique pour démarrer cette soirée parce que Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Alors Bruno. Ouais, en fait, voilà, bah, moi, en fait, ça plaît, parce que voilà, peut-être, il y a peut-être des absents jeudi, pour l'Allemagne. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un guide en France, quoi. Il y a un paquet d'absents, et puis il y en a un paquet qui sont suspendus aussi, parce qu'ils sont de carton, là. Il y a trois joueurs majeurs qui sont absents du côté d'Allemagne, ouais. Ah, ils sont majeurs, parce que les autres sont mineurs. Non, mais les trois leaders, on va dire. Ah, il y a des joueurs moins importants. La vanne. Mais ceux-là, ils sont, c'est important. Et toi, tu penses que malgré ça, il faut se méfier quand même, Bruno? Bah, il faut faire attention, t'as vu, on a eu quoi? On a eu l'Albanie, la Roumanie, l'Islande, c'est pas non plus des équipes de ouf. C'est vrai. Donc, et on a galéré, France, on va dire. Que... Donc, voilà, faut faire gaffe. Mais ouais, peut-être les prolongations et soit dans les arrêts de jeu des prolongations ou dans les pénalties, on pourrait peut-être gagner, ouais. D'accord, bah tu vois, il y a pas mal de messages comme ça qui disent qu'on va aller aux prolongations pénalty, qu'on peut gagner. Brian du 13 nous dit, allez les Bleus. Ah, lui, il pense qu'on va gagner. Salut Brian du 13, merci pour ta photo sur l'appli Skyrock. Vous pouvez nous envoyer ça aussi. Bon, bah écoutez, ce sera jeudi soir. Donc, jeudi soir, grosse soirée sur Skyrock. On suit le match. On suivra également le match Portugal-Galles. Je ne bégaye pas, hein, c'est Portugal-Galles. Portugal-Galles. Portugal-Galles. Portugal-Galles. Ça, ce sera mercredi soir. Donc, à partir de mercredi, grosse soirée. soirée footballistique. On va gagner aux prolongations pour Who's That Girl. Et ah, c'est ce qui revient le plus souvent là, depuis tout à l'heure. Ouais, tant qu'on va au final. Ouais, écoute, prolongation, prolongation. On va bon, après, si on va en prolongation, c'est, on sera fatigué pour la finale. Ouais, t'inquiète, les Portugais, les Gallois, ils s'en tapent des prolongues aussi. Donc, ouais, ouais, fatigué. Ouais. Eh bien, on verra ça. Bruno, petit pronostic alors, vas-y, un score. Vu que c'est les prolongations, je sais pas, je pense peut-être à 0-0 ou un partout, et après, bah voilà, prolongation. Et après, on gagne. France en prolongation. Ouais, voilà. Voilà, très bien. Marseille en force, 18 ans, nous dit 2-0 pour la France, lui. Ce sera comme Allemagne-Italie, ça va se finir au pénalty pour Dean. 3-1 pour la France, pour Mousseau 76. Allez les Bleus pour Kevin Joule de Marseille. Salut Kevin Joule, on écoutera peut-être un petit Joule d'ailleurs ce soir. Ouais, tu voulais rajouter, Bruno? Ouais, allez Cédric. Ah, c'est vrai. Merci que je ne vous ai pas parlé de ce grand match de ce soir. C'est vrai que Bruno a gâché la soirée. Oui, bon, ça va, c'est Bruno, t'as entendu. J'ai oublié d'en parler. Allez, oui, oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Tu fais partie de la team Cédric, j'espère que tu seras satisfait ce soir par une belle prestation de ton poulain. Mais il y a également. Pour être satisfait, votre direct romano, c'est non, plus vite. Pas, non. C'est pas un poulain, c'est un porc. Ah, donc en effet, je. Voilà, Cédric, il te soutient, mais. Merci. À fond la caisse, et d'ailleurs, Cédric. Franchement, t'as des sacrés supporters. Je rêve d'avoir les biens. Cédric, je m'en fous, toi. Tiens, pour moi. Pardon, te remercie. Sans que tu votes pour moi, poteau, c'est l'essentiel. Voilà, je suis un porc. Bon, tout à l'heure, il y aura. C'est la team Gorée. Il y aura le clash. Le port, tout à l'heure. La team Gorée ou la team Le Belge ou la team Romano. Enfin, vous pourrez faire péter tout ça tout à l'heure. Merci Bruno. On te souhaite une belle soirée. Reste avec nous. Le clash dans une heure à peu près. Oui. On va essayer de ne pas le faire trop tard. Salut Bruno. Et on compte sur toi jeudi soir pour le match. Salut Bruno. En direct avec nous et en direct dans la Radio Libre sur Sky. Y'a pas de soucis. Ciao Bruno. Allez, ciao. Salut à toi, ciao. Ah, vous avez pas vu le sondage sur les pronostics des terminales pour leur bac? On fera également les pronostics le brevet. Ils ont fait leurs pronostics selon chaque terminale. Ils se sont donné des notes, combien vous allez avoir. Et donc, on aura la moyenne de toutes les sections, terminale S, terminale ES, terminale L, etc., etc. On en reparlera tout à l'heure. C'est pour tous ceux qui, et même parce qu'on y pense aussi à vous, qui cette semaine recevront les résultats de leurs examens. Ah ouais, ça arrive. Ah ouais, bah, bon courage, tiens. Ils sauront s'ils partent en vacances un petit peu plus tard à cause des rattrapages. S'ils se prennent une batte dans la gueule, éventuellement, par les Ils font le ramadan, ils pourront le faire le lendemain. Exactement. Parce que tu sais, c'est l'Aïd, le jour des résultats. Ah bon? C'est, ouais, c'est pas fini ça. Quand c'est fini demain, alors. Ouais, je crois que c'est demain. Et je crois que mercredi, c'est la fête de l'Aïd. Et en fait, pour ceux qui mardi, c'est l'Aïd, un truc comme ça. Et ceux qui, en fait, qui ont les rattrapages à. Mais le rattrapage, ce sera après le ramadan, c'est dit. Non. Bah si. Mais non, je crois que les euros. Mais le ramadan, il est fini demain. Mais non, l'euro, je crois que c'est les euros. L'euro, c'est en ce moment. L'euro, c'est l'euro. On est en demi. L'euro, c'est quoi? L'euro, les euros. Ça se finit dimanche. Oui, mais les euros. Les euros, c'est de l'argent, c'est ce qu'aime dire Romano, ça. Mais tu dis n'importe quoi. Oh putain, vous faites chier. Oh, t'as compris, t'inquiète. Non, mais. Non, mais on va dire oui. Arrête. Oui, on a compris. T'as raison, c'est vrai. Toi, t'as raison, mec. Non, laisse tomber. Voilà, c'est fini quand le Romano qui arrive. Ça finit mercredi, là. Mercredi. Ouais. Très bien. Et les résultats du bac, je crois que c'est mercredi demain. Mercredi après, ou demain, je sais pas. Oula, les gars. Bon, les euros de rattrapage, tu diras la prochaine fois si tu veux apprendre à parler. Va apprendre à parler, Cédric, puisque c'est comme ça, je vote Romano. Merci pour les messages que vous nous envoyez. Ah bah vas-y, je récupère, bah c'est très bien ça. Attends, qui bug un peu. Sur le 41-759 et sur bien joué. Rock. Bon, allez, on aura des nouvelles aussi du PSG ce soir, parce qu'il y a eu des conférences de presse. Enfin bon, on en reparlera d'ici minuit. On a Léa avec nous. Et puis, bah, le clash de la drague, je vous l'ai dit. Et avant minuit, tout peut arriver avec vous en direct sur 01-53-40-30-20 pour nous appeler, joindre toute l'équipe. Allô, Léa. Oui, bonsoir. Bonsoir Léa, parle bien dans ton téléphone. Salut Léa. Bien, Léa. Vous m'entendez? Pas du tout. Mais on te souhaite quand même. Et les résultats du bac, c'est à partir de demain matin. À partir de demain matin, bon courage, voilà. Les amis. Et ben voilà, bon courage. Il y en a qui doivent stresser. T'as pas passé ton bac, toi, Léa, j'imagine. Non. Ou alors t'es en retard à 21 ans. Mais bon, non, je travaille. Comme on dit, mieux vaut tard que. Jamais. Exactement, Léa. Bah écoute, sois la bienvenue. Tu travailles dans quoi, toi? Dans la petite enfance. Dans la petite enfance. Comme voilà, Cédric. C'est trop mignon ça. Ah non, du tout. Non. Cédric, t'as pas vendu des trucs sur les marchés? Mais il y a longtemps ça. Pour la petite enfance. Je vendais les vêtements pour bébé. Je commence en septembre. Cédric, tu commences en septembre. Bah écoute, c'est bien comme ça, ça te fait deux mois de vacances. Cédric a commencé sa vie professionnelle en vendant des habits pour bébé. Vous imaginez les habits pour bébé? Ah ouais. Bah, on imagine surtout les darons qui venaient acheter ça. La gueule du vendeur quoi. Bah c'était contente hein, gros. J'étais un bon. Les mômes devaient pleurer. Ouais, les trois. Dans les poussettes. Oh non, amène-moi pas, j'ai le monstre. Il y a un monstre. Oh non, voilà, il y a un monstre. Bon alors Léa, pourquoi tu nous appelles Léa? Parce que je vais partir en vacances dans la ville à mon ex. Ah. Et je veux le récupérer. Ah, je croyais que tu voulais pas le voir, tu voulais tu voulais trouver tous les moyens pour jamais voir ton ex, pour pas le croiser, pour Romano, tu stresses parfois quand tu vas excuse-moi de t'en parler comme ça dès le début de cette semaine et le début de l'émission, quand tu vas en Bourgogne de revoir une de tes ex. T'as vu, j'en ai cité aucune, j'ai pas parlé de la gothique encore. Non mais Est-ce que t'as parfois le stress? Tu sors dans la rue et tu dis putain, pourvu que je tombe pas sur elle. Mais je sors très peu. Ah, c'est à cause de ça. T'as peur de la voir. Non mais en même temps, le tour de la ville est vite fait à Autun, en Bourgogne. Mais et quand je descends, c'est pour voir mes parents, donc je reste avec mes parents. On sort très peu. Et mais j'avais une petite angoisse de retomber sur ton. Non mais j'ai déjà vu. Elle ne m'a pas vu parce que je m'étais caché. Puis tu es tout petit. Oui, je suis tout petit. Mais un avantage dans ce moment-là. Moi, j'ai vu. La dernière fois que je l'ai vue, elle était blonde. La gothique était blonde, alors ça m'a vraiment étonné, tu vois. Blonde platine. Blonde, oh là, mon Dieu. Blonde platine. À carnage. Mais toujours gothique un peu ? Là, j'en sais rien, je me suis pas approché. Hein. Bah, approche-toi la prochaine fois. Non, mais j'ai pas envie qu'elle voit ma gueule. Si fais un selfie avec elle. Si je vais la traiter. Mais si, mais fais un selfie avec elle. Non, mais elle. Je la traite, hein, moi, dans le magasin. Fais un snap. Plus. Si tu la traites, faut faire un snap. Non, mais je la traiterai pas, je ne veux aucun contact avec elle. Et ça serait pas mal. Ça permettrait d'avoir des nouvelles. Donc toi, t'as envie de ressortir. Ça t'arrivera peut-être cet été, peut-être tu vas retourner en Bourgogne. Non, mais je passe pas l'été en Bourgogne. Fera que tu vas je respecte la ceux qui partent là-bas, mais moi perso, ce n'est pas ma destination. Et c'est où ta ville où tu vas aller, toi, Léa, où tu vas retrouver ton ex ? Dans le 79. Dans le 79, du côté de Niort. Ouais. Putain, mais t'as fait exprès d'aller là-bas que pour lui ? Ben oui. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est un coup monté. C'est vrai que parce que les vacances à Niort, excusez-moi, à Niort, hein, mais c'est comme les vacances à Saint-Etienne chez moi, c'est pas trop la destination. Tu vas me dire, en Autun, c'est pas mieux. C'est bien quand même. Oui, non, mais c'est bien, mais pour passer l'été, c'est pas super. Il y a pas de plage. Non mais tous les gens de Niort vont sur l'Atlantique, enfin à La Rochelle, non ? Chez moi, quand j'allais à l'île de Ré, je rencontrais plein de gens de Niort. Donc je te raconte pas, il y avait la moitié de la ville qui était en vacances dans le camping où j'allais. Niort est désert l'été. Bon, si, t'as vérifié, parce que pour un peu le mec qui va partir en vacances, tu vas aller là-bas, mais il sera pas. Bah ouais, c'est tout prévu, il m'appelle tous les soirs. Ah ouais, donc t'es déjà en contact avec lui, ça tu nous as. Ah mais vaut mieux. Non mais c'est pas mal ça. T'as travaillé le truc. Il a pas de nana. Ben si, justement. C'est pas un problème, ça, tu vois. Bon, c'est pas un problème. Comme on vous le dit sur Skyrock, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais, bah non. Donc là, c'est là pour lui, s'il veut ressortir avec toi, la solution, c'est ou le largage, ou alors le trompage. Elle pourrait la vie, elle lui a dit d'emmener ses chiennes à la SPA, et là, il lui a dit d'en reprendre une. Elle veut l'emmener en cure pour qu'il arrête de boire et de fumer des joints. Ah oui, quand même. Elle veut lui faire une cure pour arrêter de fumer des joints, arrêter de boire. Marie, tu veux pas l'accompagner, non ? Non, ça va aller. Non, ça va. Ah bah, ça serait pas luxe, Marie. Non, tu sais, profiter des vacances, mec. Parce qu'on en rigole. Pour se remettre en forme. Va te faire recycler un peu le sang, comme Johnny. Oui, bien sûr. J'ai l'idée, là. Il y a une clinique en Suisse, ils font ça. Ils te sortent le sang, ils te vident de ton sang et ils te le refont. Génial. Voilà, à sang tout neuf. Ouais, c'est super. Donc, donc l'autre, elle lui casse les couilles. Mais ça fait combien de temps qu'il est avec elle, lui ? 6 mois. Et ça fait combien de temps que vous avez rompu ? 6 mois aussi ? Voilà, c'est ça. Bon, et lui, il serait plutôt aussi discuté avec toi, qu'il serait plutôt d'accord de ressortir avec toi, en fait. Bah, voilà, et c'est juste elle qui casse les couilles, quoi. Bah, c'est simple, je t'ai dit. C'est normal, c'est son mec. C'est vrai. La meuf, elle va pas dire, ah bah vas-y, trompe-moi. Faut la comprendre aussi. Allez, c'est l'été. Mais la meuf, elle a plus tout mon couple, alors maintenant, moi, je vais lui péter son couple, c'est tout. D'accord, putain, lui, il est dans une merde entre deux meufs qui se battent pour lui. Tu vas me dire, il doit être fier quelque part. N'empêche qu'il va y avoir de l'action à Niort cet été. Oui, ça va être chaud. Il n'y avait pas eu d'action comme ça depuis 20 ans. Vous voyez, moi qui vous disais que Niort, on se faisait chier peut-être à Niort pendant les vacances. Parce qu'ils s'en passent des trucs. Ça va être tendu du slip, on nous dit là sur SMS. Je sais pas qui nous a envoyé le message, mais ça défile tellement vite, j'ai pas vu là. Tendu du slip, c'est bien noté. Mais il vit avec elle ? Ben oui, la meuf, elle a obligé de prendre un appartement avec lui. Ouais, ça, il faut arrêter de dire, elle l'a obligé. J'ai l'impression que la meuf, en fait, c'est un tyran. Ouais, c'est ça. Non, mais le mec, à un moment donné, il a dit oui, il est pas débile. Ben non, parce qu'à la base, il devait prendre un appartement que à son nom. Parce que c'est lui qui paye le loyer et tout. Et la meuf, elle a dit, ben pour pas que tu me quittes, on va mettre les deux noms, ça fait. Oui, mais d'accord, mais il était bien d'accord. Il aurait pu dire, va te faire enculer. Ouais, connasse. Aussi. Non, mais il aurait pu dire aussi. Tu vois, moi, par exemple, quand j'étais avec la gothique, l'appartement, moi, je l'avais pris qu'à mon nom parce que je savais qu'un jour, je la foutrais dehors. Pourquoi? Ça part d'un bon sentiment, déjà. Oui. Non, mais moi, tout était à moi. Elle n'est repartie sans rien. Sans rien. Enfin, non, mais quoi, elle est repartie avec ses affaires, mais c'est-à-dire que. Oui, non, mais. C'est-à-dire que tous les meubles et tout ça, parce que moi, je savais que si un jour ça partait en couille, je voulais pas avoir à séparer, tu sais, la moitié du meuble parce que là, on aurait payé la moitié. Comment vous avez fait pour le cercueil? Elle est repartie avec? Tu lui as laissé ou pas? Ouais, ça, je lui ai tout le lit laissé. Cercueil. Ouais, le lit elle cercueil, avait laissé un sac de Médoc. Bon, on les a achetés. Il y avait 2-3 affaires. Carriole, elle a tout dégagé. Vous connaissez les proverbes sur les ex, hein. Vous savez, hein, les ex, c'est comme le vomi. Oh, elle passe ouais, mais après, ça dépend lesquels. Après, regarde, les ex, c'est comme la prison. Si t'y retournes, c'est que t'as rien compris. Merci à Sabrina du 91, 22 ans, qui me laisse un message. Le mec, c'est un pigeon. Pourquoi vous feriez pas un plan A3 comme ça? Il n'y a plus aucun problème. J'adore vos idées de plan A3. Ça, vous nous le sortez régulièrement. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est régulier. C'est vrai que ça pourrait être, faudrait qu'un jour vous essayiez ça. Parce qu'on a, souvent des propositions de, bon, il y a mon ex et il y a ma meuf et je sais pas laquelle choisir. Ou il y a deux meufs avec lesquelles je veux sortir, je sais pas laquelle choisir. À ce moment-là, les messages arrivent en rafale. Ah bah sur le 41759 et sur l'appli. Vous envoyez, il faut faire un plan A3. Baiser tous les trois, etc., etc. C'est les messages qui défilent. Eh bien, pour une fois, faudrait le faire pour de vrai. Bah, vas-y, tu vois, Romano, vas-y. Eh ben voilà, j'allais te le proposer. Non, mais pas moi. Carriole, la gothique et toi, dans le même lit. Ah, tu imagines le truc d'enfer. Carriole qui mange la gothique, toi qui pénètre la gothique. Bah, moi là, je pense que je dégueule à ce moment-là. Mais... à un moment donné, je quitterai la soirée. Ah là là. Bon, le plan A3, t'oublies, tu veux pas. Hein. Non, tu veux pas le plan A3. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Parce qu'a priori, votre truc, il est plutôt pas mal parti. Tu discutes avec lui, c'est que tu vas revenir. Ouais, mais le truc, c'est qu'il y a l'autre là qui est jeune, qui casse les couilles. Bah ouais, mais toi, tu peux rien, c'est à lui de choisir maintenant. Bah, c'est à lui de la virer s'il veut la virer. Hein. Mais toi, tu vas loger où là, à Niort? Chez eux? Non, ça va, le Père Noël, il n'existe pas non plus. Ah ouais, merde. Donc en fait, tu vas voir ton mec et puis après, il va aller coucher avec elle. Ouais, mais après, je Non, c'est juste pour prévenir. La meuf, elle va l'enfermer. Les vacances, il va pas le voir des vacances. Elle risque d'être moins cool que tu le penses, les vacances, peut-être, Léa. Il y a des choses. La meuf, elle me voit dans la ville, elle va dire à son mec, bah, tu sors pas, tu fais niente. Ouais, tu fais niente, c'est-à-dire tu fais rien. Ouais, c'est ça. C'est du marseillais italien, en fait. Tu fais niente. Ça mélange. Niente, rien, en italien. Et écoute, pourquoi tu t'intéresses à ton ex alors qu'il a une nana, nous demande l'équipe de France, qui nous écoute ce soir, l'équipe de France, 16 ans, bienvenue à vous les bleus. Allez les bleus, on est en demi. Viens, donnez-moi Denis. Ouais, c'est à lui, le type est une dinde, non? Il a pas de caractère, putain, les messages qui arrivent pour ton mec, là, regarde, c'est à lui de gérer l'histoire. Qu'est-ce que tu te prends la tête avec? Et pourquoi il t'a largué il y a 6 mois, au fait? Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'à la base, je devais être en vacances en décembre dans le sud. Oui. Et en fait, il y a une pouchiasse de service qui lui tourne autour. Ah, encore? Ah, c'est la même. Et ah, ouais, oui. C'est la même qu'il a en question. Là. Il comprend rien. Tellement que je m'en bats les couilles, tu sais quoi? Je vais lui dire son prénom à la radio. Non, non, mais c'est bon, tu n'es pas obligé de l'afficher non plus. Voilà. Je dis stop. Voilà. Non, mais ça va pas, non. C'est pas la radio des Allemands, hein. C'est pas la Deutsche Funk ici. Mais après, maintenant, au bout de 2 mois de relation, il regrette je sais pas quoi, mais il dit ça y est, sa meuf, elle empêche de tout, je sais pas quoi. Donc, soit j'y vais, je fais scandale. Non, mais il n'y a rien à faire scandale. Le mec, c'est un débile mental ou quoi? Alors, il en avait pris plein la gueule sur vos messages, non, mais alors, il n'avait pas entendu la réaction de Romano. Là, non, mais parce que depuis tout à l'heure, ouais, le mec, il a le droit de rien faire, mais ça va, tu sais, il a une paire de couilles. Il peut, dire à la meuf, merde, non, je ferai pas ce que tu me dis de faire. Il a quel âge, mec? 23. Ah ouais, il est grand. Non mais oui. Ah ouais, non mais à 23 piges, ça va. Si le mec pour l'appart, il aurait très bien pu lui dire non. L'appart, c'est mytho, il est bien avec sa meuf. Mais oui, non mais voilà. Aléa, il lui fait croire que genre c'est une connasse, comme ça il espère la niquer. Ouais, mais éventuellement, s'il y a moyen de te mettre une carte de temps en temps quand tu seras à Niort. Exactement. T'es derrière, c'est bon. Regarde, Briochette, 15 ans. S'ils ont cassé, c'est qu'il y a une raison. S'ils se remettent ensemble, ça va de nouveau éclater, c'est sûr. Regardez les messages que vous nous laissez. Il y a Kenza BKT qui n'est pas contente. Il t'a lâché une fois, inutile de courir après. Sois pas conne. Ouais. Ah bah moi je vous lis les messages. Merci pour le sois pas conne, les gens. Ah bah je te lis les messages tels qu'ils arrivent. Mais Léa, tu serais d'accord toi, genre que par exemple ton ex te dise ok, bon on ken, mais par contre tu fermes ta bouche, tu dis rien, je reste avec ma meuf. Mais de temps en temps on ken si tu veux. Mais moi, si j'y vais, c'est pour le récupérer entier, pas pour être un peu en cul. Hein. Après, t'as un désavantage par rapport à lui. Lui, il habite à Niort. Elle habite à Niort aussi. Et toi, t'habites à Avignon. Moi, je te dis, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'à Niort, il va y avoir de l'action. Oui, c'est vrai. Tiens, je pense que l'histoire, ça va mal se terminer, votre truc, là. Si vous nous écoutez à Niort, c'est vrai que vous allez pas vous faire chier pendant cet été. Je pense que ça va se tirer les cheveux, peut-être même se gifler. Eh bien, écoutez, au moins, il se passera des trucs. Ah, bah ouais, ouais. Amine Yurtet, voilà, tu n'aimerais pas qu'elle te fasse ça. Lisa Razé qui nous envoie un message. Alors, faut pas lui faire. Demande-lui de la larguer, c'est le seul moyen. S'il reste avec elle, c'est mort. Je peux m'occuper de la meuf si vous voulez. Tiens, on a des auditeurs qui nous appellent là de New York. Bonjour à Ben. Pas bien de lui faire ça, on nous dit également. Ça ne se fait pas encore, regarde. Bon, écoute, Léa, on va te souhaiter bon courage. On demande des témoignages, puis on te retrouve dans un instant avec les témoignages qui arrivent. On fait comme c'est, ça. C'est quand que tu vas, Niort? Tu vas quand lâcher rejoindre le mec? Ben normalement j'aurais dû y aller jeudi, mais vu qu'il y a l'Euro, j'y vais pas jeudi parce que je veux voir le match. Tu as raison, c'est bien ça. Je sais qu'à Niort, il y a la télé, hein, quand même. Hein. Oui, mais moi, non, je faut bien lui dire. Je te le dis, hein, à Niort, confirmez-moi ça, quand même. Hein. Si, il y a la télé et l'électricité. Ah, il y a les même le téléphone. Téléphone incroyable. C'est comme en Bourgogne, c'est. Ça a été installé. Il y a tout. Bon, vous nous laissez des messages. Si vous arrivez la même chose, vous aussi, vous êtes avec une meuf, elle vous largue, elle sort avec quelqu'un d'autre, et puis vous avez envie de la récupérer, ou alors vice-versa, comme les filles, comme Léa, vous nous appelez, vous nous laissez vos messages, et puis on y revient dans un instant sur Sky, et juste après, Afro Trap. C'est MHD qu'on va retrouver sur Skyrock. On sera peut-être un petit double appel. Et là, on va faire pa-pa-pa-pa. Wow. C'est parti pour MHD sur Sky dans la Radio Libre. Venez faire les cons avec nous. N'hésitez pas si vous voulez débarquer ici. C'est jusqu'à minuit. Puis tiens, je vous donnerai, comme je vous l'ai promis tout à l'heure, avant les résultats du bac, les terminales générales S, E, S ou L et la note qu'elles pensent avoir. La note que pensent avoir les terminales, c'est un sondage. On va s'occuper d'un sondage dans un instant. Et Cédric, alors tu as retrouvé ton info sur l'euro. Mais je t'ai dit, c'est ça. Ceux qui font le ramadan, en fait. Ta gueule, Romano, mais qu'est-ce que comme tu leur lances là-dessus? On va encore rien comprendre. Eux pourront le passer. Voilà, le lendemain. 21h20, c'est l'heure de la pub, on m'a dit. Il faut y aller là. Faut y aller. C'est urgent, Cédric, désolé. On met la pub, ça dure une minute et puis on est de retour dans un instant sur Skyrock avec MHD. The morning show. Les meilleurs moments du morning de Difool. Tous les matins de 6h à 9h. Quel est le jeu à gratter qui est également un petit animal qui vit sur toi? Les puces. Oh. Les puces. Mais t'es complètement ce matin, on va aller au PMU, on va leur dire bonjour, je voudrais des puces, s'il vous plaît. 6h, 9h, Morning Best. The morning show. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du morning de Difool sur Skyrock. Tal. Son nouveau tube, Are We Awake, enfin disponible sur les plateformes digitales. Tal. Tout paraît simple. Vous l'aimez, il vous aime, mais... M au 73-400, nos experts vous diront si vous êtes vraiment compatibles. Amourette de vacances ou le grand amour. M, A-I-M-E au 73-400, vous saurez tout. Alors envoyez M au 73-400. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En direct du match des bonnes affaires chez Micromania avec Fallout 4 à moins 15 euros qui passe à The Division à moins 20 euros. Beau tacle glissé de moins 30 euros sur Call of Duty Black Ops 3. Relance de moins 20 euros sur Dark Souls 3. Belle remise de moins 35 euros sur Naruto Storm 4 qui centre. But de moins 20 euros sur FIFA 16. Quelles offres, c'est magnifique! Les bonnes affaires, c'est maintenant et en exclusivité chez Micromania. Du 20 juin au 11 juillet, dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur Micromania. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Le phare. Le phare de la section d'assaut est de retour avec un nouveau tube. Rappelle-la. À découvrir d'urgence sur l'album Monsieur Fall, déjà disponible. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Pff, mais n'importe quoi, vous avez des preuves? C'est quoi vos sources? Lucas? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie? Rumeurs, complots, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Et c'est reparti sur Skyrock avec les Fifth Harmony dans une demi-heure du SCH, du Drake, du MHD aussi encore avant minuit. Rihanna avant minuit aussi et tout de suite, c'est parti avec Afrotrap. Papa. Ouais. Tous les soirs, Difool Radio Libre, 0153 40 30 20. Tu fais de mieux en mieux, papa, on va dire. Papa. Il le fait mieux quand même, hein, c'est MHD. On reconnaît les babous, on reconnaît les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de terre, apprends des marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? Enfuis ta tenue, mon gars, place au combat. On chipote pas, tu payes en caisse. Le combat qui va gérer mes vêtements. MHD, ça tue pour les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hey, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, fais bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Nantes, Paris, Wallé. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je vis ça avant même. Gâté, appétit, quand je marche la boule à du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici, j'oublie les galères. éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me mépriser mes gars sont mes playbacks. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, je te bec, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le check, c'est la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte claire. Bon, je suis l'air que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus tu l'air quand la ligne reste. Ngadje, Abedi, passe me par je la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Et ouais, jusqu'à minuit en direct sur Sky. Attention, double appel, j'en ai pas parlé, mais on va peut-être faire un petit double appel ce soir là, si vous êtes prêts. Ah bah oui. Si vous avez des numéros à nous laisser, allez-y sur le 41759, sur le skyrock.fm. Vous nous laissez vos messages et puis on ira choper parmi les numéros que vous nous avez laissés, les meilleures familles du monde. C'est un beau lundi, j'espère que nous aurons parmi les familles dans un instant double appel. C'est parti, on salue la cuvette des chiottes qui vient d'arriver, qui nous écoute. Bonjour à toi la cuvette des chiottes. Eh bien bonjour à toi. Est-ce que vous pouvez dire à votre auditrice, Léa, que c'est elle qui fait la pute dans l'histoire? Qu'elle laisse le couple tranquille. Sérieux. Et allez, hop. Léa, il y a plein de réactions pour toi. Demande, ouais, après, et exige. C'est d'abord elle la pute parce que c'est elle qui a pété mon couple. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, à la guerre, comme on dit. Bon, d'un autre côté, il y a des conseils qu'on te donne aussi. On te dit, ne sors avec lui que s'il l'a largué avant. En gros, je vous explique si vous venez d'arriver. Léa, elle veut retrouver son ex. Ouais. Son ex qu'il a quitté pour une meuf avec laquelle il est encore depuis 6 mois. Tu pars en vacances à Niort. T'es dans le Vaucluse. Tu files à Niort. Tu files un peu dans le nord. C'est logique, quoi. Juste pour le récupérer. Putain, mais faut être claqué tes vacances. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Est-ce que t'as pas. Ah bah, ça sent la merde. Il y en a plein qui nous disent, les ex, faut laisser tomber. Allez, message de. Bah tiens, Fredo qui arrive. Les ex, laisse-les, ça sert à rien. Un ex, c'est comme ravaler son vomi quand tu ressors avec. C'est bien noté. Celui-ci, je l'ai eu au moins 200 fois depuis tout à l'heure. Merci à toi, Brahim, qui nous envoie un message. Donc, le conseil, c'est peut-être de mettre les choses au clair avant que toi, t'arrives. C'est-à-dire, en gros, en plus, tu pourrais dormir au moins chez lui, puisque lui, il a une maison. Et économie. Et comme tu le dis, Romano, cette méthode te plaît, parce que économie d'hôtel, économie de logement, je sais pas où t'allais, au camping ou je sais pas où. Non, chez ma grande sœur. Ouais, oh, bon, si t'as la grande sœur, c'est pas cher. Non, mais tu peux peut-être demander tout ça. On va prendre il y a juste Hélène qu'on prend en direct, et puis dans un instant, je vous donnerai les pronostics pour les terminales. Si vous passez le bac, allez-y. Hashtag Skyrock, hashtag bac, hashtag Skyrock bac. Ils sont mis plutôt de bonnes notes ou c'est ouais, pire? Vous, tu verras, Maris, dans un instant, je dis tout. Juste avant, ouais, il y a Hélène qui appelait pour Léa. T'es là, Hélène? Oui, salut Léa. Salut Hélène. Salut Hélène. Bienvenue à toi, Hélène. Alors, qu'est-ce que tu avais à dire à Léa, toi, avec son histoire, là, de récupérer son ex, de faire casser le couple, tout ça? Bah moi je pense qu'elle s'est passée pour une pigeonne et que simplement si elle descend bah elle va avoir encore plus mal au cœur, donc pour moi je devrais. Non, elle va monter. Simplement. Je te dis, elle va monter parce que bon, elle est dans le sud et Niort, c'est un petit peu plus dans le nord. Donc, ouais, donc tu montes. Mais non, mais de toute façon, enfin, je pense que non, elle devrait abandonner comme qu'elle va se faire mal et qu'il la prend pour une pigeonne. Donc voilà. Ça, c'est revenu souvent aussi. Hein. Le mec a deux meufs, il est trop fort. Bah, oui, un bip-bip pour bah, lui. Parce que, comme il disait Romano tout à l'heure, c'est sûr que bah, elle va descendre, il va peut-être la niquer. Bah voilà, c'est pas pour être. Il va la niquer. Voilà, bah, on se dit les choses comme elles sont. Ah bah j'espère au moins qu'elle sera niquée et qu'elle le verra au moins une fois. Le pire, ça serait qu'il voit pas du tout. Quoi. Ouais, mais elle va faire mal, quoi. C'est ça, ce qui c'est. Ah, elle va ressortir. Ouais. Enfin, quand elle va être là-bas, ça va être douloureux. Donc, c'est pas la peine. Non, mais comme en même temps, le mec, disaient, quelque part, le mec est très fort puisqu'il arrive quand même à te faire monter. Ah ouais, toi, c'est tu viens à domicile, quoi. Bon, vous êtes nombreux à nous avoir demandé un bip bip pour lui, alors on lui fait un bip bip. Bravo à lui. Je dirais même champion, mon frère. Champion, mon frère. Ah ouais, champion, champion. Regarde, il est trop fort. Redza, là, qui nous laisse un message. Salut à toi, Redza. Et il est trop fort, le gars, ouais. Qui c'est qui a déjà eu deux meufs à la fois? Romano, ça a dû t'arriver. Toi qui es tellement, tellement, tellement sexy. Comme tu le dis, Karim, le tombeur de ces dames. Parce que t'en as eu des conquêtes quand même. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai quand même. Enfin, enfin, modeste. C'est que Romano. C'est vrai. Romano, c'est un tombeur encore plus que ton mec, Léa. Je t'assure. Ah, j'en ai fait tomber de la gonzesse. Ah là, bah, il a des sacrés engins. Qu'est-ce que tu dis, Léa? Combien il en a pêché? Oh là, oh là. Alors, je commence par là. Tu veux qu'on compte en kilos? L'amour de cette fille. Gothique, peau qui pue, tête de cheval. Non, j'ai vu tête de cheval. Tête de gorée. Ah non, c'est la copine. Non, tête de gorée, c'est. Non, ça, c'est une relation à Thierry, les dents de cheval. Oui, ça s'appelait. Non, c'était Ratichat. Hein. Ratichat, les dents de cheval. Il y a eu l'huître. Il y a eu. Je sais plus, moi. Bah, il y a eu l'autre. Mamouta. Ouais. Là, en kilo, c'est le bah, 50 toilettes. Il y en a eu la grossesse, quoi. Tiens, là, Romano, c'est un tombeur. Ouais, tu vois. C'est un tombeur. Ouais, carrément. Je t'ai dit, le tombeur de ces dames. C'est moi. Ça te va tellement bien. Cédric est un tombeur. Il y a déjà des meufs qui se sont évanouies. Rihanna s'est évanouie quand elle l'a croisée dans les cieux de Skyrock. Elle est tombée. Ça, vous pouvez le dire à vos amis. C'est, ouais. Rihanna a croisé Cédric juste devant, là. C'était juste à côté, là, deux mètres de moi dans le couloir. Bim, malaise. Voilà. Rihanna arrive, elle croise Cédric, elle est là. Et pas. Oh my god! My goodness! Bladadam! C'est fou. Et là, évacuation. Évacuation, pompier, ambulance, infirmerie. Évacuation sanitaire. Et là, Cédric. Oh là, je peux lui faire du bûche à bûche. Du bûche à bûche. Et là, Rihanna se réveille, elle fait, oh no, I want to go to the States. Puis après, la sécu est tombée sur Cédric, on vous raconte pas, il s'est fait gifler, mais bien sûr. Biflé. Biflé par la sécu. J'ai été biflé par la sécu de Rihanna. Ah ouais, la classe. C'était génial. Eh bah dis donc. Donc ouais, des tombeurs. Donc demande peut-être d'être sûr des sentiments qu'il a pour toi avant de t'engager dans un voyage. J'ai pas pris le billet de train pour l'instant. Ouais, mais t'as raison. Tu vois, ça c'est le conseil qui revient depuis tout à l'heure, hein, d'être vraiment sûr que le mec a envie de ressortir avec toi. Ouais, et puis t'inquiète, je pense qu'il va pas New York, il y aura de la place tout l'été dans le train, je pense. C'est pas non plus la destination la plus demandée. Et qui va pas t'utiliser comme vide-couille, assure-toi de ça quand même, que le mec toi il se dise bon, c'est cool, j'arrête pas de baiser la même depuis 6 mois et l'ancienne qui revient, ça va être sympa. Ah bah lui, pour lui, c'est le bon plan. Hein. Ah bah ouais. Oh, donc comment tu arrives à te retenir de ne pas avoir une nouvelle relation sexuelle avec la gothique? Mais moi, je l'ai jamais revue, moi. Oui, mais justement. Non, mais moi, je m'en bats les couilles d'elle. Mais tu vas pas me saouler toute la soirée avec elle. Tout à l'heure, en plus, nous a dit qu'après, tu l'avais revue, en plus, tu mens. Oui, je l'ai revue de loin. Cédric sort de ce corps, tu m'étonnes comme Cédric. Ouais. Non, je t'ai dit, je l'ai revue de loin, mais on ne s'est jamais reparlé. La dernière fois où je lui ai parlé. C'était un clin d'œil ou un sourire. C'était, mais elle m'a pas vu, je te dis. J'étais tout petit au milieu. Et ce qui s'est passé, c'est que si Cariole, elle a été la voir de près, mais elles se sont jamais vues. Et Cariole m'a dit, elle est sacrément moche. Bon, normalement, entre meufs, en même temps, je crois. La dernière fois où je à Léa. Comment tu la trouves, la meuf de ton mec, Léa? Ben, moche. Voilà, très bien. Ouais, bon, voilà. C'est toutes les mêmes, hein. C'est Pinocchio, elle a un grand nez comme dit foule? Ben, ouais. Et ben, elle doit être très belle. Non, mais elle a le nez crochu comme dit foule? Il est pas crochu, ouais, Il est crochu. Allongé, quoi. Crochu comme un vautour? Allongé. Ben, c'est pas moi qui ai un nez allongé dans l'équipe, c'est Fred. Fred, il a un nez très long. Ouais, c'est vrai, ouais. Très c'est long, vrai, comme ouais. Ça. Ouais, putain de nez, ouais. Ouais, on est obligé d'installer un micro spécial pour lui. Bien sûr, ouais, avec un trou au milieu. Et donc, oui, Romano, excuse-moi, tu disais elle est moche. Ouais, Cariole disait qu'elle est moche. Ouais, la dernière fois où j'ai parlé à la gothique, c'était pour lui dire de se barrer de l'appart, quoi. Voilà. C'était au téléphone, on s'est jamais reparlé entre temps. Eh bien, vous devriez faire un petit face-à-face, ça vous ferait du bien. Ouais, t'aurais dû aller la voir, gros. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bah, rien, de travailler. Tu la regardes? Elle va se quiser, tu sais, elle va lever les yeux, elle va devoir en train de la regarder. Tu lui tournes autour. Non, mais là, je vais me faire sortir par la sécu du magasin. C'est moi qui vais passer pour un taré, tu sais. Pervers. Je vais faire des pas chassés autour d'elle. Ouais, elle va à l'autre, elle va flipper, elle va appeler la sécu. Non, mais je ne veux pas de contact, c'est le mieux pour elle, le mieux pour moi. Qu'est-ce que t'en penses, Hélène? Il faut qu'elle mette les choses au clair avant de partir, ou alors elle voit une fois arrivée là-bas? Je pense quand même, ouais, parce que après, si elle dépense du fric pour son billet, etc., puis voilà, elle arrive là-bas et qu'elle a pas. Ouais. Qu'elle veut, puis même, je te l'ai dit, même si elle retourne après avec, elle va tout le temps être dans le doute, etc. Ça va être chiant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a Flav. Ça va pas être une vie pour elle de tout le temps douter, hein. Oui, puis en plus, c'est vrai qu'elle sera loin. Elle retourne à Avignon, lui va rester à Niort, il y aura elle toujours. Bah voilà, c'est ça. Donc là, elle va être en crise tout le temps. Et c'est pas une vie pour elle, elle est jeune. C'est pas une vie pour elle d'être tout le temps en stress ou quoi que ce soit. Non, mais en plus, vu que tu seras pas sur place, qui te dit que le mec va pas continuer de niquer l'autre? Ah, ça, bah voilà, c'est ça. Après, vu que la nénette, elle est sur place aussi, bon, il aura beau lui promettre, tu sais, mon émerveille, en lui disant oui, je vais être je vais pas te tromper et tout. Bon, après, voilà, hein, pas vu, pas pris, hein, comme on dit. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, heureusement que vous êtes là, les auditeurs de Skyrock, vous êtes super sympas. Regardez, on a oublié la nièce Frigide pour Romagno et la nièce tout court. Oui, non, mais on n'a pas fait la liste de ses ex, hein, autrement on y passe une soirée. Parce que Romagno est quand même Je pourrais avoir un peu de vie privée. Oui, respecter sa vie privée, oui. Sinon, je porte plainte. tiens, alors, je remercie Flav qui nous dit qu'elle passe à autre chose. Si elle veut, je l'invite. Il y avait Rida également qui nous disait la même chose. Si elle a besoin d'amour, je peux lui en donner. J'en ai un gros entre les jambes. Oh, de gros amour, un gros amour entre les jambes. Non, mais en plus, t'es où? T'es dans le sud. T'es où dans le sud? Avignon. Ah bah reste là-bas, c'est quand même plus sympa que Niort. Bon, désolé à Niort, t'aimes. Oui, désolé, on a rien contre Niort en plus. Non, mais Niort l'été, bon, je sais pas quoi. Ouais. Ça doit être génial, gros. Bah vas-y, c'est génial, c'est... sur la place, ils mettent de l'eau et les gens, ils se mettent sous l'eau pour... Oui, non, c'est une fontaine, mais elle y est toute l'année, je pense. Ouais, mais elle marche que... Non, Romain, elle marche que l'été. Elle marche l'été pour que des petits se mettent dessous. Eh bah, une bonne raison pour y aller, hein. Et c'est là-bas où il y a les chamois, c'est les ça? Les chamois niortais, exactement, oui. Et le fromage chamois d'or, je crois. Chamois d'or, bien sûr. Chamois d'or. Mais pas du tout. Mais non, ah ouais, pas ça. Merde, autant pour moi. C'est quoi les chamois niortais? Les chamois niortais, c'est l'équipe de basket, je crois, Denis. Ah, c'est d'accord. C'est ça, c'est, aussi, ouais. C'est les foot. Non, les chamois niortais, c'est les foot. Ah, c'est le foot, d'accord, excuse-moi, je crois que c'était. Parce que chamois d'or, c'est plus dans les montagnes, je crois. Chamois d'or. Bon, bah écoute, bon courage à toi, Léa. Dis-nous, réfléchis quand même un petit peu, et puis dis-nous ce que tu fais, passe-moi un petit coup de fil quand t'es là-bas, si t'y vas. Et puis Hélène, ben merci du coup de fil, merci des messages aussi. Ben de rien, y a pas de souci. On va t'envoyer des t-shirts Skyrock à la maison, Hélène. Tu pars en vacances, toi, tu fais quoi? Ben ouais, je vais partir en vacances au mois d'août là. Eh bien très bien, oui, c'est bien de partir au mois d'août parce que t'as tous les juilletistes qui reviennent, qui sont dégoûtés. Toi au moins, tu attends, voilà, tu attends. Mais puis je pars à l'étranger, donc tu vas où? Je vais aller en Crète cette année. Ouais, pareil que c'est super beau la Crète. Sartek. Ben voilà. Wallah, c'est génial, il y a plein de coques ouais, là-bas. Ouais, voilà. Wallah, c'est bien. Wallah, il y a des coques. Vive la Belgique. Ouais, merci. Bisous, Hélène, raccroche pas pour le t-shirt Skyrock. Et on t'envoie ça aussi, Léa, à la maison, hein, c'est parti. Et je voudrais juste te dire un truc pour le clash, je vote Romano. Ah, merci. Alors, si je compte bien, depuis le début de l'émission, on a eu Bruno de la team Cédric. Ouais, c'est ça. Et donc toi, Léa, de la team Romano. Hélène, tu as une préférence? Ben, allez, Romano. Hein. Romano. Ouais. Les filles, donc, seraient plutôt pour Romano ce soir. Et les gars, enfin, un gars pour l'instant qui serait plutôt pour Cédric. On verra ça tout à l'heure. On va attaquer le clash d'ici une petite demi-heure. Est-ce qu'on peut faire le double appel là maintenant? C'est parti? Allez, on peut y aller comme vous voulez. Double appel, les familles. Juste après, tiens, oui, je vais vous donner quand même vos résultats du bac. Ah oui, alors, les résultats du bac. En exclu total, il y a un sondage qui a été fait sur les terminales, les élèves de terminale générale, hein, j'ai fait général. Et j'ai les professionnels aussi. Ah, j'ai les professionnels. Ici, on leur a demandé quelle note vous allez avoir pour le bac. Ils ont fait une petite moyenne. Et voici les résultats du bac. T'as pas une musique solennelle, Romano, pour les résultats du bac? J'ai la Marseillaise. C'est bien ça, la Marseillaise, c'est bien ça. Alors, attention. Voici vos résultats pour le bac. Pour les terminales S. Putain, les terminales S, c'est des têtes. Ouais, c'est ce que j'ai fait, moi, en plus, terminales S. Ouais. Et puis, ils pensent avoir le double de moi, puisqu'ils sont à 12,40. Mais 12,40, en plus, t'as une mention. Bah, ça, c'est bien. Bah, donc, ouais, c'est la ça. Moyenne. Putain, donc, il y en a qui disent, je vais avoir 14, il y en a qui disent, je vais avoir 10. Et puis, bon, on arrive à une moyenne à peu près de 12,40. Il y en a qui vont être déçus. 12,40 pour les terminales S. Quand on leur demande quelle va être votre note, bah, en moyenne, c'est 12,40. Bah, si vous êtes en terminale S, putain, ça se la pète en S. J'espère que vous serez pas déçus. Hein. Ah ouais, ça serait con, hein. Romano, t'as fait ES. Ouais, c'est ça. Quelle a été ta note pour le bac, s'il te plaît? Bah, je sais pas précisément. C'est pas ta note pour le bac. Mais c'est même pas. Bah non, parce que j'ai pas été à chercher. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Je sais pas si on l'a reçu. Si, moi j'ai reçu. Ah ouais, tu reçois. Moi j'étais pas allé, mais j'ai reçu. Ouais. 6, entre 6 et 7, quoi. Et ben voilà, tu vois, Romano, le double, toi aussi, le double. Il pense faire 12,14. Les terminales ES. Talonne les matheux en misant sur un 12,14. Ah ouais, quand même, putain. Les terminales L, attention les littéraires, ils pensent avoir 11,80. Ah, c'est un peu plus bas. 11,8. Et après, on passe au terminal technologique et professionnel. Alors là, vous êtes un petit peu moins optimiste si vous êtes en série technologique et pro. 10,70 pour les terminales professionnelles hôtellerie. 10,83 pour terminal technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Oh putain. Waouh. Ça, pourtant, le nom il pète. C'est pour ça que vous pensez avoir moins, c'est parce que c'est compliqué peut-être. Donc vous pensez avoir 10,83. 11,27 pour les STMG. Ça c'est sciences, technologies du management et de la gestion. Ok. Je préfère dire STMG, c'est plus facile à dire. Après, 11,46 pour les terminales sciences, technologies de laboratoire, STL. Et pour finir, les terminales STI2D, c'est-à-dire sciences, technologies de l'industrie, du développement durable. Ouais, je comprends, ça, c'est des trucs. 11,87. Ah ouais. Non, c'est le bac. Hein. Putain, le nom, c'est un peu long, quoi. Voilà, t'as les résultats du bac à sable. Cédric, une bonne question que tu nous poses est très très drôle comme blague. Hey, wow. Ah ouais. Et oui. Voilà, je suis. Ah, j'en oubliais une. Terminal technologie, sciences technologie du design et des arts appliqués, 12,73. Voilà, donc ça fait une moyenne de 11,87, toutes filières confondues. Donc, c'est. Moi, je pensais que. C'était moins que ça. Oh, putain, bien. Moi aussi. Ouais, ouais, moi aussi. Oui, oui, c'est bien. Vous avez oublié tête de tortue. Après, hein. Ah oui, les ex de Romano, mais il y a un nombre de messages pour tes ex, Romano. Il y en a plein qu'on a oublié. Je sais, Romano est in love de la gothique, nous dit le ventre de Marie, 15 ans. Vous avez oublié tête de tortue, message de Morgane. Idir également nous dit la même chose. Ouais, non, mais laissez-la Alexandre, vous avez oublié tête de tortue. D'ailleurs, Romano, est-ce que tu pourrais avoir un petit mot pour te faire pardonner par tête de tortue? Très belle déclaration. Voilà ce que j'avais à lui dire en passant comme ça. Très, très belle déclaration. C'était magnifique. C'est bien. Bon, bah voilà pour les notes que se donnent les bacheliers. Bon, bah bon courage pour les résultats demain, si c'est demain. Hein. Ouais. Bon courage à vous. Alors, le double appel, parce que vous avez dit. Eh ben allez, c'est parti, allez, on est prêts là. L'appel masqué, vous vous amusez bien? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Les appels masqués, j'ai pour habitude, je ne réponds pas. Le double appel de Difool sur Skyrock. Oui, ben, allez-y. Eh bien, on y va, alors. Bien sûr, ouais. Puisque c'est demandé si gentiment. Patrick est là, je viens de l'entendre, il a fait bien. Sure, ouais. Absolument, ouais. Absolument, Patrick est là, Cédric est là aussi. On est salut là. Les filles. Salut les filles. Cédric, tu es tellement gros que tu parles de toi au pluriel maintenant. Bah, avec Patrick. On est là. Non, Patrick est là, moi je suis là, on est tous là. Tiens, on va faire la pesée, Cédric. T'es prêt à peser? Ouais, vas-y, pas de galère. Allez, on va sortir la balance. Un moment sexuel et sensuel. J'espère que vous allez pas trop bander dans votre lit, les gars, que les tellement filles. Sensuel. Il va pas y avoir des coulées intempestives entre vos cuisses, car Cédric va monter sur la balance et vous pourrez imaginer son. Hein, j'espère que j'ai perdu du poids. Oui, quelqu'un a vomi. Ouais, vous pourrez imaginer son magnifique corps. C'est pas bizarre. Vous pourrez imaginer son corps de rêve. Voilà. Ouais, c'est ça, allez. Les gens, ils sont malades. Hein, je sais pas. Bon, c'est parti, on y va. Allez, double appel, on appelle les familles en direct. Vous nous laissez les numéros des gens que vous voulez qu'on appelle et on les retrouve évidemment sur Skyrock tous les soirs. Bien sûr, ouais. Ou presque, bien sûr, oui. Donc le but, c'est de les mettre en contact tous les deux. Il y a deux numéros qui sonnent, deux familles qu'on appelle en même temps, et puis de les laisser parler ensemble. C'est tellement allô. Beau. Allô. Allô. Oui, c'est qui? Pardon. Alors c'est qui? Arrêtez de m'embêter. Et c'est qui? Allô. Patrick. Oui, alors. Un oui. Patrick. Pardon. Un Patrick. Et bon, c'est quoi cette plaisanterie? J'ai pris ma belle boîte, puis j'ai une bonne mythe, là, bien. Bien. Bon, foutez-moi la paix. Patrick. Foutez-moi la paix. T'es pas bah, je vais te branler. Je vais te branler. Allô. Allez. Allô. Salut les filles. Et encule-le. Oh là, moi je comprends. Salut les filles. Il arrive, là. C'est Cédric. Allez, parti. Ah, il est parti. Vous avez vu? Il comprenait absolument rien. Il est parti. Vous avez vu, il était tapis dans l'ombre derrière, il était là. Bah, je comprends rien. Écoutez, ouais. Je comprends rien. Je vais couper. Je comprends rien. Ah, il a dit, je vais couper. Bon, il a mis le temps entre le moment où il a dit, je vais couper, où il l'a fait. Il s'est bien passé une minute quasiment. C'est vrai. J'étais assez lent quand même. Je ne sais pas comment on coupe sur mon téléphone. C'est le mec qui joue, il marche au ralenti. Parce qu'il n'y a pas de bouton off sur mon téléphone. Mais c'est normal, c'est un écran tactile, monsieur. Oui, allô. Allô? Allô? Allô? Je vous écoute. Allô? Patrick. Allô? Allô? C'est Cédric. Allô? Qui est là? Allô? Parle, toi qui es là. Allô? Allô? Attends, allô? Mano, je balance tout là. Oui, allô? Oui, allô? Bon, elle ne veut plus parler. Ouais, mais là, allô. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui est là? C'est Cédric. Cédric. C'est Cédric. Et qui est Cédric? Cédricain. Pas Cédric. Qui est Cédric? Cédricain. C'est pas Cédric. Cédricain, pardon. Cédricain, oui. Salut les filles. Salut. En fait, j'ai un pote à moi, il m'a chauffé. Allô. Je vais jouir. Ah, mais ça, c'est la voix de Cédric. Ah, ouais, bah, c'est ça, ouais, forcément. Tu as fait jouer Patrick. Ah, ouais. Ah, j'ai entendu ça. Tu te jouis régulièrement dessus ou pas? Ah, non, ouais. Du tout, non. Ah, ouais. C'est vrai. Hein. Non. Bon, alors, une autre. On y va. Maria et Anne. Maria et Anne. Ah, attention, des gonzesses. Avant, on a fait que des mecs. Il y a de la meuf, Jean-Pierre. Ouais, mais pourtant, on était tombé sur les femmes. Tu vas me dire, là, on appelle Maria et Anne, on va peut-être tomber sur des hommes, on sait jamais. Il y a de la bonne. Allô? Allô? Allô, oui? Oui? Vous demandez qui? Je sais pas, c'est vous. Ah non, c'est vous qui venez de m'appeler. Non. Ah ben écoutez, ça, mon téléphone, il s'est mis à sonner. Ah, le mien aussi, hein. Mais je viens pas de vous appeler. C'est votre mon téléphone vient de sonner, je viens de décrocher. Allô? Ah, c'est pas vrai, le mien aussi, alors vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? C'est les têtes de cons qui appellent si vous avez besoin de changer de fenêtre et patati et patata, c'est les publicités. Non. Voilà. C'est pas la première fois qu'on nous le fait, ça. Bélou. Oh. Je vous appelle pas, monsieur. Il y a plusieurs personnes sur la même ligne, là. Ça va. Tête de con. Oui, non. Tête de con. Oh, non, mais dis donc. Attends, ça va pas. On dit pas ça à Romano et à notre ami Marquinhos, qui est sympathique comme tout, ce Marquinhos. Ouais, tête de con, je vous dis qu'il y a plusieurs personnes sur la ligne. Patati, patata. Ça va. C'est pas la première fois qu'on nous fait, c'est des démarcheurs. Bah ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui se font harceler par des vendeurs de fenêtres. Oui, alors je suis sûr, je l'ai dit reconnu, c'est les vendeurs de fenêtres. Et derrière, t'as Marquinhos. Je savais pas que Marquinhos l'été vendait des fenêtres. Ça va. T'es un grand champion, toi. Viens, mon frère. Ça va, Marquinhos. C'est ça, c'est les saloperies de fenêtres. Ah. Quand on arrive vendeur de fenêtres. Bon, vous en avez un dernier, juste un petit dernier avant d'y aller. Allez, vas-y. Allez, et puis pour le reste, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. Et si vous voulez donner les numéros pour le double appel, j'y tape pour Morgane qui nous a laissé un message. Eh bien, Morgane, c'est simple, ma chérie, ce que tu fais, tu nous laisses les numéros, tu nous dis qui est-ce qu'on appelle, dans quelle ville ils sont, leurs prénoms si tu les as. Et on les appelle en direct le soir, on les met en contact avec d'autres familles et tu verras, ça les aidera à passer un meilleur été. Ça sera magnifique. Mort de rire, le vendeur de fenêtres. Oui, moi aussi, ça m'a fait rire. Vous n'avez pas la voix de Julien Courbet pour les fenêtres? Non. Ah, c'est vrai que c'est une bonne idée, Fred. J'ai pas pensé, ça, tiens. Arrêt fenêtre. Oui, parce que l'autre, il vend des fenêtres tout le temps. Ouais, c'est ça, ouais. Allô? Oui? Oui? Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, allô? Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Patrick? Qui êtes-vous? Allô? Ouais, bah ça commence à. Patrick? Vas-y, rappelle-le lui. On va lui faire, lui, c'est le vendeur de fenêtres. Allez, voir comment il réagit. Tu veux faire le vendeur de fenêtres? Alors on arrête le double appel, on fait juste lui, juste vendeur de fenêtres alors. Très bien, Romano, tu vas te vendre des fenêtres. Je travaille pour qui? Je sais pas. Qui... Ça commence à me gonfler. Allô? Allô? Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est le vendeur de fenêtres à l'appareil, arrêt fenêtre. Allô? Julien Courbet, tout ça. Vous avez pas vu la pub à la télé avec Julien Courbet dedans? Oui, alors? Bah oui, parce que j'ai vu vos fenêtres, elles sont toutes dégueulasses, donc je voulais les changer. Ah ouais? Ouais, donc je voudrais venir te voir parce que c'est tout sale. Ta femme, elle fait pas le ménage. On va être obligé de changer les fenêtres. Hein. Ah ouais? Ta femme, elle fait pas le ménage, on va changer les fenêtres? Bah on va être obligé. Hein. Ouais, on change la femme. On change la bonne femme, on voit. Ouais, vous pouvez changer la bonne femme. Mais par contre, tu peux venir me voir, je te change la gueule, moi. Ah, ça c'est très gentil, très bien. Ouais, alors, moi je suis capable de changer la gueule. Ah ouais. Bah ça m'arrange bien. Je vais venir avec un ami parce qu'il a quatre mentons, il aimerait bien se faire poncer la gueule. Y a pas de problème là-dessus. C'est bon, t'as une ponceuse? J'ai pas qu'une ponceuse, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah bah c'est parfait. Bon, je viens avec mon ami. Et c'est j'ai Cédric. Ah bah voilà. Et par contre, à ta voix, ça m'étonnerait parce que t'es une boîte PD. Ah. C'est Cédric. Tu trouves? C'est Cédric, pardon, excusez-moi. C'était pas moi. Non, je crois qu'il y a des fenêtres. Ah ben. Ouais, arrête, viens me voir. Ah ben, je vais venir. Ouais, moi, t'es vraiment une voix de PD, par contre. Ah ben, j'espère bien. Ouais, salut, tu vas te faire une bande de fois, toi. Ah ben, j'espère que ce soir, je pourrais te le faire. Ah ouais, bah ouais, ça risque pas, j'ai trop le cul bouché, mais. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Hein? Ouais. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Et vous êtes vraiment marrants, les mecs. Ah oui. Je crois que je vais me masturber sur tes fenêtres. Eh ben, tu vas les nettoyer, c'est tellement dégueulasse. Ça fera Chamonix, je verrai des petits patinés. Ah ben voilà, c'est parfait. Moi j'ai le sens de l'humour, plus que toi. Bon, je suis là dans 5 minutes, mon chéri. Ouais. Tiens, ma biche. Qu'est-ce qu'il faut? Je suis avec mon copain, il faut lui poncer la gueule, hein, ça va plus du tout. Mais ça va. Ouais. Il est content. Ouais. Oh, mais il est parti. Ah bah ça y est, parti. Eh bien voilà, double appel qui se termine bien. Merci. Il a pas aimé que tu lui dises que ses fenêtres étaient dégueulasses. Ah, ça, il a pas supporté. Ah, il a pas supporté. Mais elles sont dégueulasses. Heureusement que tu as appelé. Il avait l'air sympa. Je vais te changer la gueule. Je vais te changer la gueule. Bon. Allez, on est de retour tout de suite. 01 53 40 30 20. Si vous voulez nous appeler, on aura, bah, tiens, un autre rendez-vous avec des familles. Puisque tout à l'heure, vous retrouverez Cédric et Romano pour le clash de la drague. Ouais. Qui va gagner? Lundi dernier, il y a eu 50-50. C'est la première fois de l'histoire du clash qu'on a un 50-50 et on a vérifié, revérifié, revérifié. 50-50. Bon, après, je l'ai niqué le mercredi et le vendredi. Hein. Mais aujourd'hui, t'as un autre jour, Romano. Ah non, mais bon, j'aimerais bien quand même que tu parles des jeux de score. Quoi. Alors, mercredi, t'as gagné. J'ai gagné. Et vendredi aussi. J'ai gagné aussi. Très bien. Cédric, il a rien gagné du tout, lui. Ouais, mais on vit pas dans le passé. Parce qu'il est vilain. Ça, c'est bien dit, on vit pas dans le passé. On vit dans le futur, mon gars, nous. Dans le turfu, c'est ça. Ouais, moi, je suis dans le turfu. D'ailleurs, je vous salue de l'année 2078. Où c'est pas mal, c'est assez sympa. On vit avec des masques à gaz parce que la terre est polluée. Oh, cool. Il y a des inondations partout parce que le climat est complètement déréglé. Ah, moi qui rêve d'avoir un bateau, tu vois. Et oui, et Adolphe Le Pen est président de la République. Ah merde. Wow, oui, c'est le petit-petit-petit-petit-petit-fils de... Quelle horreur. Il est magnifique, il est blonde, mais il a une moustache marron. Une petite moustache, là. Une petite moustache sympa comme tout. C'est ça. C'est parfait, vous savez qu'on peut se télétransporter. Romano, est-ce que tu veux télétransporter, par exemple, dans le cul du Belge? Je peux faire ça en 2078. Non, ça va aller, tranquille. Allez, viens au show un petit peu. Oh là, au show. Oh ouais, viens. Bon, toi, tu vois. Hey, dans un instant, vous en direct, si vous avez un truc à nous demander, si vous voulez faire les cons avec nous, si vous avez une petite story à nous raconter, si vous arrivez à un truc et que vous voulez le partager avec tout le monde, profitez-en, on fait les cons ensemble. Jusqu'à minuit, la plus grande radio libre de France, Skyrock. Oui. Avec le 01 53 40 30 20 41 759 et l'appli aussi, allez-y. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Deux semaines avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet. Grand Stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. Rihanna, l'anti-world tour. Avec Big Sean en première partie. C'est 400 places. 400 places en exclu sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Un été sportif chez Micromania. Vivez des émotions fortes et profitez d'offres exceptionnelles. En direct du match des bonnes affaires chez Micromania avec Fallout 4 à moins 15 euros qui passe à The Division à moins 20 euros. Beau tacle glissé de moins 30 euros sur Call of Duty Black Ops 3. Relance de moins 20 euros sur Dark Souls 3. Belle remise de moins 35 euros sur Naruto Storm 4 qui centre. But de moins 20 euros sur FIFA 16. Quelles offres, c'est magnifique! Les bonnes affaires, c'est maintenant et en exclusivité chez Micromania. Du 20 juin au 11 juillet, dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr. Chaleur, tendresse, amour. Smax. Smax, c'est l'appli de chat et de rencontres géolocalisées pour s'éclater sans prise de tête. Des milliers de mecs et de nanas connectés 24 heures sur 24, à la plage, en ville, en boîte, à côté de toi. Smax, vas-y. Zao est de retour. Son tout nouveau single, Laissez les Kumas avec MHD. Zao, Laissez les Kumas, son nouveau single. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais ? Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. Pff, mais n'importe quoi, vous avez des preuves ? C'est quoi vos sources ? Lucas ? Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie ? Rumeur ? Complot ? Prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Il vient du 9-2. Yo, Jiggy, check. Son univers, tu l'as découvert dans Planet Rap sur Skyrock. Question live dans Planet Rap, Gizmo. On s'est dit qu'on arrête tout dans 10 ans. Yo, Jiggly Check, c'est Gizmo sur Skyrock. Le jeune rappeur à la plume affûtée revient dans l'émission rap numéro 1 en France. Freestyle exclu et nouvel album à découvrir en direct avec Gizmo et Fred sur Skyrock. Skyrock. Plus on nous down. C'est Planet Rap Gizmo tous les soirs, 20h-21h sur Skyrock, sur les réseaux sociaux et en vidéo live sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, c'est reparti sur Sky avec les Fifth Harmony tout de suite. Les Fifth Harmony, Walk From Home. I worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture. I'ma get got you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, work, but you gotta go to work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. And my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. I'm gon' juice, she finesse. I fight boobs, she take that. Put in overtime on your body. Oh non, moi ça coule bien, moi franchement souvent je fais des belles merguez. Difool. Ah mais j'ai pas mal, moi je crains pas ça, moi je suis trop fort comme man. Cédric. Moi je bouffe de la grosse saucisse. Marie. Ouais, moi je mouille mes strings. Samy. You know Marseille, the South of France. Marseille, near Saint-Tropez, Monaco. Momo. Non mais le truc qui est bien pendant les matchs, t'as des cartons de pitch à voler quoi. Et Karim. Karim c'est un peu la femme de l'équipe. Va te faire enculer, ouais. Ah, bonjour Karim. Difool Radio Libre, tous les soirs, 21h minuit sur Skyrock. Et on est là, on est en direct sur Skyrock. Merci à vous d'être là tous les soirs et venez faire les cons avec nous jusqu'à minuit. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, si vous voulez faire les cons en direct, 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler, vous avez la Marie, vous avez Cédric, Karim, Samy qui vous répondent. On a notre journal des Bleus qui arrive dans un instant. Tiens, on va faire un petit jeu aussi ce soir. Je vais vous offrir vos maillots, les maillots des Bleus à gagner. Évidemment, dans la Radio Libre, c'est tous les soirs sur Skyrock. Maillot des Bleus ou jeu, hein, si vous voulez pas vos maillots. Moi, je l'ai, mon maillot des Bleus, je l'ai mis hier soir pour le match. Chez toi? Bien sûr. Que ça, solo, avec son maillot. Sûr, allez, les Bleus. Moi, j'ai mis les lunettes. Tu voilà. Avais pas l'air. C'est encore pire. Non, mais surtout, tu vois rien avec mais les j'ai lunettes. J'ai rien vu. J'ai pas vu le match. J'ai tout raté les buts. Non, j'étais dans mon lit avec mon mec, on a maté le match au pieu et j'avais les lunettes, j'avais pas l'air con. Vous avez marqué pas mal de buts. T'inquiète, des pénalties ou quoi? Non, après. Séance de tir au but, après, on a fêté ça, ouais. Alors vous voulez vos maillots, j'ai pas des lunettes, hein, je suis désolé. Hein. Mais si vous voulez vos maillots, c'est mieux le maillot. Hein. Ou alors votre jeu, oui c'est mieux. Stop pour regarder le match, c'est mieux. Il faut me dire. Bah des lunettes au pire, si vous en voulez vraiment une paire, j'en ai en stock donc. Il y en a. Je peux filer une paire. Si vous êtes gentil, Romano. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Non. Tu offres un truc? Non, mais c'est toi qui les as payés. Bah ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pas lui qui les a payés. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui les ai. D'ailleurs, je me fasse rembourser. Elle est où la note d'ailleurs? Parce qu'Romano, il est capable de me faire payer les trucs et de récupérer la note pour se faire rembourser. Non, mais pas, je te l'ai donné. Bah oui, tu l'as donné à Cédric. Bah écoute, si. Ah oui, c'est Cédric qui l'a pris. Si, j'ai vu moi. Ouais, bon, il y a un trafic de notes, c'est pas grave. On revient à mon jeu. Si vous voulez vos maillots, écoutez bien. Si vous voulez vos jeux. Sur n'importe quelle console, écoutez bien, il faut me dire qui est l'invité mystère ce soir. On va en parler dans un instant. C'est quelqu'un du football. Bonsoir. Bonsoir. Salut, notre invité mystère. Salut, invité mystère. Tu nous entends bien? On entend rien. Si, si, si. Ben, nous, on t'entend bien. Tu nous entends bien? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à toi. Bonjour. Très content de t'avoir sur Skyrock avec nous. Ça fait plaisir. Eh ben, écoute, c'est très gentil. Non, mais c'est un blédard qui parle, gros. Mais non, c'est pas un blédard. Ça fait plaisir. Bonsoir. Alors, qui est donc cet invité mystère? Est-ce que vous l'avez reconnu? Dans l'équipe, je demande pas parce que vous savez qui c'est. On en a parlé juste avant. Ouais. On en parlait il y a deux minutes. Non, c'est pas Didier Deschamps, nous dit Roman Reigns. Didier Deschamps, c'est bonsoir, c'est Didier Deschamps. Bonsoir. Tomis, la puissance lyonnaise, nous dit Griezmann. Non, ce n'est pas Griezmann. Et non, c'est pas Griezmann. Qu'est-ce que le boss des Z qui dit Griezmann aussi, non? Non, c'est pas Payet non plus. On nous dit Payet, ouais, non. Et non. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qui c'est? Si vous avez une. Il y a beaucoup de Griezmann, hein, mais c'est pas Griezmann. Et non. Je lis pas les bonnes réponses. Quel a été le meilleur joueur d'hier? Tiens, pendant que vous laissez vos réponses, on va vous prendre en direct dans un instant et on vous parlera justement de notre invité mystère. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Qui est-ce qui a été le meilleur joueur d'hier soir pour vous dans le match des Bleus? Romano. Grizzly. C'est Grizzly. Ah. Et Giroud, non pas Giroud, parce qu'il a quand même. Bah, Giroud, il a marqué combien? Deux, ouais. Ouais, bah Grizzly, mais derrière, avant Giroud quand même. Et vous avez vu comment on est bon en foot, les Français? On a quand même les trois meilleurs buteurs, ils sont quoi? Ils sont français, c'est vrai. Et ouais, Skyrock est premier sur le foot. Foot, bien sûr. Et là, on peut le dire et le crier très, très, très fort, premier sur le foot. Premier, c'est qui? Griezmann. Deuxième, après, Giroud. Et Payet. Ouais, et voilà. Y a Bale aussi. Et après, il y a Bale, le gallois. Ouais, c'est ça. Il y a Gareth. Gareth Bale. Voilà, ouais. Et tu sais que dans la. Si, voilà, fais ta blague avec les Gareth là. Ah ouais, tu sais que un Gareth, mais six Gareth. Ouais, hey. Oh, merde. Ah ouais, elle est. Et ouais. Et ça, ouais. C'est le niveau. Le Karim Comedy Club. Donc pour toi, le meilleur, ça a été Griezmann, Romano? Ouais. Griezmann, Marie. Ben, Giroud, il a marqué deux buts. Donc, Giroud, deux buts. Ouais, mais Griezmann, j'aime bien. La lagnac. Ouais, les gars, le foot, c'est pas que les buts, hein, quand même. Ouais, non, mais ce que j'ai remarqué, Griezmann, il est en bas, il est en haut, il est partout. Non, mais Griezmann, ouais, et puis souvent, tu sais, il partage. Il défend, il attaque. C'est-à-dire que quand il est devant le but, souvent, il fait une passe à quelqu'un. Bon, des fois, il devrait tirer lui-même parce que ça part dans les ailleurs, mais. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais il est partageur. Il y a Sissoko qui a fait un. Ouais, pour moi, c'est Sissoko le meilleur. Sissoko, Griezmann. Clairement, nettement. Non, mais tu dis, t'es pas mal. Pogba a marqué enfin un but, ce qui était. Ouais, et il s'est lâché en plus après avoir marqué son but. Et après, il a bien joué. Ouais, la délivrance, quoi. T'as vu, quoi? Ouais. C'est qui pour toi, Samy, le meilleur joueur? Ouais, Sissoko, honnêtement, c'est lui qui a fait tout le travail sur le côté droit, il a défendu. Karim. C'était Griezmann et Sissoko. Griezmann, les deux, ouais. Et Cédric. Ah, Griezmann, hein. Il a bien joué, ouais, le match. Allez, on a bien tapé dans le ballon, hein. C'est dingue de pas avoir vu le match. J'allais, tu sais, mon pote, il regardait sur son téléphone, je regardais même pas. Ça me saoule. Mais t'étais en voiture, ça t'intéresse même pas. Mais grave pas. Le suspense, tout ça. Bah là, il n'y en avait pas trop hier. Bah, suspense de qui va gagner, abruti. Ils ont gagné, les Bleus, c'est bon. Ils ont gagné, mais au début du match, ils n'avaient pas gagné. Tu comprends? La finale, tu vas la regarder, la finale? Non. Dis-moi, ça va. Ah ouais? Non. Ah, moi, si, il n'y a pas les Bleus, ça voudrait que je la regarde. Ah ouais? S'il n'y a pas les Bleus, tu regardes pas? Ouais, ça m'étonnerait. Non, peut-être que je vais y aller. Franchement, pour voir quoi? Pays de Galles contre Allemagne. L'Allemagne, ouais. Oui, non, mais je sais, pour les amateurs de foot, Portugal-Allemagne. Ça vaut le coup. Non, mais moi, je regarde s'il y a les Bleus, sinon je m'en bats les couilles. Ah. Ça serait super qu'il y ait France-Galles, ça ferait le concert d'une vieille chanteuse et un match de foot en même temps. Merci H2O qui nous envoie un message. Qui est con. Bien vu, H2O, pour ton message. Oui, bah ça serait bien qu'il y ait la France. Mais il peut déjà, y avoir France-Galles, ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça serait Galles-France, si je ne sais pas de conneries en plus. Galles-France, je vérifie. Ou Portugal-France. Ouais, Galles-France, ça serait. Bon, bah on verra ça. En tout cas, ce sera marrant de retrouver Griezmann sur le même terrain que Cristiano. Ouais. Ah bah ouais. Ça va être rigolo. Bon, l'invité mystère, vous l'avez découvert. Il y a Nico qui est au téléphone avec nous en direct. Bonjour Nico. Salut. Salut Nico. T'appelles d'où, Nico? De Nantes. De Nantes. Bah, bienvenue à toi, Nico. Ah ouais, Nantes, vous avez même pas eu de match, vous, à Nantes. Ah non, même pas. Pas de match de l'euro. Bon, alors, qui est donc notre invité mystère qui nous dit? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Atem Ben Arfa. Eh oui, Atem Ben Arfa. Bip, bip. Atem Ben Arfa qui vient de Nice et qui file à Paris au PSG. Il a fait son premier entraînement aujourd'hui. Il était tout beau. Si Atem, tu nous écoutes, t'étais tout beau avec ta cravate et tout. T'as vu, son costume bien. Cravate, costume. Ils sont obligés maintenant, les joueurs. Ouais, donc ça, c'est le PSG. Rien à voir avec l'euro. D'ailleurs, on lui a posé une question. Il a des réponses qui déchirent, Atem Ben Arfa. Enfin, on lui a posé une question sur l'euro. Bah tiens, on l'écoute. Je suppose que tu as été déçu de ne pas avoir été retenu en équipe de France. Est-ce que c'est pour toi une revanche de signer au Paris Saint-Germain? Alors la réponse, vous la voulez? Ouais. Ah, ah, ouais, ouais, quand même 5 non, euros, Romano. 5 euros. Non, bah laisse tomber, je la veux pas. Bon, la réponse. C'est pas une revanche, mais si on m'aurait donné le choix de faire l'euro ou d'aller au PSG, j'aurais opté pour aller au PSG. Oui, mais ça, c'est ce que tu réponds quand t'as pas le choix. Ouais, oui. Mais quand t'as pas fait l'euro. Non, mais puis là, en même temps, il est devant ses nouveaux patrons, donc il va pas dire, alors, le PSG, je sais pas, mais c'est vraiment de la merde. Il prend 10 millions d'euros. D'ailleurs, je vais te le dire, la CR, c'est un peu pété ici. Oui, d'ailleurs. Hein. Ce que j'ai vu à Clairefontaine, c'est sympa. Non, mais bah, bon, oui, bah, après la réponse, toi, Romano, entre faire l'euro et prendre 10 millions d'euros comme Ben Arfa, tu fais quoi? Non mais là, non mais dans son cas, c'est la, non mais la réponse, voilà, il est obligé de dire ouais, ça au final. Sûr, ouais. C'est vrai qu'il a pas. Ouais, choix, il a bien répondu d'ailleurs. Non mais oui, c'est des mecs qui ont été. C'est bien, Thème. Tu as les félicitations de l'équipe pour ta première conférence de presse. Alors attention, écoutez bien la question la plus longue du monde et la réponse la plus courte du monde. Atem Ben Arfa et un journaliste, je crois, de l'équipe 21, il me semble. Bonjour Atem, ici Damien Dubras, l'équipe 21. Depuis que tu as commencé en Ligue 1, on ne cesse de dire et d'entendre que avec ce que tu as dans les pieds, avec ton talent, tu peux faire partie des 5, voire plus, meilleurs joueurs du monde. Ouais. Là, tu te retrouves dans ce club, le PSG, avec un effectif extraordinaire. Est-ce que tu penses que cette équipe, ce club, peuvent justement t'aider à passer ce palier et rejoindre le clan des 3, 5 meilleurs joueurs du monde, comme on te le promettait depuis longtemps? C'est pas fini. Oui, bien sûr. Ah, voilà. Ah ouais. La question qui fait rire dans la salle. C'est assez court comme réponse. Voilà la question la plus rapide du monde. Et la punchline d'Atem Ben Arfa. Alors celle-ci, elle est bien. Atem, bonjour. Pierre Niguet, l'équipe 21, au milieu. Ah, mais l'équipe 21, ils ont 10 000 journalistes. Ils ont 21 journalistes à la conférence de presse. 21 journalistes. Truc, ils sont alors. Pierre Niguet, vas-y. Atem, bonjour. Pierre Niguet, l'équipe 21, au milieu de l'auditorium. Une question un petit peu plus légère sur le choix de ton numéro. Le numéro 10 était libre. Et pourtant, tu as choisi le 21. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, voici la réponse d'Atem Ben Arfa. Bien vu, Atem. Tu vas rentrer au Karim Comedy Club, je te le dis tout de suite. Bah, j'ai demandé les numéros qui étaient disponibles. Comme j'aime beaucoup l'équipe 21. Voilà, 21. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Bien vu, Atem. Eh, pas mal la conférence de presse. C'est drôle. Donc il arrive au PSG, Atem Ben Arfa, et la punchline qui déchire. Pourquoi le 21? Non mais c'est vrai, à force de poser des questions à la con, bah, vous avez des réponses à la con, c'est les journalistes. C'est exactement ça. Voilà, bien joué. Atem Ben Arfa, bienvenue à Paris. Il arrive. Ouais, c'est parti. Dans ton équipe. Ah, moi je suis content, moi. Ouais, mais il va jouer ou il va chauffer le banc? Non, il sera remplaçant. Non, tu verras, il va jouer, gros. Non, mais bien sûr qu'il va jouer un petit peu, mais il sera. Non, tu verras, ce sera un titulaire, moi je te le dis, gros. Tu verras, bien sûr que si. Cavani va en pointe, Lucas il va sur le banc. Ben Arfa, Di Maria va à droite. Ouais, mais tu verras que. Et Ben Arfa, il va à gauche. De toute façon, vous allez en acheter d'autres. Oui, bien sûr. Sans doute. Vous en avez déjà pris 3 ce week-end. Bon, les dernières nouvelles de l'Euro, c'était là. Les dernières nouvelles du PSG aussi. Et. Ah, oui, c'est vrai, j'ai oublié nos cœurs. Et surtout, allez les Bleus, on fera le journal des Bleus tout à l'heure, la suite des nouvelles footballistiques avant minuit. Votre journal des Bleus à découvrir, votre grand clash de ce soir aussi. Ils sont là, ils sont beaux. C'est Cédric et Romano que vous allez retrouver pour le clash dans un instant. Vous avez vos méthodes? Tiens, faites-nous vos méthodes et on passe Steven en ligne. Allez, la méthode de la caravane, moi. La méthode de la caravane. Moi, c'est la méthode de je pars en vacances. Ah bah oui, c'est un peu pareil. Moi aussi, je suis sur la route des vacances. C'est bien, c'est des méthodes d'actualité. Et ouais, je vais parquer la caravane vers les familles et je vais leur proposer de venir niquer dedans, quoi. C'est la moindre des choses. T'as une préférence, Nico, pour la méthode de la caravane ou la méthode des vacances? Attends, j'ai pas développé, moi. Bah attends, on développera après. Non plus, il a pas développé. Bah si, il a dit. Oui, un peu. Bah, on imagine, tu pars en vacances, t'as envie de baiser une dernière fois avant de partir et blablabla. Non, mais ça, c'est ma méthode de vendredi. Ah non, ça sera pas ça. Tu vas faire un défilé de tes maillots sexy. Non. Ça sera demain, mercredi, ça. D'accord, très bien. Ce soir, je pars en vacances et j'ai une place de plus pour venir avec moi, donc du coup, je voulais embarquer la femme. Ah, t'es en galère, tu pars solo, quoi. Ah, tu vas te faire chier. Non, t'inquiète. Et ouais, c'est des vacances de merde. Non. Des vacances où on met une corde au cas où tu veuilles te suicider. Ou alors, suicide-toi avant de partir, tu feras des économies d'essence. Enfin, des trucs sympas. Et toi, Cédric, t'es déjà parti tout seul. Ouais, bien sûr. Non, mais tu sais que c'est pas mal de partir tout seul. Ah, non, moi je pourrais pas. Mais pas toutes les vacances. Faut partir une semaine tout seul et après tu retrouves tes potes. Non, moi je peux pas. Ou ta meuf, ou ça dépend. Non, tu vois des gens là-bas. Moi je pense que je pleure. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais peut-être pas, mais. T'es dans une grande ville tout seul par exemple, c'est sympa. Parce que c'est le meilleur moyen de découvrir des gens. Tu vas dans un bar, tu rencontres des gens, tu discutes avec eux. Moi je peux comprendre, mais je pourrais pas, ça me fait chier. Moi j'aime bien partager les bons trucs avec quelqu'un. Non, mais pas un mois tout seul, Marie, mais une petite semaine, 5 jours. Peut-être pas une semaine, c'est long. Mais bon, 5 jours tout seul, c'est sympa. Ouais. Non mais bon, tu sais que j'ai un pote, moi il part tous les étés, au moins un mois, dans un pays complètement inconnu, tout seul avec son chien. Ouais, mon mec il a fait ça aussi. Pendant un mois. Ouais. Un mois pareil. Mais il est pas tout seul, il est avec son chien. Ouais, avec son chien. Là, il part au Maroc et il part au Maroc avec une espèce de 4x4 pour rouler dans le désert. Mais c'est un ouf. Ah, c'est sympa ça. Ouais, c'est ouf. Mais je sais pas si tu connais pas Giorgino, tu connais pas? Non. Giorgino. Voilà. Non mais bon, écoute, c'est son trip et il fait ça tout seul. En tout cas, moi partir tout seul. Ah ouais, non, tout seul, ouais. T'as genre le soir en Espagne, il a fait ça en France, il a fait ça. T'as le soir, je sais pas, admettons, t'es au camping, tu rentres, t'es solo. Ouais, mais non, mais le truc c'est que tu vas. Non mais. Non mais le truc c'est que tu rencontres. Non mais même à l'hôtel, ouais. Je veux dire, tu rentres dans ta chambre, t'es solo aussi quoi. Non, bon, t'as la télé. Et ton chien. Ouais, et ton chien. Si t'as un chien. Et ton chien. Ouais. Je suis sûr que si tu racontes ça à Carriole, ça va l'émouvoir. Non, je pense pas qu'elle a envie de partir. Non mais ça va l'émouvoir de savoir que j'ai un pote qui part avec son chien pendant un mois, tout ça. Ah bah de toute façon, Carriole, tu parles de chien, elle est contente. Voilà, parlez. C'est vrai, ouais. Donc et toi, Nico, tu pars en vacances, tu pars pas? Ouais, je sais pas encore. Bon, en tout cas, tu as déjà gagné ton maillot. On va t'envoyer ton maillot à Nantes. Tu n'as pas eu de match de l'Euro à Nantes au stade de la Beaujoire. Ah bah, t'as droit à ton maillot. Mais tu as droit à ton maillot ou à ton jeu. Tu prends ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie? Maillot. Maillot des Bleus. Ouais. Ah, tant qu'à faire. Hein. Bah, allez, allez les Bleus, maillot des Bleus, le journal des Bleus de l'Euro tout à l'heure. Bravo pour notre invité mystère, Nico. Bravo à toi. Bravo. Et merci à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Il y a Zarzad de Cherbourg, il y a l'inconnu. Il y a pas mal de monde. Il y a le portugais, putain, il y a du monde, ouais. Il y a Taylor, il y a Booba, B2O qui vient d'arriver. Salut Booba. Il y a le Legend Killer du 65. Salut Legend Killer. Fredo La Pampa. Et tous les autres. Et même des filles. Regardez. Samia qui nous a laissé un message. Sta également qui a trouvé. Ah non, ça t'avais pas trouvé, t'avais dit Patrice Evra. Et non, c'était pas Patrice Evra. C'était, il était marrant en tout cas, Atem. Atem Ben Arfa, nouveau joueur du PSG, Paris Saint-Germain, Samia. Ouais. Et l'OM, alors vous avez recruté un peu? Écoute, nous, non, pas pour l'instant, pas trop d'argent. Non, mais ça va, vous avez bien vendu hein, quand même. Bah ouais, parce que mec, faut 40 millions, faut tout vendre avant que l'autre se casse pour faire les soldes à l'OM. Ouais. Non, mais bah, non, ça va. Au contraire, tu as vu, c'était même la période escroquerie un peu. Ah ouais, parce que 40 millions Batshuayi, putain. Ouais, on l'a bien vendu à Chelsea hein, ah ouais, c'est un truc de ouf. Allez hop, c'est fait. Tu vois Romano, ils sont vous dites des noms de mecs, mais j'ai jamais entendu le nom Batshuayi. Il est à l'Euro avec la Belgique. Non mais genre tu connais Difool? Mais bien sûr, Batshuayi. C'était le seul bon joueur, un des seuls bons joueurs qu'on avait. Avec Mandanda, je veux dire qu'il jouait pour la Belgique, il a joué à l'OM et là il file en Angleterre. Ouais, à Chelsea. Mais celui qui met tout le temps les trucs Bob l'éponge qui a des dreadlocks là. Ah ok, ouais, oui, ok, je vois. C'est Bob l'éponge, ça. Bah c'est lui. 40 millions à Chelsea. Hop. Ah ouais, c'est ah ouais, pas pocket. Mal. Hein. T'aimerais bien qu'on t'achète 40 millions. Non, ah ouais. Admettons, il y a France Bleu Bourgogne qui t'appelle demain matin. Oui, bonjour, Gérard Ducu, France Bleu Bourgogne. Non mais déjà il a l'accent. Bonjour, Gérard Ducu, France Bleu Bourgogne. Gérard Ducu. Oui, j'écoute. Je vous appelle pour un transfert. Nous aimerions faire une rubrique économique. Dans notre matinale. Parce qu'il n'est pas morning. Une matinale. À combien c'est payé? 40 euros. 40 euros? Ah ouais, 40 euros pour le transfert. Non, mais je leur dis merci de votre offre, mais je vais rester à Skyrock. On a des très jolis studios. Oui, non, mais très bien, mais. Vous animerez l'antenne d'Autun. Non, bah super, il y a du monde. France Bleu Autun. Ça vaut le coup. Franchement, là, j'ai. En un an, au max. J'y perds pas au change, du tout. Alors? Non, bah non, 40 euros, ça va, c'est pas. C'est pas les soldes. Et je sais pas, moi, admettons, il y a Radio Nazi qui t'appelle et il te dit pour 40 millions d'euros, tu vas chanter des chants. Des chants nazis. Ouais, là, c'est chaud, en allemand. Pourquoi c'est pas moi qui ai la proposition? Je sais pas. Bah, non, ça va aller, je resterai quand même ici. Tu vois, t'as des limites, c'est bien. Ouais, non, mais là, t'as vu ce que tu me dis de faire. Comme tu me dis, ouais, 40 millions et puis quelqu'un, je le ferai pas non plus, tu vois. Je suis pas prêt à tout. C'est bien. Ah ouais. J'ai quand même quelques limites. On va dire, Romano, vous l'entendez ce soir, ami auditeur, auditrice de Skyrock, il a une éthique. Ah bah c'est le cas. Oh là, il a des tics, moi j'ai des pouces. Ah bah écoute, chacun son truc, Cédric. Ça me gratte et ça saute dans le lit. Mais oui. Bon Cédric, t'as ta méthode au clash ou pas là? Si, j'ai ma méthode. Il l'a dit. Depuis tout à l'heure, on va te peser Cédric avant pour exciter un peu tout le monde. Et on a Steven au téléphone qu'on va accueillir dans un instant qui doit être dans le coin. Salut Steven. Salut. Steven, 17 ans dans le 77. Bien Steven? Oui. Bah bien. Merci, t'as, bah, nous ça va bien. Ça va. Content, tranquille. T'es en vacances toi ou t'es encore? En fait, j'ai pas de lycée. T'as pas de lycée. Donc toi t'es en vacances depuis avant déjà. Ouais, vacances anticipées. C'est bien ça. Enfin c'est bien, je suis sûr que ça te fait chier de pas avoir de lycée. Ouais, c'est bien, et puis les paroles sont moins contentes en général. C'est bien au début, après. Ouais, mais là au bout de deux mois tu te fais chier quoi. Ouais, carrément. Ah ouais, donc toi tu vous entendez? Ah lui il veut retourner en cours. on va t'offrir un cahier de devoirs de vacances. Oh, peut-être pas quand même. Attends, on a des super cadeaux, on offre des maillots de foot, on a des places pour Rihanna, on a offert des places de l'Euro, on a offert la finale dans le morning. Eh bien toi on t'offre ton cahier de vacances. Ah bah, c'est classe, hein. Franchement, t'as des meilleurs cadeaux. Il y a encore des parents qui achètent des cahiers de vacances. Ah bah bien sûr, mais ouais. Ça cartonne. Ouais, c'est la mode, ça existe quoi. Encore. Bah bien sûr, ça existe encore. T'as vu au supermarché. Il y a des en tête de gondole quoi. Ah ouais. Il y a des putains de rayons. C'est là. Clair. Bah là, c'est la période. Ouais, carrément. Ah bah oui, Cédric, oui, effectivement. Ma mère m'a acheté un. Je crois que j'ai fait deux pages. Au début, j'ai regardé, ça m'amusait parce que c'était un livre. Et je crois que j'ai fait deux pages du cahier de. Ah, moi je regardais les réponses, moi. Ouais, moi aussi. Ah ouais, tes parents, ils avaient pas capté qu'il y avait les réponses, moi aussi. À la fin, ouais. Les réponses, elles étaient au fond, tu sais. Le petit cahier jaune. Et tu faisais chier avec tes parents? Bah, moi je l'ai fait un été, tu vois, vite fait, pareil. J'ai pas fait deux pages, j'ai dû en faire 10, quoi. Mais je dis à mes parents, ouais, ça me saoule, machin. Et tu es content de ton super cadeau, Steven? Bah, ça fait plaisir, oui. Et ouais, mais c'est fait pour. C'est fait pour votre cahier de vacances. On t'envoie le cahier de vacances de quelle année? Waouh. T'étais en quelle classe quand t'as arrêté là? Je devais aller en première. Eh ben, on va t'offrir ton cahier de vacances de première. Eh ouais. Et voilà. Super. Voilà. Super. Moi, j'en ai jamais fait car je suis surdoué. C'est bien le ventre de Marie. Salut, le ventre de Marie. Elle a déjà fait, Cédric. C'est un nouvel auditeur, j'avais jamais vu lui. Ouais, ouais, moi non plus, ouais. T'as déjà fait, Cédric? Je crois que ma grand-mère m'en avait acheté, mais j'ai jamais fait. Ah, tu crois? Je comprenais pas. Ouais, putain, moi, tous les étés, on en faisait. Moi. Ah, tous les étés, toi? Avec ma sœur, ouais, on avait. Elle nous foutait. Ma mère, c'était après le déjeuner en général, elle nous foutait une heure, il fallait qu'on fasse deux pages. Ah ouais, putain. Ah ouais, tu faisais quoi chez la Marie? Ah ben non, mais tu sais, il y a pire que ça. Hein. Là, vacances d'avril, là, j'ai vu des copains de mon neveu, là. Mais tous les matins, genre de 10h à midi. Ton neveu, celui qui a cassé la gueule à... Ouais, c'est ça, ouais. Kaira. Tous les jours de 10h. Romano, il a un neveu Kaira, 12 ans. Quoi, il se passe 12 ans, c'est une Kaira. Ouais, truc de dingue. Et il avait des potes de 10h à midi, tous les matins, c'était devoir. Ouais, mais ça va, il a de la chance. Moi, au Maroc, ma grand-mère, elle m'a mis à des cours de maths de 9h à midi, gros, tout l'été. Ah ouais? Ah ouais, cours de maths avec un prof du bled, frère, ah ouais. Je comprenais rien du tout. Ah ouais, laisse tomber. Mais tout l'été, gros, de 9h à midi. Bah on a pété les plombs, je crois. Ah non, moi, on m'avait envoyé en Angleterre aussi, un mois d'août, et tous les matins, j'avais cours, ouais. Oh putain. Pareil. Et t'as pas appris à parler anglais? Si, j'ai appris, mais j'ai oublié depuis. Bah, speak in English, please. Ouais, yes, ouais, bien sûr. Yes. Alors, Cédric, on va te peser. Allez, voici vas-y. Tout de suite pour tous ceux et celles qui sont déjà en vacances. Alors, si vous êtes en vacances, vous avez pas dit. Vous pouvez nous appeler, hein, si vous écoutez Sky en vacances. Téléchargez l'appli Skyrock, au cas où vous n'ayez pas Skyrock dans la ville où vous allez. Mais allez, laissez-nous des messages, allez-y. Et donc pour vous exciter tout de suite, voici Cédric. Il faisait 93 minutes. Tu veux pas poser en maillot 28. De bain? Ouais, non, ça va aller. Bah si, pour l'été, tu te mets, ton petit moule-boule, tu sais. Pas prêt, là. Ton moule-boule avec les boules qui dépassent. Tu veux pas te déshabiller? Oh là là là là là là. Attention, j'ai vu un 97, moi je sais aussi, pas. Ouais, moi aussi. Hein. Ouh. Ouh, 96, la fréquence de Skyrock à Paris, à Grenoble, à Strasbourg. 96, il fait. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est son record? Non, non, mais c'est bien 96. Est-ce que c'est son record, Marie, au lieu de me regarder comme ça? Non, dans ton non, c'est clair, être regardé, genre. Je crois qu'il avait fait un peu plus. Non, mais j'hallucine parce qu'il faisait 93,8 le 28 juin, quoi. Ça veut dire qu'en moins d'une semaine, Cédric, non, tu as pris 93,8 pour aller à 96, Marie. Bah, ouais. Ça y va, à l'euro, hein. Tu bouffes, hein. Putain, mais c'est en même temps, c'est vrai que tu bouffes pendant tous les matchs. Oh, bravo, Marie, elle a fait une, elle a fait deux une soustraction, Marie. 2 kilos de. Bravo. Cédric, t'as pris 2 kilos de. Attends, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais t'avais pris, non, t'avais fait plus, non? 96 ans, il avait fait. Ouais. Il me semble. Non, mais là, t'es proche du record. Bravo. Bravo, Cédric, bravo. Non, mais t'es surtout proche des 100 kilos, gros. Tu es surtout monstrueux. De toute façon, avant la rentrée, il fait 100 kilos. Eh, t'es plus proche des 100 kilos. Que des 90 maintenant. Mais en plus, tu lui as dit full tout à l'heure en rentrant dans le studio et t'as regardé, t'as dit putain, ouais. T'as grossi. Ouais, c'est le t-shirt. Ouais, tu lui as dit direct, ouais. Oui, c'est le premier mot que j'ai dit à Cédric, je lui ai dit bonjour, j'ai fait un petit compliment. J'ai dit t'as grossi, t'as l'air d'un loukoum. C'est tu ça. Tu vas où cet été en vacances? Je sais pas encore. Dans un restaurant. Qu'on y aille pas? Non, mais non, mais dis où tu vas. Mais je ne sais pas encore. Dis là qu'on y aille deux, putain. Mais je ne sais. Mais t'as pas une idée? Non, j'ai pas d'idée encore. Mais tu voulais pas retourner à Vegas? Ouais, si, c'est dans les projets, mais c'est pas encore fait, quoi. Putain, il revient de Vegas. Trois semaines dans le désert. Mais combien tu. Ah ouais. Mais ah là-bas, ouais. Non, mais ouais, tu feras 100 kilos. Si tu veux au States, gros, tu feras 100 kilos. Ouais, mais c'est ça que j'ai en train de me dire. Putain, si je vais à un pub, tu bouffes bien, tu. Tu vois, t'es tellement beau gosse qu'il y a Romain qui filme pour les réseaux sociaux. Ah ouais. T'es sur quoi, Romain? Et il bave. Sur Facebook. Sur Facebook, t'es en Facebook Live, Romano. Non, mais Cédric. Cédric, moi, c'est Cédric, moi. C'est pas les. Non, mais va en cure à la bourboule. Tu fais pas une cure, ouais. Ouais, une cure à la burbule. Ah, tu veux pas aller. En plus, ça t'irait bien d'aller là-bas. Bon, là, je pars à la burbule. Ouais, j'ose un peu. Mais tu lui as dit ça, gros. Il va peut-être le faire, hein. Tu lui as dit. C'est de daron, ça. Ah non, pas du tout. Moi, il me l'avait proposé pour l'asthme. Ah, bah, je suis pour un vieux, toi aussi. Non, mais j'étais avec ma mère. Il fait, ouais, ce serait bien qu'il aille là-bas, la bourboule. La burbule. Ah, j'ai regardé ma mère, genre. Je t'en supplie, bon, on va pas là-bas. Non, j'ai jamais été, mais a priori, c'est très sympa. Putain, mais j'en train de chercher d'où j'ai pris du poids, attends. Ah, t'as dû manger, c'est vrai. Ah, t'as dû bouffer. Ah, j'ai bouffé, mais pas tant que ça. Et comment va ton transit? Ouais, ça, non, ça va. Mais tu chies dur ou liquide? Non, dur là. Oh. Ah, putain. Et hier, j'en ai fait une gros, elle m'a fait mal au cul, j'arrivais pas à la sortir. Tu sais qu'elles sont grosses et t'as du mal à sortir, tu vois. C'est limite, tu la rentres parce qu'elle mal. Elle t'arrache le cul, c'est. Mais tu chies quoi? Tu chies des mortadelles ou quoi? Non, je chie des briques. Il t'explique que c'est gros comme ça. Non, mais c'était au moins gros comme ça. Ah non, mais on veut pas ça. L'autre, il te montre un truc, c'est plus gros qu'une bouteille de coca de 2 litres. Ça veut rien mettre. Non, mais l'autre, il chie des packs d'eau, quoi. Ouais, mais ça t'arrache le cul, gros. Ah ouais, mais attends, mais chie un truc pareil, Cédric. Non, mais Cédric, si on t'encule, on touche pas les bords, toi, c'est pas possible. Mais voilà, toi. Ah, fais du loup, tu un truc pareil. Toi. Ah, ben ouais, c'est vrai, mais on dirait que t'accouches. Non, mais le cul, tu sais, la nuit, ça se resserre. Non, mais c'est vrai. Le mec, mais t'as une dilatation extrême du truc du cul, quoi. Non, mais ça m'a fait super mal. Non, mais ça m'a. Et tu veux pas qu'on te fiste un soir à la rentrée? Non, mais peut-être que c'est d'ailleurs, ça vient peut-être de là, ton transit. Ouais, bah oui. Faut arrêter de faire des trucs du cul, mais. c'est ça, ouais. Tu parles tout ce que tu t'es foutu dans le cul, toi. Je parlerai pas trop, moi. Et allez. Ah non, mais jamais de trucs aussi gros. Maintenant, hein, moi, je fais des belles crottes. Hein. Attends, les plugs que tu te mettais dans l'anus, mon pote. Ouais, mais tu sais, Cariole, des fois, je lui montre ma crotte, elle est admirative. Ah non, mais tu. Ah non, mais vous êtes. Non, mais non, mais regarde leur crotte. Ah ouais, t'es en train de nous avouer des trucs de chou. Après, me vanner, gros. Non, mais des fois, je refuse. Cariole, elle fait des trucs. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Non, non, entre pas dans les détails. Assez laid, vu son physique. En plus, je voulais parler séduction parce que c'est quand même l'heure du clash maintenant, si vous êtes prêts. Non, mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que même Rihanna, elle chie sa race. C'est normal, oui. Comme tout le monde, hein, tout le monde fait caca. Tu sais, avant de monter, sur, par exemple, dans les stades qu'elle va faire ses concerts, elle va chier. Tu sais, elle est stressée, elle chie. Comme tout le monde. Oh my god. Oh my god, merde. Bon, tiens, on se prépare un petit Rihanna, tiens, avant minuit, on écoutera Rihanna. On vous offrira vos places de concert pour aller voir Riri en concert avec Skyrock. Elle va tout déchirer, Rihanna. Elle sera au Stade de France, évidemment, mais elle sera aussi à Lille. Elle sera aussi à Lyon et elle sera aussi à Nice. Si vous voulez aller la voir, restez bien dans le coin, on vous donnera le top tout à l'heure. Et donc, on va lancer le clash de la drague spéciale vacances. On retrouve Steven après, puis vous en direct. Et un petit SCH qu'on va écouter avec Je la connais. J'ai choisi Je la connais, ça vous va? Ouais, très bien, moi j'adore celle-là. Très bien. C'est ta préférée? Ouais. Allô maman, non? Moins. Champs-Elysées? Ah, j'aime bien le moment. Ouais, non, ah, mais ouais. Celle-là, je sais pas. Il y a des moments, mais il y a un moment. L'instru, elle me fait planer, quoi. Planer. Bon, alors, on va planer. C'est parti pour le premier coup de fil. C'est celui de Cédric pour le clash. C'est parti, Cédric. On appelle directement les. Oula, après, c'est la, c'est la panique au standard, mon pauvre Cédric. Tu es lent, mais tu. Ah non, je suis pas lent, mais deux mais secondes. Mais si, t'es lent, Vas-y, histoire de te faire gagner du temps, je vais mettre le jingle. Attention, attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Tu veux quoi? Bah, je la connais. Ah, tu veux que je remette, je la connais? Bah, ah ouais, j'adore, moi. Bon, alors, je remets, je la connais. Hop là. Et donc, c'est parti, on y va pour les vacances, oh. Cédric. Et alors, les numéros, ils sont où? C'est bon ou pas, là? On est en train d'imprimer le truc et l'imprimante. Ah ouais, donc tu es vraiment. Non, c'est pas moi, c'est Romain. Non. Ah, là, bah, là, ah, c'est Romain des réseaux sociaux encore? Non, c'est pas moi. Non, non, mais c'est vrai, t'es lent aussi. Non, t'es gentil, sympa, tout ça. T'as une belle casquette aussi. Merci. Mais t'es lent. Non, la feuille venait de sortir de l'imprimante. C'est Cédric qui l'a envoyé en retard. Cédric l'a envoyé en retard. Très bien, tu vous avez bien noté. Ouais, bah, de toute façon, Cédric ne veut jamais son travail correctement. Allez, c'est parti. Tu peux tous parler, toi, s'il te plaît. La méthode de je pars en vacances. Essaye d'être pro. Allô, on va chez qui là? Ta gueule, toi. Je parle pas avec toi. Chez Franck. Allô? Allô? Ouais, bonsoir, Franck. Comment? Est-ce que c'est Franck? C'est pas Franck du tout, là. Ah, c'est qui? C'est sa femme? Oui, c'est qui? Eh ben, c'est Nicolas. Ouais, mais Nicolas. Il Franck, est là ou pas? Il est au travail. Ah, ben, ça tombe bien, justement. C'est avec toi que je voulais parler. Ouais. Je t'appelle parce que j'ai un petit truc à te proposer, là. Je pars en vacances, là, dans pas très longtemps. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien partir avec une meuf, donc je pensais à toi. Bon, attends, c'est quoi ça? Bah, je me suis dit, tiens, la meuf de Franck, elle est plutôt cool. Bah, ouais, pourquoi pas, c'est cool, hein. Une petite semaine de vacances offertes. Bon, par contre, faudra coucher avec moi, hein. Bah, ouais, par contre, je suis très cher, hein. Ah, bah, nickel. Bah, ce que je fais, c'est que je vais à la maison. On fait un petit test pour voir si tu conviens. Je fais un petit casting. Si t'as un bon coup, bah, je t'emmène avec moi en vacances. Bah écoute, j'en parle à Franck, je lui demande les tarifs et puis je te rappelle. Non mais Franck, il m'a dit qu'il était ok lui. Ouais, mais je préfère lui en parler, il n'y a pas de souci. Bon ben, on n'a pas le droit de payer. Hein, pour J'arrive à la maison et puis on verra ça avec lui, d'accord? Bien sûr. Eh ben nickel, j'arrive, prépare-toi ma chérie. Ouais, ben je t'attends, pas de problème. Mets-toi dans une petite tenue sexy, histoire de m'exciter un peu la bite, quoi. Ah, ouais, bien sûr, ben je pense qu'elle est déjà excitée toute seule, ta bite, ouais. Donc il n'y a pas de souci. Eh ben nickel, j'arrive, tu bien me la suceras comme ça. Bisous à tout de suite. Et voilà. Attention, non, mais y a rien, je t'ai dit que le tourisme sexuel, c'est pas sur Skyrock. Hein. Bah, j'ai pas dit que j'allais payer. Hein. Ah, si, elle t'a dit faut payer. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle, mais oui, moi, je dis je viens, non, on va faire surtout, un test. C'est surtout que le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien. Quoi. Ah, bah si, j'ai dit que je venais et que je vais la baiser. Non, mais. Elle demande à son mari, elle te rappelle. Donc, en gros, tu n'as absolument pas serré. Bah, si, une fois serré, mais arrête de critiquer. Alors, Cédric, à la décharge de Cédric. Non, mais t'es malade. T'es malade. Tu es atteint de mythomanie. C'est toi le mythomane. Mais sérieux, c'est grave. La meuf, j'ai dit grave, docteur. Tu vas me sucer en attendant Franck. Elle m'a dit ouais. Donc, il fallait savoir. Vous n'allez pas vous mettre tous les deux contre moi. Non, j'allais dire que tu avais eu un bon contact quand même. Bah, bien sûr, j'ai eu un bon contact. Non, mais ouais, mais il n'y a pas de serrage. Concrètement, il n'y a rien eu. Mais si, il y avait un serrage. On va voir si tu fais mieux. Parce que l'art est. La parole est facile. Et c'est quoi qu'il disait les profs, putain? La critique est. La critique est facile, mais l'art est difficile. C'est ça, gros l'art. Wow, là, c'est moi. C'est Michel. Allez, on file chez Michel. Vogel, il a serré, nous dit Rick, BLC. Ah, c'est quoi, vous filez les... Enfin. Michel. C'est ça, Michel. Ah, allô, Michel. Allô, Michel. Ouais. Ouais, comment tu vas? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, là. Je suis en train de suivre la caravane du Tour de France, je suis dans ma caravane. Vous gourrez de Michel. Ah non, mais t'as une femme. T'as une bonne femme, Michel. Non. Non ? Eh ben ce soir, bonne nouvelle, tu vas goûter peut-être pour la première fois de ta vie à la sodomie. Ah. Avec moi. Ah. Oh putain. Lui, il était pas... J'ai remarqué dès le début, il était pas très ouvert. Non mais ouais. Il était pas ouvert, hein, pas trop. Hein. Ah, tapis, putain, ce con n'avait pas de femme en plus. Non, mais c'est vrai que t'as pas eu de chance. Il y a pas idée de pas avoir de femme, quoi. Bon, on fait un deuxième tour. Draguer lui, hein. C'est reparti. Bah, j'ai bien essayé, mais bon, il a pas été super réceptif, quoi. Non, à la sodomie, il était pas super réceptif. Ah ouais. Non, mais il était réceptif à rien. Je crois qu'il a strictement rien fait. Encore une raclure de famille. Si un mec, on va chez qui ? Si un mec qui t'appelle, hein, et qui te demande de t'enculer comme ça, tu lui réponds quoi ? Allô Michel. Sans doute oui. Bonsoir Michel, comment ça va ? Tu peux finir le téléphone ? Oui, c'est François au téléphone, tu vas bien ? Ah, François. Ouais, change de prénom. François ? C'est bien, tu as raison. Allô Michel ? Oui, bah, je connais pas beaucoup de François, alors quel François ? Eh ben justement, on va faire connaissance, mon petit chéri. Je t'appelais parce que ce soir, oh, je voulais passer vers chez toi. François, allez hop, dis-lui, dégage. À lui. Ouais, mais dis-lui François premier, c'est de son époque. Allez hop, dégage. Ouais, mais dis-lui, ça parle sur mon appel. Ah, tu racontes toute sa vie. Non, mais il entendait rien, t'es sourd. Ouais, bah, oui, il entendait rien, ouais. Allez, deuxième coup de fil pour Romano. Ça, il entendait rien. Alors, vas-y, c'est qui ? C'est qui ? C'est incroyable. C'est Laurent. Bon allez Laurent, putain, j'aimerais bien avoir une famille potable moi. Pendant mon appel, elle arrive, je le sens, c'est la famille de Laurent. Tiens. Allô Laurent ? T'as un pif de merde. T'as un pif de merde. Laurent ? Non mais je te dis, ouais, vous faites exprès. Non mais t'as de la chance, il a pas parlé. Bah encore heureux qu'il a pas parlé avec un... C'est là qu'il fait. Non mais ouais, genre un truc venu d'outre-tombe. Bon, on en a un autre pour toi. Ah bah j'espère bien. Qui c'est ? C'est Denis. Denis. Alors, Denis. Oui, allô ? Ouais, Denis ? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas ? Allô ? Tu m'entends ? Allô, oui. Ouais, oui, tu m'entends ou pas ? Oui, c'est qui au téléphone ? Complètement con, le Denis. Bon, dis voir, je suis de passage là dans le coin, là, parce que je suis sur la route des vacances, je suis avec ma caravane. Est-ce que je pourrais squatter devant chez vous pour cette nuit ? C'est qui au téléphone ? C'est Jean-Louis, j'ai discuté avec ta femme sur internet. Elle m'a dit si tu passes dans le coin, tu peux venir me niquer. Eh ben, je suis dans le coin, je vais venir la niquer. Ouais. Ouais. Donc je vais arriver dans 5-10 minutes là. Ouais. Donc je défais la caravane, j'enlève la boule et compagnie, je mets les je mets les béquilles. Et puis après je monte ma béquille à moi pour le cul de ta femme. Écoute, je t'attends, y a pas de problème. D'accord, comment ça se passe ? Tu nous regardes ou tu participes ? Non. Tu veux faire attends, des... y a pas de souci. Des photos souvenirs peut-être. Non. Non, je crois que je vais t'enculer aussi du coup. Ok, mais ça marche. Ah, pas de souci. Je suis là dans 5 minutes, mon chéri. Y a pas de problème. Tu vas me voir arriver. Je suis avec ma caravane. D'accord. Ben emmène ta caravane et puis on va en discuter. Voilà. Si tu veux t'asseoir sur la boule de ma voiture, c'est nickel. Oui. Tu vas voir. À tout de suite. Il y a du cambouis, ça passe tout seul. À tout de suite, chérie. D'accord. À tout de suite, mon amour. Voilà. Ne foutez pas de gueule. Le mec qui se foutait de ta gueule, gros. Bon, est-ce que t'as serré pour ce clash ou pas ? Ouais, premier appel, ouais. Donc Romano, est-ce que t'as serré pour ce clash ou pas ? À l'instant. Bon, alors à vous de voter, il y a un serrage chacun, puisque un serrage que pense avoir eu Cédric, un serrage que pense avoir fait Romano. Non, mais moi, c'est pas je pense, c'est. Toi, le mec qui t'a dit on verra, on en parle. Vous en avez eu la certitude. De toute façon, c'est pas à vous. Eh bien, ce soir. De le dire, c'est à vous de juger, vous qui nous écoutez, au 41759 et sur l'appli Skyrock. Oui, Romano, tu voulais dire ce soir. Ce soir, eh bien, il faut voter Romano. Magnifique. Pourquoi ? Serrage. Parce que c'est un mytho, ouais. Avec la famille. Je garde la caravane. Hop. Et c'est parti. Je culbute la femme. Je culbute le mec. Eh bien, pour tout ça, c'est l'été. Il fait beau. Il fait chaud. Faut voter Romano. Il fait beau, surtout dans le sud. Ouais. Non, mais bon, c'est mon slogan. Vous avez vu, la France, elle est coupée en deux. Dans le nord, on a l'impression d'être en automne. Hier, il y avait de la bruine. Ah ouais, c'était horrible. Vous avez vu le match de foot hier, le temps qu'il faisait. Ah, j'ai halluciné. Le mec avait des vestes. Oui, non, mais il y avait des vestes, des parapluies, de la bruine. Ah ouais. Il y a eu de la bruine. Faut voter Romano. Non, faut pas voter Romano. Moi, j'ai serré la femme de Franck, tranquille, la meuf, elle m'attend. Donc, pour ça, votez Cédric. Moi, je vais aller chez elle, on va faire un petit casting. Pour le départ en vacances, votez Cédric, la famille. Je vous aime très très fort et notez bien que Romano est parlé sur mon deuxième appel. Et normal. Votez Romano. Mais qui croit que c'est salon de thé ici. Merci beaucoup de soutenir la famille, je vous aime. Allez, Cédric, il est toujours en train de gueuler, c'est le casseur d'ambiance. C'est toi qui gueule. Ambiance garantie. Donc, tu râlais dès le premier appel. Bon, il est 22h27, ça veut dire que vous avez 5 minutes, ça nous amène jusqu'à quelle heure, Marie ? Un petit calcul mental. Mon Dieu. Alors, Marie, j'ai pas entendu. C'est pas minuit 17, non ? Qu'est-ce que t'as dit ? 5 minutes. Eh bien, non, Marie, jusqu'à 22h32, vous votez.

Mais je la connais. Non, je la connais. Mais je la connais. Car je la connais. Non. SCH sur Skyrock, il est fort ce morceau, hein. C'était, je la connais sur Sky, en Sky version. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Et qui va gagner le clash? Ben on va vous dire, là, les votes sont finis depuis une minute. Et j'ai putain, c'est, ça votait. Pourquoi ça votait? Non, mais Milano, fan de gagner. L'OM. Je pense que Romano est sûrement le plus grand dragueur du 21e siècle. Cependant, Cédric se débrouille. Alors, je me tâte pour mon vote. Mais ah, vote Cédric. Non, mais c'est un beau message. Milano, fan de l'OM, 16 ans, qui se tâte. Il n'a pas trouvé pour qui voter. Bah, vote Cédric. Vote pour le plus grand dragueur du 21e siècle. Le plus grand autrement dragueur. Autrement dit, R-O-M-A-N-O. Bon, c'est fini les votes. Hein. Merci pour avoir voté, tout le monde. Bon, et on recommencera mercredi, vendredi, en direct, évidemment. On est en direct tout au long de la semaine. Hein. Profitez de la radio libre. Profitez-en pour nous appeler au 01 53 40 30 20. Il y a qui nous demandait comment nous joindre. Bah, tu avais laissé un message, tu aurais pu laisser ton numéro. Et ça marchait très bien. C'est Prec qui nous allait. Prep qui nous allait. Ah ouais, on peut rappeler. Hein. Oui, oui, oui. Tu laisses ton numéro, on te rappelle, tu passes à l'antenne. Et à partir de là, tu dis ce que tu veux. On va vous passer du gros son ce soir. On a prévu un petit Drake là ce soir. Lequel on va se mettre de Drake? Moi, je suis toujours sur le One Dance. Bon, moi, j'aime bien le One Dance. Bon, allez, One Dance. On sera One Dance avant 11h. On se met ça dans moins d'une demi-heure. On écoutera un autre son de MHD, Maman J'ai Mal, et puis Rihanna et Calvin Harris aussi avant minuit. On prépare le concert de Rihanna. Des places à gagner d'ailleurs. Encore des places pour vous. 400 places de concert à gagner pour aller voir Riri, Rihanna, qu'on écoutera donc avec Calvin Harris tout à l'heure. Non, mais c'est la folie des places. Hein. Mais t'as vu ça, hein. Folie des places. Et je dirais même la folie folle ce soir. Ah ouais, je suis folle. This is what you came for. Je crois que cet été, je vais danser en boîte bourrée là-dessus. Ouais, moi aussi. Il y a plein de morceaux qui vont nous ambiancer tout l'été. Et Rihanna débarque en concert avec Skyrock à Nice, Lyon, Lille, Paris. Gagnez vos places de concert, restez bien sur Skyrock, hein. Jusqu'au concert de Rihanna, des places à gagner. Et ce soir, dans moins d'une heure et demie, vous aurez peut-être vos places en poche pour aller voir Riri après l'Euro. Bon, il y a Steven qui nous attend, on va le prendre, Steven. Oh, c'est beau. Steven, en direct du 77, juste avant vos résultats du clash. Allô, Steven. Ouais. Ouh, tu passes juste après Rihanna, c'est la classe. Ouais. Hein. Hey. Alors t'as 17 ans, t'es dans le 77, Steven. Bon, tu nous as dit que tu branlais rien parce que t'étais plus au BAU. Et t'appelais pourquoi? Parce qu'on t'a pas demandé pourquoi tu nous appelais au final. Parce qu'en fait je veux retourner à l'école parce que je fais chiant. Ah mais tu sais pas qu'il est interdit de parler des cours pendant les vacances sur Skyrock. Radio libre mais pas complètement interdit. Le mec veut retourner en cours, il se fait chier. Vous entendez ça, vous qui venez à peine d'être en vacances, ou alors qui stressez parce que vous allez avoir des résultats cette semaine pour le brevet ou pour le bac. Ah, il y en a qui passent le brevet, qui me demandaient les sondages comme on a fait tout à l'heure pour ceux du bac là. Je vous ai donné les notes par filière. Ouais. Les notes espérées, les notes pronostiquées par les élèves eux-mêmes dans chacune des filières du bac. Ouais. Donc bac S, bac ES, bac Pro. Et il n'y a pas le brevet, c'est ça. Et il n'y a pas le brevet. Tout le monde pense avoir plus de la moyenne. La moyenne est à peu près à 11,87 si je me souviens bien. Et j'ai regardé pour le brevet, j'ai pas trouvé. Si je vous le trouve pour le brevet d'ici vendredi, je vous dirai. Vas-y. Pas avant que vous ayez les résultats surtout. Alors, ouais, donc toi Steven, toi t'as rien passé. Donc tu vas plus en cours depuis quel âge toi? Parce que t'as 17 là aujourd'hui. C'est l'année dernière quand on sortait du collège. Donc t'es sorti du collège, t'as terminé en 3ème, t'as eu ton brevet ou pas? Ouais, je l'ai eu. Ah bravo, bravo, bravo, bravo. T'entends Marie, elle a eu son brevet. Bah ouais, bravo. Non mais bah quoi, pas loupé. Si elle a réussi, Karim aussi. Mais moi j'y suis pas allé, je risquais pas de l'avoir. Donc tu l'as loupé. T'es également complètement con. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il l'a loupé aussi. Hein. Également, ça veut dire quoi ça? Non mais je parlais à Karim. Marie comprend rien, elle. Non, mais ouais. On comprend pas, tu l'as loupé, Marie aussi, là. Bah, Et je l'ai pas loupé, je l'ai pas passé, donc. Bah, fais chier. Fallait se lever, non mais oh. Vous savez que Umtiti a réussi 100% des passes, alors que Rami en a réussi que 87%. J'ai choisi une belle photo de lui, tiens. Ouais, Umtiti, il a joué un match, il a réussi. C'est en train de passer à la télé. Mais, ouais. Mais c'est chelou, il a pas de front. Qui? Umtiti. Umtiti, c'est parce qu'il a des grands cheveux, Romano, c'est le contraire ouais, de toi. Ça, ah ouais, les cheveux, non mais c'est vrai, non mais la plantation, elle est vachement basse. Elle est basse, ouais. Lui, il a plein de cheveux. Et attends, il y avait la même coupe hier, Marie. Ouais, je sais, j'ai Adam. Umtiti, d'ailleurs, qu'on avait eu dans l'émission, vous rappelez? Ouais, tout à fait. Sympa comme tout, Umtiti. 22 ans et toutes ses dents. Toujours barcelonais. Et futur barcelonais. Ça y est, c'est fait, ouais. Et ben, on connaît des joueurs du Barça. Pour vous dire, tiens, j'écoute Skyrock. Sur Skyrock, nous, on connaît des joueurs du Barça. Comme ça, on se la pète un peu. Alors, Marielle a redoublé 3 fois le CP, nous dit Isidore. Non, mais elle n'ose pas vous le dire, Isidore du 44-12 ans. Salut, Isidore. Non. Alors, oui, donc, Steven, toi, tu veux un redi, parce que bon, on va quand même s'occuper de toi, parce qu'on est sympa, hein. Je veux retourner à l'école. Voilà, vous entendez oh ça. Putain. Ça, c'est à isoler comme phrase. Malheureux. Ah ouais, on va l'isoler, on va faire comme champion mon frère, on va la mettre dans toutes les émissions. Moi, je veux retourner à l'école. Champion mon frère. Champion mon frère. Donc tu veux. Mais c'est difficile. Non, mais bon, c'est vrai que t'as raison de vouloir y retourner. Tu vas faire quoi de ta vie? Non, mais si tu te fais chier, tu veux en rien, oui. C'est vrai, il a raison. Bah, parce que pour moi, je pense que j'ai pas fini les études encore. Mais tu veux te lancer dans quoi, du coup? Bah, je sais pas trop, en fait. Bah, tu peux aller en général, si t'as le niveau. À l'armée alors? Non, mais en général, seconde générale, première. Ah pardon, excuse-moi, Romain. Et après, première. Je n'avais pas compris. Tu choisis. Moi. Mais c'est difficile de retourner à l'école, genre t'arrêtes, c'est difficile de En fait, je sais pas où m'adresser pour retourner, quoi. Putain, je sais pas non plus, parce que moi j'ai jamais eu envie d'y retourner, donc je peux te dire que je me suis jamais renseigné. Dans un bahut. Bah, il faut aller dans un bahut, ouais. Ils vont t'expliquer, hein. Et tu leur dis bonjour, je voudrais m'asseoir dans la. Non, mais je vais m'inscrire. Moi je dirais, faut appeler l'académie de là où tu habites. Ouais. C'est eux qui vont te trouver un bahut. Toi, t'es quoi? T'es l'académie de Créteil? Ouais, ce que je pensais ouais, voilà. Aussi. Ouais, c'est eux qui vont te placer. C'est l'académie qui place, à mon avis. Bah ouais, aussi, parce que c'est pas toi, genre, ouais. Tu choisis pas ton bahut comme ça. Puis dans les bahuts, là, c'est fermé, y a plus personne, non? Ouais, à mon avis, c'est. Ah bah, je sais pas, bah non, c'est encore ouvert, parce que ceux qui ont servi de centre d'examen, il y a les résultats du. Non, je sais que les petites classes, par exemple, elles terminent demain. C'est demain les vacances pour les petites. Bah après, ça dépend, parce qu'il y en a qui ont déjà arrêté. Pour les maternelles, tout ça. Ouais, les maternelles, c'est demain. Oui, mais il y en a que ça dépend des bahuts. Il y en a plus personne dans les bahuts. Ah bah non, ouais. Si je sais, ma nièce est en maternelle, elle y va déjà plus depuis une semaine ou 15 jours. Donc, Oui, je n'y vais plus de temps. Je suis en vacances. En fait, j'ai une voix de robot. Elle parle comme ça. Bonjour, Romano. En fait, chez moi, il y a un lycée, il buvait des coups ce matin, donc je me suis dit merde, c'est déjà les résultats du bac. Non. Putain, ce week-end, j'ai failli squatter à la messe, là, parce que vers à chez la moi. Messe. Ouais, parce que, en fait, ils avaient monté un buffet de ouf dehors avec des bouteilles de champagne, et on s'est dit avec Cariole, on va aller boire un coup. Mais bon, après. Bon, un coup. C'est normal, mais quoi. Vraiment des squats. Bah non, parce que, non, mais je sais pas, il devait y avoir une fête à la messerie, j'allais dire, mais non, à l'église. Ah, bah, c'est une connerie, non. Et l'autre, non mais c'était, je pense que c'était la fête du curé. Ah, la fête du curé. Ah, lui on fait sa fête. Plein d'enfants ou pas? Non, il y avait pas d'enfants. Ils avaient monté des tables avec des tables blanches. Il y avait mais un bloc de bouteilles de champagne. Il y avait plein de trucs de la charcuterie. Oh, les deux. Et vu que les barrières étaient ouvertes, tu sais, c'est la maison de Dieu. Tout le monde a le droit d'y rentrer. Je me suis dit que j'allais voir commencer dans sa maison à lui. Je vais aller voir. Non mais c'était dans la cour. T'es pas allé? Bah non, du coup, parce que j'avais déjà des bidons de vin dans les mains. Je me suis dit, ouais, ça va faire mauvais genre, tu vois. Ça fait genre les mecs qui vont te les gratter, surtout, ouais. Non, mais sinon. Allez, posez ça là, non, parce qu'il devait y avoir la messe, et c'est en sortant, tu vois. Et c'était trop cramé, j'étais avec 2 cubis de vin. C'était un peu cramé que je sortais pas de la messe et que j'arrivais, que je squattais le truc, quoi. Mais bon, donc, il arrive, alléluia, mes frères. Non, mais bon, franchement, ils avaient un sacré buffet, quoi. Non, j'achète du muscadet de chez Franprix. Pas cher. En carton. En cubis, ça s'appelle oui, la cubis. En cubis, mais c'est des trucs en carton, quoi. Ouais, oui, mais dedans, c'est du plastique. Non, mais le vin est bon, hein. Bah, la prochaine fois, n'achète rien, file à la messe, tu vois. Non, mais ouais, bah, j'espère qu'il y en aura ce week-end encore. Ouais. Bon, alors, amis de la messe du quartier de Romano, il débarque la semaine prochaine. Vous avez intérêt d'arriver tôt parce qu'il n'y aura plus rien à bouffer. Hein. Préparez les buffets, quoi. Plus rien à bouffer, plus rien à boire. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Steven. Ce que tu peux faire, message de Hayette qui nous dit les bahuts. On est semaine administrative ici, quoi. Je ne comprends pas, mais semaine administrative, c'est les semaines où tu peux aller au bahut pour voir, pour demander des renseignements, savoir comment ça se passe, tout ça. Je pense. Ah, c'est cette semaine. Non, mais en fait, oui. Et sinon, Mounir DZ, 20 ans, il dit c'est ouvert le bahut jusqu'au 5 juillet, voire plus. Donc, tu peux peut-être aller faire un tour. Non, mais souvent, il y a au moins un secrétariat d'ouvert. Ouais, c'est pas abandonné pendant 2 mois. comme les élèves ne viennent plus. Ah là, je crois qu'il y a un mois où c'est fermé complètement. Non, mais ouais, mais là, début juillet, je pense qu'il y a encore un secrétariat. Ouais, jusqu'au 5 juillet, 5-6 juillet. Ouais, ils doivent gérer les dossiers, les trucs pour la rentrée, machin. Jusqu'à la fin de la semaine. L'inconnu nous dit qu'il faut qu'il s'adresse à un CIO. C'est quoi? C'est le centre de. Information d'orientation. C'est information d'orientation, c'est ça. Les bahuts ferment après les rattrapages, donc c'est encore ouvert. Donc tu peux peut-être aller au bahut pendant des renseignements et peut-être que eux ils diront d'aller, d'aller directement. Non, il va à l'académie. À l'académie. Il y a Advéric là, 17 ans dans l'Hérault. Salut l'équipe, j'ai repris les cours cette année aussi. Et ce qui est vraiment important, si l'auditeur a plus de 16 ans, c'est d'avoir un avis de passage. Appelez-moi si. Mais il n'y a pas si la fin vous du voulez. Message. Il y a la fin du message en dessous, mais il n'y a pas le numéro. Ah, il faut que tu envoies ton numéro, Advéric, s'il te plaît. Et c'est quoi l'avis de passage? C'est quoi? C'est comme quoi tu aurais pu passer en seconde? T'aurais pu passer en seconde, Steven? Ouais. Tu l'as, ça, ton c'est bien, alors. T'as un avis de passage, toi? Ouais, je l'ai. Eh bah, tu le prends. Tu récupères ton dossier, ouais. Tu le prends et tu redémarres en seconde l'année prochaine. Et c'est qui te donne ça, l'avis de passage? C'est ton ancien bahut qui te l'ont filé? Ouais, c'est Bah, ouais. Ok. Bon, en plus, ouais, t'as 17 ans. Bon, t'es pas trop en retard, en plus, pour aller en seconde. T'es pas en avance non plus, mais bon. Et tu veux faire un truc pro ou un truc général? C'est pas trop, Marie, j'ai déjà posé la question. Ah merde, tu n'as pas entendu. Je pourrais savoir quelle est la section dans laquelle tu voudrais rentrer? La section d'assaut? Donc bahut d'abord, moi je ferais ça, puisque le bahut il est plus près de chez toi que Créteil. Ouais, il est pas très loin. Bon, moi j'irai voir, pas très loin, au bahut. Peut-être qu'ils vont te dire d'aller à l'académie directement, mais au moins tu verras. Et tu leur dis, s'il vous plaît, je dois retourner à l'école. S'il vous plaît. Non mais bon, si t'es motivé, ça va, normalement il devrait pas y avoir trop de soucis quoi. Et ah bah il y en a tellement qui veulent se barrer que pour une fois qu'il y en a un qui veut revenir. Ouais, oui. C'est vrai. Oh c'est monsieur, tiens, ils vont te recevoir comme à la messe de Romano hier, ils vont t'offrir de la bibine. Ils vont faire une haie d'honneur. Une haie d'honneur, un petit apéro. Ah, enfin une inscription. Allez, accompagnez-le, il faut bien la police. Vous inquiétez pas, vous serez escorté, la fanfare de la ville sera là. Ils vont t'escorter. Bravo monsieur Steven. Ouais, bon bah écoute, c'est vrai que c'est rare quand on a des auditeurs qui comme ça au début du mois de juillet nous disent je veux retourner à l'école. Ah ouais. Il peut y aller jusqu'au 20 juillet, nous dit Jessica. Ouais, parce qu'il y a plein de messages que vous laissez. Va travailler, gros, ça va t'occuper, nous dit l'Albanais en attendant. Non, mais. Jusqu'à mi-juillet, c'est ouvert. Il va au CIO, nous dit encore Kowabunga. Il y en a plein qui nous ont dit ça. Je suis au collège, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui lui a brûlé le bras. Mais de qui parles-tu? Alban du 69. Il y a des gens qui se brûlent, donc il y a encore des gens au collège, mais ils sont en train de prendre feu. Le simolé. Par le feu. Il vaut mieux éviter quand même, ça fait mal. Un petit coup de fil au rectorat, ça évite de te déplacer. Ouais, après, parfois, c'est plus long au téléphone pour avoir quelqu'un. Non, mais puis des fois, surtout, sûr, ça. Que pour des y fois, aller. Surtout, il y a personne qui décroche. Et parfois, il y a même personne qui décroche. Non, mais je sais plus, une fois, j'avais été, je crois, aux impôts, tu vois, j'avais demandé, mais le téléphone. Bizarre, tiens, Romano aux impôts. Ça sonnait dans le vide. Le téléphone, et le mec, il m'avait dit, ah non, mais on répond pas. Ça m'est arrivé il y a un petit moment. Non, mais il m'avait dit, non, mais on répond pas, parce qu'il fait sinon, on passe la journée au téléphone, et les gens qui viennent, on peut pas les accueillir. Ah, bah ouais. Dans mon collège, il y a quelqu'un. Voilà. Donc bon, les collèges sont encore ouverts a priori jusqu'au moins de. Non, mais a priori la semaine administrative là, c'est la semaine où, en fait, ils font un bilan de l'année écoulée et ils préparent la nouvelle rentrée. Voilà. Donc a priori, il y a encore du monde. Ah là, tu donc tu peux y aller. Bon, après, il faut pas trop traîner. Ouais, si tu vas le 15 août, je pense que bon. Ah, bon, on a. Ouais. Comment? Demain matin. Très bien, t'es motivé. Il y a Advéric qui est au téléphone avec nous. Voilà. Salut Advéric. Bonsoir l'équipe, ça va? Bonsoir Advéric. Coucou. C'est toi que Romano a repéré sur les messages? Ouais, c'est lui, ouais, c'est lui. Moi. Très bien. Ouais, j'ai oublié le numéro. C'est pas grave, on l'a récupéré. Non, on sait tout, on vous suit. Ouais, il l'a renvoyé juste après. On vous connaît. Ah. Ouais. Et alors, Advéric, qu'est-ce que vous voulez dire à Steven, toi? Justement, c'est que, enfin, moi j'ai vécu la même chose, donc ça faisait 2 ans que j'étais plus au bahut, donc ça me saoulait aussi, je me faisais. Des échiers? C'est marrant, mais souvent, on a eu souvent des gars et des filles qui avaient arrêté le bahut. Au début, ils sont contents. Et puis au bout de 2-3 mois, il commence à se faire chier. Bah, tu te fais chier, mais... là, tous tes potes qui sont en cours. Mais Advéric, là, pendant les 2 ans, toi, t'as rien branlé du tout. À part ta queue. Ouais. Voilà, c'est ça. J'imagine que là, tu dois te la branler beaucoup plus que d'habitude, tellement tu te fais chier. Tes parents, je sais pas, genre ton père, il te sortait pas du pieu à coups de pompe dans le cul en te disant d'aller bosser? Parce que moi, c'est ce qu'il aurait fait, le mien. Bah, c'est vrai que ça n'a pas été dans la famille. Tous les jours, on va dire. Mais j'avais. Enfin, voilà, j'ai eu d'autres histoires, mais c'est pas. C'est pas important pour l'auditeur, on va dire. Tu veux pas qu'on rentre dans les détails? Je comprends. Non, ouais, c'est quoi ces coups de ceinture? Coup de ceinture, petit coup de pression, comme ça, bam, comme le père de Romano. Et donc, tu voudrais lui donner quoi comme conseil, toi, Derek? Eh ben, moi, ce qui m'a manqué, c'est que j'ai arrêté en troisième et en fait, j'ai pas eu d'avis de passage en troisième, donc pareil, j'ai pas passé mon brevet, donc je l'ai pas aussi. Non, mais lui, il l'avait eu. Ah, lui, il l'a eu. Il l'a eu. Qu'est-ce qu'il dit? Il l'a eu, Romano. Il l'a eu, attention. T'es sûr qu'il l'a eu? Et Romano, tu peux dire la même. Il y a eu un passage aussi. Il a tout, il a la totale. Il y a eu tout. Et alors, te laisse pas déstabiliser, Steven. Fais comme si de rien n'était, comme si tout le monde était normal autour de toi sur Skyrock. Non, mais tout le monde est normal. Sur Skyrock, non, je suis pas sûr. Oui, Adveric. Il a eu peur, le pauvre. Adveric, je t'ai bloqué. Sur le cul, je crois. Je suis effrayé, oui. Ah oui, non, mais n'aie pas peur. Non, mais je suis gentil. Hein. Non, mais il est pas méchant. Ah, mais je te le dis, il l'a eu. Il l'a eu. Et est-ce qu'il a son avis de passage, enfin, oui. Je veux dire, est-ce qu'il a terminé ça? Tu l'as ton avis de passage, ouais. Hein, Steven? Il l'a eu, ouais. Lui aussi. Il a tout. Alors, ouais. En ce cas, il faut qu'il aille au lycée où il veut aller pour faire ses vœux et tout. Oh, tes vœux. C'est pas bonne année, bonne santé. Voilà. Alors, j'arrive. Bonne année, bonne santé. Joyeux Noël. Bon, je suis un peu en retard au mois de juillet, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. Donc, la classe dans laquelle il a envie d'aller, la section dans laquelle il a envie d'aller aussi. C'est ça les vœux. Mais il n'y a pas les histoires de sectorisation et tout ça, parce que normalement quand tu habites suivant ton adresse, en fait il y a des lycées qui te sont imposés. Exactement. Ou des collèges qui te sont imposés. C'est pour ça que moi j'étais à Firminy. Et après c'est un bordel, logique. Si tu vas à l'ailleurs, faut demander une dérogation. Exactement. Je sais pas quoi. C'est un bordel. C'est une classe spéciale. Bon, à la limite, autant retrouver un truc près de chez toi, Steven, c'est quand même plus sympa. Ouais, mais il faut aller que tu OK. Comment? Aïe, aïe, aïe. Faut aller dans ta sectorisation, je pense. Exactement. Faites des mots plus simples. Ah ouais, l'éducation nationale, bah, sectorisation, cinq syllabes. C'est un bordel, le truc. Sûr, ça va? Y arrive. Moyen. C'est la première fois que je vous écoute, mais tout le monde est normal, vous êtes sûr? Une question de l'inconnu sur SMS, là. Bonjour à toi, l'inconnu. Bienvenue à toi, nouvel auditeur de Skyrock. Je te présente Roman. Bon, putain, j'arrive. Voilà, mais, je peux dire bonjour, tout simplement. Bienvenue. Bah, dis bonjour, comme bonjour. Ça. Bonjour. Ah, voilà, de merde. Tout simplement, Romano. Bonjour! Bonjour à vous. Voilà. Bon, donc, les conseils qu'on a donnés, Adveric, c'est les bons. Adveric. Adveric. Oui, toi aussi, tu es Romano, t'es contagieux, je te dis. Donc, Steven, t'as le temps, là, tu peux y aller, parce que c'est encore ouvert dans les bahuts. Ouais, je vais y aller. Ouais. Bon, tarde pas trop non plus, oui. Tarde pas trop, tu donnes des nouvelles. Et motivation, attention. Hein. Motivé. Allez, les bleus. Okay. Bah, il l'est, apparemment. Hein. Ouais, t'as vu, il éclate de rire la gueule. Ah bah grave, grave. Ah bah grave, attends à fond. Il a dit qu'il voulait y aller. Oui, bah de toute façon, il a rien d'autre à faire. Donc, bon, ouais. Bon courage, Steven. Bah, merci, Adveric, pour le coup de fil. Merci à toi, puis merci pour les messages que vous nous avez envoyés. J'étais surveillant pendant 4 ans dans un lycée. Je peux donner des conseils à l'auditeur. Super Chenapan 62 qui nous envoie un message du 62, justement. Salut à toi, Chenapan. Bah, limite, on te met en contact. On vous met en contact avec, avec Steven. Bon, merci les gars, on vous envoie vos t-shirts Skyrock à la maison. Ouais. C'est d'accord. Gratuit, c'est pas cher. Yeah. Salut à tous les deux. Salut Steven, salut Adveric. Et on vient de me donner. Oh là, je viens de voir les résultats du clash de la drague. Alors, moi, je les connais. Franchement, moi, j'espère que ta mythomanie. C'est ça, ouais. Ta mythomanie, Cédric. C'est quoi, gros, la première elle va être. Tu vas être puni, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et dans un instant, tu arrives absolument plus à parler. Non, mais non, parce que t'as un gros mytho. Et c'est toi, un gros rageux. Il fait un truc bien, le mec, essaie de le démonter. Et après les résultats du clash, attention, on va parler pipe. Ce soir. Génial. Eh bien, Marie. Oui, Marie, c'est un sujet important dans la vie, la pipe. Bah, Marie, elle passe à l'action, Marie, là. La pipe. Mais ça va pas, non. Ah ouais, tu veux pas que je donne ton prénom, mais je peux bien donner ton prénom, il y en a plein des comme toi. Excuse-nous, Marie. Ah ouais, non, elle a un prénom un petit peu spécial, donc c'est vrai que si je donne ton prénom. Ah. Ah ouais, ça va être chaud. Donc, on va l'appeler la pipeuse. La pipeuse du 80. Ah, non, elle veut pas que je donne son prénom, et c'est vrai qu'elle a un prénom un peu spécial si je le donne. En plus, je dis qu'elle est. C'est repéré, quoi. La pipeuse du 92 arrive dans un instant. Alors, vas-y. Ah, on me signale avec un bip que je dois donner les résultats du clash, que ça commence à bien faire, dit Foul, tu il est temps. D'accord. Les résultats donnent la victoire à Cédric ce soir. T'as papier, j'arrive. Ou alors la victoire à Romano. Ah ouais. Ça dépend. Parce que franchement, ça me dégoûterait, vu comment il a mitonné sur son truc là. En disant. Mais j'ai pas mitonné. Mais t'en fous, toi, quoi. Les auditeurs, les auditrices, vous toutes qui nous écoutez tous les soirs, vous avez fait la différence entre les deux. Merci pour tous les votes. Le gagnant du clash est Cédric ou Romano. Mais qui est donc gagné ce soir? Combien t'aimerais faire, Cédric? Oh, 55, 56. 55, 60. 60. Mieux. Ouais, 60, pas mal. Mieux, mieux. Et Romano, combien t'aimerais faire? Plus de 60. Eh bien, plus de 60. Là. Vous allez être content parce que c'est aux alentours de 62% pour le gagnant. Le gagnant du clash. Non, mais c'est bien fait pour ta gueule si tu perds, mytho. Va. Mais ferme ta gueule, toi, il est fou, lui. L'autre, il parle pendant mes appels normal, il démonte mes appels après les ouvrages. Non, je démonte pas tes appels, mais quand si le mec. Au début, t'as parlé quand la bonne femme, appel. Elle dit, ouais, je vais aller demander à mon mari, pour moi, c'est pas un serrage. T'es fou, toi, quoi. Je dis, je viens, je vais te baiser, on verra après. Bah, non, eh bien, celui qui se fait baiser ce soir, vous voulez le savoir, je vous le dis. Bah, ouais, vas-y. Allez, non, moi, je veux pas savoir. J'espère que je le ken. Avec 38% des voix. Mytho malade. C'est Cédric. Hein? Contre 62 pour Romano. Ah, ouais, putain, ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Victoire de Romano. pour le premier clash de la semaine. Ça faisait longtemps que t'avais pas gagné un lundi. La semaine dernière, il y avait égalité. Il y a 15 jours, Cédric avait gagné. Tu gagnes ton premier lundi depuis 3 semaines. Eh bien, merci. Merci à toute la team Romano. Ah, tu me dégoûtes. Ah, comme les bleus. On a vaincu le veau. Comme toi, on l'a bien baisé. C'est un mytho, il a été puni, bien fait pour lui. Il vient vous filer en demi pour mercredi et en finale vendredi. Vous êtes déjà en finale tous les deux. Les deux clasheurs vous remercient et moi je vous remercie aussi pour En même temps, 62-38 pour 5 qui nous dit mais il y a combien d'il faut 62-38. Bon, 62 Cédric, Romano, 38 Cédric. Console-toi comme ça, regarde comment Romain est en train de m'habiller. J'ai un collier de fleurs, bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, un chapeau à la comble et une écharpe. Romain, tu fais également habilleuse de l'émission. D'accord, ouais. Elle fait styliste. Ok, Romain Cordoua. Et il y a des cloches sur ton chapeau. Vas-y, bouge ton chapeau. Voilà, il a des cloches comme les vaches, vous savez, qui ont des trucs au cou. Romano, il a des cloches au chapeau, ça, quand il bouge la tête, on l'entend. Oh la gueule. Romano la vache. Exactement. Très belle photo. Tu veux faire un gif? Très bien, tu fais un très beau gif alors. Fais tes petits gros. Il vous fait un gif, on vous le met sur les réseaux sociaux dans un instant. Merci pour tous les votes, je vous le disais encore. Merci Alan, merci Feu Mortel, merci Flo Clermont, merci STC. Cédric est excité sexuellement, mais justement, dans un instant, t'as cassé la lampe. On va parler. Tout à fait. Pipe, la pipe, vous aimez pas? Eh bien, nous aurons la pipeuse du 92, alors qui ne veut pas passer à l'antenne et qui veut même pas qu'on donne son prénom, donc on l'appelle comme ça. Elle a une petite question à poser, je vois que Marie est morte de rire. Et oui, on parle pipe, ça l'excite. Ah ouais. Non, mais c'est Romain. J'en prends bien une dans la gueule. Ah ouais. Donc, et tiens, dites-nous les gars, la pipe, c'est important, c'est pas important, vous en avez besoin, vous aimez ça, les filles, vous aimez ça, vous aimez pas. Vous allez voir le petit problème qu'a la pipeuse, c'est un problème pas commun. Allez, on en reparle tout de suite, vous bougez pas Radio Libre jusqu'à minuit. Et puis si vous avez besoin de nous, vous nous appelez 0153 40 30. Radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Deux semaines avant le raz-de-marée Rihanna, Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet, Grand Stade de Lyon le 19, Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23, Stade de France à Paris le 30 juillet. Rihanna, l'anti-world tour, avec Big Sean en première partie, c'est 400 places. 400 places en exclus sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. Exclusive. Et Rihanna, c'est parti, merci. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. La fin du célibat approche. Il te manque plus qu'à télécharger Smax et créer ton super profil. Réveille-toi, l'amour est sur Smax. Un mec te plaît, Smax-le. Ou une nana te plaît, Smax-la. Stop à la timidité, fais le premier pas. Smax, l'application qui garantit la fin des soirées ennuyeuses. Diffoul Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, on écoutait Drake, le gros son de Drake sur Sky. Romano. J'avais les dents pourries donc. Diffoul. Cédric. Non, ça sent pas la merde. Le caca, c'est bon. Marie. Moi, je lui ai déjà pris la bouche à Diffoul une fois quand j'étais bourré. C'est vrai. Samy. Ah oui, oh putain. Ah oui. Oh putain. C'est un truc de fou. Momo. 10 mètres de haut en moyenne. Très vivace. Et Karim. Putain, tu l'as embrassé, je sais pas quoi, non. Diffoul Radio Libre. Tous les soirs. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, tout l'été, on sera là avec la spéciale de l'été de la Radio Libre d'ici vers le 14 juillet. Aux alentours du 14 juillet, vous retrouvez la spéciale avec les grands moments de l'émission, les meilleurs, les pires également, vos moments préférés. Et puis on retrouvera Momo aussi pendant la spéciale. Ah, bah bien sûr. Eh oui. Donc profitez-en, on en profitera nous aussi. Là, on est en direct. Vous pouvez y aller au 01 53 40 30 20 si vous voulez nous appeler. C'est maintenant et jusqu'à minuit, à n'importe quel moment, vous pouvez débarquer ici. Allez-y. On salue Freddy du 60, Emily Fenty qui vient d'arriver. Comment faire pour revoir Rihanna en concert? S'il vous plaît, c'est un de mes rêves. Reste à l'écoute avant minuit. On offre on a des places. Les places pour aller voir Rihanna. Là. On salue Romain qui vient d'arriver également. Tristan de Laval. Salut à toi, Tristan de Laval. Bon, qu'est-ce qu'on a ce soir? T'es contagieux. T'as vu que dalle. T'as contaminé un auditeur tout à l'heure. Adverry qui n'arrivait plus à parler après toi. Il avait du mal. Oh, putain de merde. Bah ouais, c'est ouf ça. Hein. Ah ouais, c'est dangereux. Parce que tu fais pas assez d'antenne ces temps-ci, Romano. Le matin, ça te manque. Reviens faire des conseils pas chers en direct. J'ai écouté ce matin, t'as fait des beaux conseils pas chers encore. Ah putain, moi je vais pas te cacher que ce matin je dormais. Moi. Ah bah il faut écouter le morning, mon ami. Non mais aujourd'hui, après j'étais chez le dentiste. Le morning best. Écoute. Tu t'es fait détartrer les chicots. Ouais, détartrer, un peu retaper ce qu'il y avait des. Ça se barre en couille un peu. Beau gosse. Bon, on va parler. Il y avait des pertes de matière. On va parler pipe là ce soir. Alors plusieurs messages déjà, je vous ai demandé. Il y a Johan qui nous dit, il a 26 ans, j'aime pas trop me faire sucer. Étonnant. Mais ça arrive, j'étais sûr qu'il y avait des gars en plus. Ah, il y en a, hein. Ouais, on en a. Toute chaque fois qu'on en parle, on en a. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? J'écoute One Dance. Ouais, mais ça c'est fini. On va écouter MHD, on écoutera Rihanna avant minuit. J'adore mais sucer toi, mon Marie. Gars. Ah, attends. Regarde, Amy, oui. Marie. Amy 974, j'adore sucer mon gars. J'ai le pouvoir, c'est sexy et excitant. Et lui, il kiffe, bien évidemment. Ah, ben c'est super excitant de faire kiffer son mec, hein. Ah, tu vois, Marie. Ah non, mais c'est vrai. Ah, ben je vois, je le sais. Voilà, fais-moi pas kiffer. Non, mais t'es pas mon mec, Cédric. Voilà. Sans mon zizi qui pue. Ah ouais. Heureusement que je suis pas. Voilà, il y a du fromage dessus. Ah ouais, heureusement, ouais, c'est clair. Raclette. Ah non. Peu de kiri. T'as quel goût le fromage, Marie, pour ceux qui. Le fromage de quoi? T'as déjà, ouais. Ça sert à rien. Bah, Marie, t'as jamais mangé du fromage de bite? Non, j'ai jamais. Et si j'étais tombé dessus, je peux te dire que j'y serais pas allé. Hein. Ça, c'est clair. Bien bourré, tu sais. Ah, ça doit puer. Oh, ça pue. Dans des chiottes de boîte, tout ça. Comment ça, dans les chiottes de boîte? Bah, je suce pas dans les chiottes de boîte, t'es pas non, bien. Non, mais toi. T'as bien dû sucer une fois dans des chiottes non, de boîte. Non, jamais, non. Si, tu nous as dit. Non, j'ai jamais sucé dans les chiottes de boîte, j'ai fait des saloperies fait dans une boîte, mais pas ça. Pas dans les chiottes. Non. Et bah, essaye, et puis, c'était pas ça. Menteuse, on nous dit la frette sur SMS. Non, j'ai jamais fait dans une chiotte de boîte, je te le dis. Alan du 40 a une teub jambon côte fromage, si ça t'intéresse. Ah, intéressant. Merci, Alan. Et champignons, non, tant qu'on y est. Pour ton message. Bon, vous dégoûtez, nous dit Boulanger du 5-9. Ah bon, Boulanger, tu trouves? Bah, vous dégoûtez, c'est la vie, hein. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie. Vous parlez de quoi, nous dit Jordan the Best? De fromage de bite. Tu fais bien d'arriver, c'est tiens. Super. Parce que Cédric en a, donc. Tu penses pas qu'on avait en plus. Bon, là, je vais ouvrir une fromagerie. Ouais, mais vas-y, ouvre. Ouais, moi j'en ai eu parce que j'étais malade. Ah, voilà, alors, enfin, se moquer des malades, je vois vraiment pas l'intérêt, mon pauvre Cédric. On se moque pas des malades ici. À partir du moment où t'en as, c'est que t'es malade, espèce de con. Va. Non, tu peux être sale. Ah ouais, bah oui, t'es sale. Bah oui, t'es sale. Moi, je fais du fromage de bite avec du papier. Ah, le papier cul. Ah, tu te mets du, tu mets du papier cul, mais c'est dégueulasse. Tu mets du papier cul autour de la bite, ça colle et ça te fait du fromage. J'étais content. Oh. Mais tu es un sage. Eh bien, merci pour ton message, Samuel, qui vient de nous envoyer un message sur le 41-759. Big up à toi, Samuel. Non, mais je pense que c'est les, ça fait des petites bouboules, tu sais, le ouais, non, le mais, papier, oui. C'est trop rigolo sur la langue. Ah ouais, génial. Non, c'est dégueulasse. Alors, je vous lis le petit mail rapide. Vas-y. Ouais. Pipeuse, voilà. Ouais, oh. C'est ça, c'est un pseudo qu'on lui a attribué. Voilà, on lui a attribué un pseudo, elle veut c'est pas sympa. Qu'on dise son prénom, elle veut pas parler à l'antenne, elle a peur qu'on la reconnaisse, et c'est vrai qu'elle a un prénom un peu spécial, donc j'imagine que de pas y en avoir de 36 comme toi dans le 92. Alors la pipeuse, qui nous dit, j'ai un problème, j'adore sucer et avaler, mais mon copain déteste. Pensez-vous que ça puisse nous embêter dans notre couple? Alors, est-ce que vous pensez que ça puisse, que ça peut nuire à leur couple? Non mais il y a des mecs. Quand sexuellement on n'est pas, quand on n'est pas compatible, sexuellement c'est pas très bon, hein. Ouais. Ouais, mais il y a des mecs, tu sais, ça les dégoûte, tu sais, quand c'est leur meuf officielle, ils aiment pas trop, ils trouvent ça. Moi, j'aime bien, moi. Moi aussi, moi, ça me dérange pas. Moi, elle travaille proprement. Moi aussi, ouais, mais ce qui me dégoûte le plus, c'est quand, par exemple, tu vois, tu craches, elle avale, et après, tu sais, elle est là, elle veut t'embrasser après. Fais un câlin, bisous. Bah, non, ah, non, non, moi, ça me dégoûte. Bah, en même temps, tu sais, tu bouffes bien la chatte ou le cul, tu lui fais bien la gâche, quoi. Bah, moi, je le fais, on se roule, on se mélange des odeurs corporelles, quoi. On se roule. Ah, vous êtes dingue. Alain du 54. Bah non, mais bon. Je suis gay, j'adore sucer, j'adore me faire sucer, c'est le message d'Abdel. Marie, suce des bites, merci Rick. Rick non, est très excité depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission. Hein. Oui, bah tu vas te détendre, j'ai juste mon mec, hein, il en a qu'une. Moi je me fais tout le temps sucer en boîte, dédicace à la Marie, message de Momo de 21 ans. Bonjour à toi Momo. Voilà, bah moi je suce tout le temps en boîte. Ah, non, pareil. Vraiment pas, non. Moi elle est très propre. Il y a Ryan du Creusot qui nous dit, moi j'ai une jambon beurre, rebeu, beurre, jambon beurre. Ouais. Pas mal. Merci Ryan du Creusot, salut à toi. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, la pipeuse, j'ai un problème, j'adore sucer et avaler, mon copain déteste. Voilà. Ah bah ouais. Mais non, mais moi je te dis, je suis sûr que le mec il est dans le délire. Ouais, c'est ma meuf officielle, c'est ouais, la rabaisse, ça fait trop salope. On avait déjà eu des auditeurs qui nous disaient ça d'ailleurs. Et ils se faisaient d'ailleurs sucer par d'autres. Oui, ouais, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça les dérangeait pas ça. Et là, pour la levrette d'ailleurs. Et là, ils adoraient. Ils adoraient. Voilà. Bah en tout cas, moi je dis c'est bon de se faire sucer la bite. Ça c'est ton message de cette soirée, Romano. C'est un acte d'amour. Oh bah si tu veux Marie. Ah bah, y a non, pas de problème. C'est un acte d'amour. On va vous montrer qu'on vous aime très fort les filles, mais vraiment. Exactement. Mais toi Marie, t'aimes bien prendre dans la bouche par exemple? Non, mais je préfère ça que sur la gueule, tu vois par exemple. Ah. Mais quand tu prends dans la bouche, tant que t'y es, t'avales? Non, pas forcément. Non. Mais ça t'arrive? Ça m'est arrivé, mais non, pas forcément. Ça m'est arrivé hier. Non. Cet après-midi. C'est, non. Ça m'est arrivé hier soir. Non, j'ai pas eu de ça. Pendant le son de Drake, là. Parce que c'est passé, on écoutait Drake et ça m'est arrivé. Ouais, ouais, chelou. Tiens, j'ai un petit problème. Le fouteux, 19 ans, j'ai de toutes petites boules blanches sur la verge. Ça me bloque pour la pipe. Ah, ouais. Ah, toi, ah. Ah, c'est pas con ce que tu viens de dire pour la pipeuse. Peut-être qu'il a des petits trucs vers la bite, ton mec, la pipeuse, et qu'il veut pas te les montrer. Ah, genre le collier honte, de perles, là. Bah, c'est a priori, c'est ce que tu décris. Tu es riche, le fouteux, sans le savoir. Le tu as un collier 19, de perles. Hein. Tu as une bite big bling. Tu as une bite bing bling. Non, mais ça dépend. Ou alors, c'est les petits trucs blancs. Mais tu sais, la base de la bite, c'est les poils, en fait. Les ah, mais ça, c'est de... plus sur les couilles, ça. Ouais, c'est pas sur la bite, ouais, ça, Marie. Enfin, ouais, ah, non, mais si t'en vas en haut de la bite, il y a un problème. Ouais, non, en haut de la bite, c'est pas possible. Ça, non, ça c'est clair. Tu laisses pousser les poils, t'as un plumeau, ouais. C'est vrai que t'as déjà eu, vu, t'en as déjà eu plein la gueule. J'imagine. De quoi, plein le cul, des boutons. Toi, t'es fou, toi, quoi. Des boutons. Ah, ouais, vas-y. Mais du calme, t'es agressif. Si, je te trouve agressif. Non, mais. Oh non, on est cool, ambiance vacances. Non, mais je peux comprendre, il s'est pris une branlée au clash. J'étais dans le même état que lui. Bah, vas-y. Bon, ouais, vu que t'en as plein. T'en as déjà eu plein la gueule et plein oh le ouais, cul. Ah oh ouais. Tes boutons. Ah, plein le cul. Ah, si. Attends. Ah bah, on si. Les a vus. Ça, bah, si. Attends, le truc. Est-ce que t'en as déjà eu sur la teub? Des ch'tards. T'as jamais acheté un soir? Bah, moi, j'en ai eu un. Hein. Sur les couilles. Ça me ferait mal. Moi, j'en ai eu un avec un poil, justement, que j'avais voulu arracher. Ah je sais ouais, pas quoi. Le truc, c'était mal arraché. Ça avait fait une espèce de furoncle. Ah, ignoble en bas de la bite. Ah, putain. Oh, ça, là, tu me dégoûtes. Qui, ah moi, ouais, c'est vrai, là, je suis désolé, mais ça me dégoûte. Et toi, attends, avec ton bouton sur la, avec ton bah, bouton sur le prépuce. T'as eu de l'herpès qui puait, en plus. Ton herpès qui pue. Eh, bien pas dit, Marie, bien ça, dit. Ça, on a dit, on ne se moque pas des malades. D'ailleurs, t'as jamais eu ça encore, parce que, qui parle. Non, là, cette année, bah, en même temps, il a pas, t'as eu ton truc, ton bouton, là, qui a explosé, qui a fait cric. Non, j'avais eu un bouton sur le bout de la teub. Voilà. Et, en fait, et ça, je suis pas comme une ampoule. Ah. Une ampoule, mais qui éclairait bien. Attends, mais quand tu l'as éclaté, t'as dû. Non, mais, ouais, non, mais c'était horrible. Et en fait, le truc grossissait, et tu sais, je me suis dit, ouais, je peux pas, tu sais, carré, bon, on baisait plus, hein. Je vous dire, elle plumes, c'est dégoûté. Ah non, mais vas-y, mais avec une capote, y a pas moyen, tu me touches pas. Ah ouais, vraiment. Ah non, bah non, mais je peux la comprendre. Je ouais, pas, elle écarte les cuisses, elle a une espèce d'ampoule de pied sur la choune. Ah, mais c'était à ce point. Ah non, mais ouais, non, mais un truc. En plus, moi, j'ai la peau très longue, donc on ne voyait que ça. Et en fait, un jour, je me suis dit, ouais, bon, y a pas le choix, il faut que je l'éclate, quoi. Et en fait, j'ai appuyé comme tu un. Tu l'éclates, mais comment? Bah, je l'éclate comme Cédric au Clash ce soir. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que. J'ai pas tendu de perche, moi. Ah non, et j'ai appuyé entre mon pouce et mon index très fort. Et ça a éclaté, j'ai hurlé. Ça a pissé le sang. La tête de Karine. C'est dégoût, quoi. Après, je me suis trempé la bite dans un verre d'eau gelée. Ouais. Dans un verre de lait. Tu sais pas pourquoi, bon. Dans un verre d'eau gelée pour désinfecter. Et après, en fait, j'ai une croûte qui a poussé, tu vois. Et la croûte, elle est tombée dans le plumard, à mon avis. Pendant une... Ou dans Cariole. Et le chien l'a bouffé. Et le chien l'a mangé. Ouais. C'est régalé. Oh, trop beau. Ouais, des chips. Ouais, si t'as d'autres croûtes, n'hésite pas. Horreur. Ah, mais non. Des foules, il tend pas de perche, il suffit juste qu'il tende le nez, ça suffit. Ah, ah, ah. Rémi, team le Belge. Ben, je vois qu'on s'éclate dans la team le Belge. Bah, apparemment. La victoire de 62% de Romano vous a un peu mis un coup dans l'aile, les amis. Un coup dans le cul, ouais, bien sûr. Presque, je vois. On l'a bien enculé, le Belge. T'as rien enculé du tout. Alors, t'es, dites-nous s'il y a des trucs que vous voulez pas que, vous avez envie de faire et que votre mec ou de votre meuf ne veut pas faire avec vous. Tiens, ben, il y a Samia, justement. Mm-hmm. Moi, mon mec veut qu'on fasse la levrette, mais je veux pas qu'il voit mon trou du cul. C'est vrai qu'à levrette, on a une vue plongeante sur votre trou de balle. Ah bah clairement, c'est un des charmes. C'est un des charmes de la levrette. Mais si tu veux pas qu'il le voie, il peut se mettre dedans aussi. Tu t'es déjà mis en levrette, Cédric? Bah si, tu nous avais dit que ton chien, il s'était mis à quatre pattes et il avait monté ton chien. Mais quand on l'avait fait boire, tu l'avais pris en levrette. C'est vrai, tu l'avais baisé en levrette. Attends, alors on va voir. Cédric, tu t'es déjà mis en levrette ou pas? Pour, ça dépend pourquoi faire. Bah non, mais est-ce que tu t'es déjà mis en levrette? Ah, pour niquer une meuf, tu t'es mis en levrette. Niquer une meuf, non, mais c'est elle qui te niquait dans sa rue. C'était une meuf, elle avait une grosse queue. Non, je me mettais derrière elle à quatre pattes. Non, mais est-ce que tu t'es déjà mis en levrette à quatre pattes? Mytho. Ah, il fait la mythomanie. On a la preuve. Je crois que je l'ai Le soir où t'étais bourré. Ah, mais j'étais enculé. J'étais bourré, vous. Ah, mais t'étais en levrette. Abusé de moi. Non, mais ouais, mais t'étais en levrette. Non, mais t'étais en levrette. Bah, attends, il était pas en levrette. Eh, Romain, sors la vidéo sur, remonte-la sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. J'ai pris Cédric en levrette. Ouais, même il a Karim était moi, là. J'étais bourré. Karim était là. Non, j'étais bourré. Et Karim, évidemment, a filmé. Se prend pour Jackie et Michel, Karim. Ouais, on a fait un C'est Karim et Michel. Non, mais on lui a bien donné. Et qui fait ça? Ouais, c'est ça. Tu devrais faire Jackie et Michel, version équipe du soir. Ouais, ce serait cool, ça, je vous filme. Non, mais vas-y. Cédric, tu veux pas boire un coup? Après, je t'encule. Gros, je vais te mettre une patate, tu vas voir. Alors. Mais franchement, non, mais bon, il y avait rien de sexuel, on t'a pas des, qu'on a essayé de te défroquer, mais. Si, t'as essayé, je t'ai senti, c'est peut-être. Non, mais on a essayé de te défroquer. Mais le truc qu'il y a, c'est que, franchement, fais gaffe, parce que toi, quand tu bois, on peut abuser de toi assez facilement, hein. Fais gaffe. Tu bois jamais. Tu deviens un garçon facile. Regardez-moi ça. Il y a une photo qu'on nous a envoyée, là. Regardez sur les photos. Là. Ah bah voilà. Bah ouais, regarde. Ah voilà. Regardez Romano avec merci colonel Charlie pour la photo. Je vois que tu as ça dans tes archives. Tête d'avant. On vous met les photos sur les réseaux de Sky. Insta, Yax, difool.skyrock.com. Je suis allongé, je suis morceau. Non, mais après on t'a retourné. Mais j'étais mort. Après on t'a écarté les cuits. Ah ouais. Allez voir la vidéo si vous voulez, vous allez kiffer parce que Cédric les jambes écartées, c'était un bouille. C'est presque le moment le plus sexy de la soirée. Ah ouais, non mais sérieux. Bientôt sur les réseaux. On t'avait bien donné sur le canapé. Quand est-ce que je m'étais retrouvé là-bas déjà? Bah parce qu'en fait t'étais ivre mort. T'étais allé cuver. On avait fêté ton anniversaire. Non, on avait fêté le retour de vacances de Romano, je crois. Les deux même. Non, c'était mon anniversaire. Je sais plus ce que t'avais bu ce soir-là, soit du Genepi ou de la vodka. Non, c'était pas lâché, je Genepi, je m'en souviens, j'étais pas. T'étais tellement bourré, t'as dit ouais, je vais m'allonger un peu à côté. Et nous avec Karim, on était inquiets, on allait te voir et pour te réanimer, on t'a baisé. Si vous avez les sons d'ailleurs de Cédric Bourré, je dis ça à la prod qui nous écoute sans doute. Ramenez-moi les sons, sinon, que je vous fasse écouter. Je n'étais pas consentant, t'as abusé de moi, espèce de petite salope. Je vais porter plainte. Bon alors on s'occupe de la pipeuse du 92. J'adore, tu sais, avaler, mais mon copain il déteste. Il n'aime pas ça. Aïe. Alors vous avez des messages que vous nous laissez là depuis tout à l'heure. On a Alexia, tiens, qui témoigne en direct avec nous. Salut Alexia. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Alexia. J'ai un peu la voix cassée, désolée. Et ouais, t'as pris froid. Mais c'est vu le temps qu'il fait à Paris hier, on était en automne. Ah la vache. C'est ça. Et ouais, vous entendez ça, vous qui êtes dans le sud et qui avez, je sais pas, 30, 35 degrés. Non, mais c'est vrai que c'est hallucinant, mais on a l'impression que c'est un autre pays. Ah ouais, c'est clair. Mais tu sais que moi, à la télé. France, elle est coupée en deux. Ah, mais ouais, mais c'est. Hier, ils ont filmé Deschamps, il avait une parka, mais genre une vraie parka de. Ah non, mais ouais, genre un anorak, quoi. Ouais, et je me suis dit, ah, il doit être malade, le mec, il doit avoir la grippe, parce que c'est chelou d'avoir une parka. Non, il fait froid. Je regardais le match, j'étais torse nu et pieds nus. J'étais comme ça, pieds nus en short, comme ça, je regardais le match. T'avais froid pour nous. Ah, mais ouais, moi, j'ai vu des photos sur les réseaux, des photos de Marseille, mais c'est plein soleil. 34 degrés, gros. Putain. Bah, déjà, on avait une parka. Chacun son truc. Donc, toi, t'es à Paris, oui, t'as pris froid, c'est normal, Alexia. C'est ça, oui. Alors, Alexia, tu t'appelais pour réagir par rapport à celle qu'on a appelée la pipeuse, parce qu'elle aime ça, et voilà, et elle veut rester anonyme, on lui a trouvé un beau pseudo, tu vois. Et ouais. Alors, j'ai un problème, tu sais, avaler, mon copain déteste, ça t'est déjà arrivé, ce genre de truc, toi? Moi, c'était un peu l'inverse. En fait, c'était moi qui aimais pas sucer mon mec. Et au début, ça posait pas de problème. Mais bon, après, vu que ça faisait un petit moment qu'on restait ensemble, ça commençait un peu à l'énerver, en fait. Il avait le seum. Donc lui, il avait vraiment envie de se faire sucer. Mais comment il te demandait? Il te faisait comprendre? Il disait... Ouais, c'est ça. Parce que, voilà, genre, on était dans la chambre et tout. Puis, on se chauffait un petit peu. Puis, Il bandait, oui. Ouais, c'est ça, avant l'acte, et puis voilà, quand il me faisait comprendre qu'il voulait, et moi je disais non et tout, et du coup on faisait autre chose, quoi. J'aurais éclaté sous le nez, regarde ce que tu as sous le nez. Voilà. C'est ça, ouais. Et toi, ça t'a dégoûté tout le temps, ou alors à un moment tu t'es dit je vais tenter le coup? Avant lui, j'avais déjà vu un mec qui, je l'ai sucé, et je trouvais ça vraiment dégueulasse, je lui ai pas dit. Tu l'avais sucé avec ou sans capote? Sans. Et qu'est-ce que t'as trouvé dégueulasse? Le goût? Je sais pas, puis c'est dégueulasse, en ça fait. A un goût? Ouais, puis ouais. C'est quoi le goût? Peut-être qu'on a tous des goûts différents, hein, je sais pas. Moi, c'est pipi. Ce que je me dis, c'est que c'est par là où il pisse, du coup, c'est ça que je trouve ça vraiment dégueulasse. Ouais, vous dites ça souvent, les filles, c'est par là où il pisse. Mais tu te fais lécher? Pardon? Tu te fais lécher? On t'a déjà fait des cunilingus? Non, pas encore. Ah, tu lèches pas? Ah bah tu peux lui dire ça, tu dis ouais moi je te suce pas parce que tu me lèches pas. T'as envie de te faire lécher ou pas? Non, c'est pas si le mec il dit ouais ok je te lèche tout de suite. Et si toi tu veux pas, bon. T'as envie toi ou pas? Je sais pas, parce que ma relation sexuelle elle vient de commencer il y a pas très longtemps. Ah ouais, t'as raison, faut y aller petit à petit. Bah c'est bon, sûr, faut y aller à son rythme. Et en plus tu lui mets des tu continues de l'exciter un peu parce qu'il a encore des trucs à toi qu'il a pas eu. Et ça c'est toujours un peu excitant, il se dit la prochaine fois. Par étapes, ouais. Comme le Tour de France. C'est ça. Exactement. C'est ça. Maillot jaune de la Tour, il sera maillot jaune, tu vois, maillot. Ouais, il y a encore des trucs à faire, ouais. C'est vrai que c'est à découvrir. Et Francky 93, Romano s'était déjà auto-sucé, il avait dit non. Alors non. Je rectifie, il avait essayé. J'ai essayé plus quelques fois. T'as pas réussi. J'ai jamais réussi sur le visage, ouais. Non. Non, si, une fois, parce que c'était parti trop loin. Non, mais j'étais en position normale, tu sais, j'étais allongé, j'avais pas le trou du cul vers le ciel. Il doit y avoir des mecs qui se branlent et qui s'éjaculent dans la bouche, non? Hein? Le cul en l'air, comme ça, là. Ah ouais, sans doute. Ouais. Ah, la gueule de Karim. Il pense à ça. Ah ouais. Bon retour, Karim. Merci, c'est sympa, Saraf Torek. Merci, Roya. C'est cool. Et ouais. Cédric, t'as déjà été essayé de te sucer? Non, jamais, non. Non, t'es pas suicidaire, Cédric. Attends. Mais je sais pas, c'est pas mon délire, c'est chelou, ça. Toi, tu serais plutôt il faudrait trouver un mec qui soit comme le mec de la pipeuse, en fait. Toi, Alexia. Pardon? Il faudrait trouver un mec qui soit comme le mec de ouais, de voilà, c'est ça, en fait. Un mec qui aime pas trop se faire sucer. Non, mais bon, qui aime pas que ça me fasse mal. Et lui, en plus, il aime bien, quoi. C'est son truc, donc. Non, mais ça va, t'es pas début... complètement fermé, donc, bon, ouais, il y a des chances. Oui, quoi. Et puis surtout que, je sais plus ce que au début, quand je l'ai dit et tout, il l'a pris en rigolant. Donc, il m'a dit, ah putain, je suis tombé sur la seule meuf qui suce pas. Et après, c'est ça. Après, j'ai dit, ouais, c'est comme ça. Il a quel âge, ton mec? Il a 18 ans. 18 ans. Et toi, non, mais si c'est la propreté qui te bloque, il a qu'à se laver juste avant, tu vois. Non, mais il a pas dit. Elle a dit que son mec était un gros sale. Comme mec, mais elle disait que c'était pareil, que ça faisait pipi. Oui, Toi, elle a vu le zizi. Oh, c'est mignon, vous avez dit. Prends une lingette, zizi. Une lingette. J'en ai deux chez moi qui, pour les toilettes, 99,9% des bactéries. Si t'en as pas envie et tout ça, tu vas mal le faire. Vous savez que j'étais obligé de faire venir Karim chez moi, j'avais un problème, raconte-lui le truc. C'est passé encore. Ah ouais, putain, j'ai appelé Karim parce que j'avais un souci avec mes lingettes. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème? Il n'arrivait pas à voir le paquet. Exactement, Romano. Non, mais je suis sûr que tu galères, toi, quand t'essayes d'en prendre une et la 10 qui viennent. Oui. Ouais, c'est tout. Le paquet, il allait l'ouvrir sur le côté, t'as vu tout. Et Karim est venu pour t'aider pour ouvrir des Ah oui, il était en bas, il m'attendait, j'ai dit ah ouais, bah ouais, ouais. Oui, parce qu'il t'a fait le déplacement juste pour ça. Non, non, je t'attendais. Sinon, t'as quand même une vie de merde. Ah ouais. Entre nous. Ah ouais, j'ai pas mal des problèmes. Ah putain. Cédric, j'arrive pas à me torcher le cul, tu veux pas venir? Avec la bûche. Avec la bûche. Je vais te torcher le cul, ouais, tu vois. Oh, ta gueule dans les chiottes, tu vas comprendre, tu vois. Oui, mais j'aurais pas le crâne torché, toujours pas. Alors, pour la pipeuse, il y a plein de mecs qui ont une relation sans sexe. Non, une relation sans pipe, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est comme un Noël sans cadeau. C'est joli comme message, ça. Ouais. Mmh. Niu, niu, niu, niu. Tiens, j'ai, si vous voulez, j'ai le l'ivresse de Cédric. Ah ouais. Et son baisage. Très bien, l'ivresse de ça Cédric. Ça dure une minute quarante. Et son baisage, on va le retrouver dans, avec donc ton son dans un instant. Ouais, ouais, ouais. Ne bouge pas parce que j'ai Stéphanie qui arrive pour témoigner. Allô Stéphanie de Paris. Les Parisiennes, vous êtes chaudes au niveau de la pipe ce soir, c'est bien. Bah écoute. Salut Steph. Salut. Coucou. Salut. Salut Steph. Salut les filles. Salut. Et oui, vous m'entendez? Salut les filles. On a Alexia et Steph. Ouais, on t'entend bien, Steph. Ah pardon. Bienvenue sur Sky, Steph. Salut Steph. Merci. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, toi, la pipeuse qui a un problème? Elle adore ça et son mec il aime pas trop. Bah moi je compatis parce que j'adore aussi. Donc je comprends la douleur. Bravo, bravo. La douleur. Ouais. Respect. T'as ton mec qui te dirait aujourd'hui tu me suces pas, à partir d'aujourd'hui tu me suces plus, ça sera un drame dans ta vie sexuelle. Oui, quand même. Ah, non, mais c'est bien. Ah, non, mais c'est vrai. Marie, toi aussi? Ah, ouais. Bah, oui, ça m'arrive. Ah, non, mais sérieux. Ah, ouais. Je préfère arrêter l'alcool. C'est tellement excitant de faire du bien à l'autre. Voilà, je partage tout à fait ton point de vue, Marie. Bah, ouais, c'est excitant. Oui, c'est ça. Ah, oh. Ouais. Bravo, les frères. Bip, bip. Est-ce que t'es déjà tombé sur un mec qui voulait pas se faire sucer, lui? Non, non, non, non, non, à chaque jamais. Fois j'ai ah, ouais, vas-y. Mais une petite question d'ordre technique. Tu avales? Bonne question. Alors, je m'attendais à cette question. Ah bah évidemment, tu connais la maison. Tout à fait. Tu es ici chez toi, bien sûr. En fait, ça dépend à qui j'ai affaire, on va dire. Ouais, mais oui, ça peut. Non, mais je te dis pas d'avaler à chaque fois non plus, hein, mais oui, non, ça dépend le mec, de la quoi. Personne. Voilà, c'est ça. Et facial, t'aimes bien? Tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Comment? Beaucoup moins. Pourquoi tu trouves ça humiliant de recevoir tout comme ça? Comme Marie. Non, non, je préfère dans la bouche. Comme Marie. Ah ben, on est pareil. Non, mais c'est bien, vous travaillez proprement. Te gêne pas. Félicitations. Proprement, merci. C'est du propre. Ça, bravo. Non, en tout cas, pour la pipeuse, il y a un nombre de messages, notamment du 92. J'ai Salem qui nous laisse un message, qui a 18 ans et qui est dans le 92, qui est OK pour la rencontrer. Si elle est vraiment en manque, j'en ai une grosse. Très bien. Bah, écoute, parfait, c'est bien noté. Salut Salem. Il y a Ben également qui a laissé le numéro pour la pipeuse. Omar, on salue Cédric, tiens, Cédric 92, 25 ans. Il y a Youyou qui nous a laissé un message. Nathan également qui est prêt à se faire sucer pour aider. C'est ça la Sky Solidarité, vraiment. C'est beau, ouais. c'est beau. Bravo, super les auditeurs de Skyrock. Vraiment, elle doit être contente la pipeuse. Mais bon, elle a un mec pour l'instant, mais on ne sait jamais hein, parfois. Hein. Ouais. Est-ce que toi par exemple, ton mec qui t'interdirait de sucer, Stéphanie, est-ce que tu serais prêt à le tromper ou non? Bah, c'est un peu compliqué, on va dire. On t'entend plus, Stéphanie, faut parler dans ton trou. Ah bah... Le téléphone, hein, bien sûr. Allô? Oui. C'est pas sucer pour sucer. Ce serait un peu compliqué, je pense. Bah oui. D'accord, non, mais c'était pour savoir. Hein. C'est pas sucer pour sucer, c'est quand tu suces, c'est que c'est ton mec et que tu le fais kiffer. Sucer, c'est gagné. C'est gagné. Non, mais sinon, je vois pas l'intérêt, quoi. Eh, Stéphanie, il y a Colonel Charlie, il envoie un message pour toi. Votre auditrice m'excite. Ah. Je bande bien veineux. Dites-lui de parler encore que je puisse me finir. Il y a Zed qui envoie un message. Il y en a plusieurs qui disent ça, les Et il y a des trucs que ton mec t'a déjà refusé, qu'il aime pas te faire ou que t'aimes pas lui faire? Alors en fait, moi, il y a des choses que j'aime particulièrement, c'est qu'on me morde, mais vraiment fort, les tétons. Oh. Et un peu aussi qu'on m'étrangle, mais légèrement aussi. Hein. Ah, c'est bien dominé. Ah ouais, toi, c'est oh putain, bien. Oui. Mais les tétons, ça te fait pas mal? Ouais, moi, ça me fait mal pour non, toi. Non, je ne suis pas du tout sensible. Ah ouais, parce qu'il y a des filles qui sont ultra, ultra sensibles. Ah ouais, tétons, mais hein. Oui. Non, non, mais en fait, je pense que la sensibilité se traduit par l'excitation. Ouais. Mais si par exemple quand tu mordis un petit peu mais tout doucement que la meuf déjà elle fait tu vois qu'elle recule non. Mais toi j'aurais faut qu'il croque dedans comme dans une pomme. Ouais voilà, hein. c'est pas mordier mais là c'est vraiment mordre hein, que je parle. Tu saignes et tout des fois. Ah tu sais. Genre il t'a coupé des fois le téton. Mais non, il a pas arraché le téton avec la dent. Si tu croques, tu l'arraches. Ah oui, vas-y, arrache-moi le téton. Non mais ouais, mais moi putain, bien sûr, tu as des marques, des bleus quoi. Non mais je pourrais pas putain, j'ai mal quoi. En même temps, tu dis que tu ne sens absolument rien donc C'est pareil avec les baffes d'ailleurs, vous pouvez mettre des baffes, ouais. Mais toi, tu te fais mordiller les tétons ou quoi, Romano? Ah non, non, mais non, mais j'imagine. Ah, non, mais je vois par exemple, Cariole, elle est relativement sensible. Je pense que je lui mords un téton, mais je me prends une baffe, quoi. Ah ouais, j'imagine, ouais. Non, mais Marie, toi, c'est pas pareil, j'imagine. Ah non, mais moi, ça m'agace, moi, qu'on me touche les tétons. C'est... Non, bah putain, elle est pas relou, elle, tiens. Oh non, mais Marie, bouffez-moi le cul plutôt. Bah, je préfère. Ah ouais, d'accord, ok. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous sortez avec la Marie, hein? Pas les bouffez pas de tétons, bouffez du cul. Ouais, vous laissez tomber tout le haut, vous passez directement au bas là. Ouais, c'est ça. Tiens, un message que vous nous avez laissé là, il y a plein que vous nous avez laissé depuis tout à l'heure. Cédric, du 19 ans, qui nous dit: moi, ma meuf m'a sucé après avoir mangé du chili. Je vous dis pas la douleur. Ah ouais, non, mais c'est l'enfer. Ah ouais, en fait, elle avait la bouche épicée. Ah, ça t'a brûlé, ouais. Ouais. Non, mais pareil, ça doit faire bien mal. Ouais. Je kiffe sucer mon mec et lui, il surkiffe. Par contre, j'avale pas, il éjacule sur ma poitrine. Je veux pas voir le regard de ma meuf quand je baise. Ah, Ryan qui nous laisse un message. Ah ouais. Ouais. Ma meuf ne veut pas me sucer sans capote. Et ça, c'est Morgane 2707, parce qu'il y a plusieurs Morgane ce soir. Et ça me fait chier. Non, mais en soi, elle a raison. Je débande direct avec la capote. Ah, il a raison. Ouais, mais en soi, elle a raison. Romano, te dis que Cédric se faisait dominer par son chien, par le chien de Romano, hashtag victime. Jordan the best. Non, mais c'est vrai, ça, c'est Diffoul l'a vu, donc. Bonsoir, c'est Moshita. Ah, Moshita, tiens. Ah, coucou. Qui nous laisse des messages. Ah, super, ça faisait longtemps. Moshita, là. Alors, Moshita, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai jamais voulu sucer Cédric, car sa bite sentait le rouille. Ah, le rouille, ah, le fromage. Ça sentait le fromage. Alors là, Marie, quand tu veux, tu vas me la sentir. Allô? Non, je vais pas sentir. Non, je allô, merci. Allô? Ouais. Eh bien, écoute, c'est gentil. Eh bien, allô? Vous avez vu? On fait appel à Moshita, elle est là. Bonjour, Moshita. Je suis avec la régie finale qui me dit que tu nous appelles, que nous appelles va, de chez toi. Et que tu es précisément dans les toilettes. Pourquoi donc? Eh bien, j'étais en train de vomir. Mais pourquoi? Ah, t'as été une gastro? Ah non, je repensais à la bite de Cédric. Ah, d'accord. Elle est super, Moshita. Voyez une fromagerie? Oui. Bah, sa bite, c'est à peu près la même odeur. Une fromagerie qui ferait également poissonnerie. Éventuellement décharge. Ouais, également. Bah ouais, tiens, local poubelle aussi. Tiens. Ah, et local poubelle aussi. Ah, bah tout ça. Ah, dégueulé. Ah, oh, mais moi aussi, je t'aime. Avec sa teub vilaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Toute boutonneuse. Tu l'avais dans la bouche, tu l'as fermée, ta grande. Ah, je l'ai jamais eu dans la bouche, mythomane. Si, tu l'as eu. C'est comme au clash, tu es un mythomane. Je t'ai jamais sucé. Quel mytho, celle-là. Elle t'a déjà sucé, elle? Ouais, bah oui. Je dire qu'elle aimait ça. Thierry et Oli. Voilà, je comprends. La pauvre. Oh. Alors, on y va pour. Écoute, merci en tout cas pour les témoignages. Pour la pipeuse, écoute, tu as vu qu'il y a plein d'auditeurs qui vont t'aider. Et sinon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Comme tu disais, Alexia, toi, au début. Oui. Au début de la relation, et a priori, la pipeuse, ça fait pas longtemps que vous avez une relation tous les deux. Là, ça se passe comme ça, on découvre petit à petit, on n'a pas envie de tout de suite, etc. Ouais. etc. Donc. Oui, mais peut-être après avec le temps ça viendra. Mais c'est ce que je pense aussi. Ouais. Mais oui, tranquille. En plus, ça fait pas longtemps que t'as débuté, tu nous as dit donc. Bon. Oui, c'est ça. Donc. Qu'est-ce que tu dis, Marie? La pipe, c'est la base. Elle montre un message. La pipe, c'est la base. Une meuf qui ne suce pas son gars, c'est la tristesse assurée dans le couple. Ah, non, tu voulais que je lise ça? Pas. Marie, elle voulait que je lise absolument ça. Ah oui. Marie, quand Marie. Elle s'appelle Marie, oui. Oui, Marie. Combien de mec t'as sucé? Je veux dire, tu vois, quand t'as eu un premier mec. Non, justement pas. Moi, j'ai fait assez longtemps après. Ouais. Ouais, mais genre, t'as eu combien de mecs avant de sucer le premier? Je sais pas, 3-4 peut-être. Oh, bah ça va, oui. Bon. Fallait pas être juste dans les 3 premiers, quoi. C'est ça, ouais. 4e, c'est bon. Quatrième, c'est bon, Marie, elle envoyait du large et l'aval et tout. Mais tu vois, j'aimais pas trop ça, tu vois. Je me suis un peu. Ouais. Je suis un peu forcé, quoi, entre guillemets. Mais et depuis, j'adore. Bravo, Marie. J'adore. Bon, en tout cas, merci pour les témoignages. Merci, Stéphanie. On te fait un gros bisou. On fait un gros bisou et je vous adore. Vous êtes géniaux, les filles. C'est gentil, Steph. Et franchement, je vous écoute tous les matins. C'est vraiment un bonheur de me réveiller avec vous. Mais c'est gentil. Eh bien, c'est profites-en avant les vacances du Morning Best. Le Morning Best tous les matins, 6h-9h, c'est avec Vincent, les meilleurs moments du morning. Il paraît que ce matin, il y avait japonais dedans, parce que j'ai eu un tweet de je sais plus qui d'ailleurs, qui m'a dit: putain, j'ai eu ça toute la journée dans la tête, merci Romano. Tu vois, chanson de Niska, japonais. Oui, voilà, c'est ça. Parce que Marie, elle fait un blocage, chaque fois que je chante, elle pète un câble. Japonais. Ça m'a fait chier avec. Bisous Alexia, merci du témoignage aussi, on t'embrasse, merci. Alex. Merci à vous. Et sois heureuse avec ton mec, éclate-toi. Ouais, bisous.

Je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours. Quand je monte sur l'estrade, j'entends le bruit de la foule. Maman, t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la meuf qui m'entoure. On dit que j'ai prié à l'enceinte de mon tour. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal sur Skyrock. On écoutait MHD, extrait de l'album d'MHD. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Et ouais, on est sur Sky toute la soirée avec toute l'équipe qui est là. Romano, Lamari, Cédric, ouais. Samy, Karim. Ouais. On est tous là. Et il y a Romain des réseaux sociaux qui est dans le coin aussi. Est-ce et... qu'on a les bouts là de Cédric Ivre Mort? Est-ce qu'on a les bouts de Cédric Ivre Mort que je vais vous faire écouter tout à l'heure? Est-ce qu'on a les bouts de Cédric Ivre Mort? On va les chercher, ouais. Va les chercher. Ah ben, va chercher, Cédric. Va, c'est bien. Allez, va. On a le journal des Bleus, tiens, le journal des Bleus de l'Euro. De Vous savez que dans moins d'une semaine, on sera peut-être champion d'Europe. Ouais, ouais. Non, mais ouais. Déjà, c'est bien qu'on soit en demi. Hein. C'est vrai. Bah ouais, non c'est mais bien. C'est vrai. Hein. Moi, j'y c'était crois, l'objectif moi. Avant la compétition. Moi j'y crois moi. Bah hier justement la journaliste elle a demandé là, Didier Deschamps et il a tiqué genre l'air de dire non c'était pas l'objectif. De quoi d'être. Ouais. Ouais ah, parce que maintenant c'est peut-être la finale ouais. Maintenant, ouais parce qu'en fait tu sais avant que ça commence l'objectif de Didier Deschamps a priori c'était pour qu'il reste. C'est ça hein, Samy. Ouais ça ouais. Ouais qu'il fallait qu'il aille juste en demi-finale. Et hier, la journaliste, elle lui a demandé, là, ou le journaliste, là, sur M6, là. Mmh. Et à ce moment-là, tu sais, il a fait genre une grimace, genre non. Je fais une grimace, regardez. Je fais une grimace. Ouais, aussi, ouais. Je dis pas ce que tu dis est vrai. Ouais, tu sais, genre, non, genre, il disait que c'était une connerie, quoi. C'est bien le truc d'M6 quand il téléporte les gens. Ouais, je trouve ça bien, ouais. C'est bien fait, hein. Ouais, c'est marrant, ça. Ah, c'est une belle idée. C'est bien, il téléporte les joueurs. En fait, le joueur il se met sur un fond vert bah, en direct du stade. Exactement, sur un tabouret. Par contre, ce serait bien apparemment qu'il déporte, qu'il téléporte aussi un peu Ginola parce que moi je le trouve un peu lourd. Moi. Ah ouais, ouais. Pff. J'aime bien la meuf qui est avec lui. Mais ouais, mais il l'allait jamais parler là. Ouais, c'est ça. Il la coupe souvent, ouais. J'aime bien Ginola à la base, mais là je trouve un peu. Non, mais moi je trouve qu'il est. Bon, on va pas faire. David, Marie, elle te préfère quand il parle moi. On va pas faire touche pas à mon poste, mais. En fait, touche pas à mon poste. Salut mes petites beautés. Moi j'ai alors comment ça va ma petite beauté chauve? Ça va bien ça. Alors bien. Aujourd'hui on va te raser le cul. Et après tu vas manger tes poils de cul. Très bien. Allez, ça tombe bien, j'ai pas le temps de manger ce soir. Et Mathieu Delormeau, viens pisser sur Romano. Ouais cool. Allez, toi tu pisses sur Romano. Et pendant ce temps Cédric il chie sur tout le monde. Ouais. Oh ouais génial. Cédric viens chier sur Gilles Verdez. Non mais Ginola moi je te trouve. Ça pue du cul. J'ai mal à mon nez. J'ai mal à mon nez oui. Je disais moi je trouve Ginola elle est mieux en consultant qu'en présentateur. Ouais, pareil. C'est vrai. Mais bon. Ouais, ouais, ouais, pareil. J'ai qu'à manger à côté de lui, moi. Et alors? Non, mais il avait l'air sympa. Ouais, ouais, franchement, il a l'air sympa, ce mec, je trouve. Il a, hein? Il mangeait quoi? Dans un restaurant chinois. Ah, et la présentatrice d'à côté, elle s'appelle Nathalie Renou. Ouais, c'est ça. Renou. C'est Renou. Elle fait 19,45 aussi, là, le journal. Il y en a un qui nous a dit Renou et l'autre qui nous dit Renou. Non, c'est Renou. Non, Renou. Ah, le sextoy Mario. De Marie nous dit Nathalie Renou me fait bander c'est... combien Nathalie Renou aussi était sympa bah ouais il est sympa mais bon Ginola ouais je trouve qu'il parle un peu trop moi il me saoule un peu mais la téléportation elle est bien ça, c'est mon truc voilà. Non mais ça c'est bien c'est en fait comme, c'est pour ceux qui n'ont pas vu c'est en gros le joueur il s'assoit dans le sur un fond vert dans à côté des vestiaires c'est ouais. Ça et en fait avec un système vidéo sophistiqué petit trucage et ben un bruit qui fait pssst. Et ben t'as l'impression que le joueur il est sur le plateau juste en face de Ginola ouais, mais ce qui est bien c'est que quand il parle au consultant il tourne la tête et t'as vraiment l'impression que le mec il est dans le studio il a deux écrans en fait. Alors moi je pense qu'il y a un mec dans le décor qui dit ouais tourne la tête. Non ils ont deux écrans. Non, je pense qu'ils ont plusieurs écrans. Il est assis et là il a un écran sur lequel il voit les gens qui sont à droite sur le plateau, ouais. Un écran sur lequel il voit Ginola et Renaud qui sont en face. Au niveau ouais. Et tourne la tête. Non mais leur système, franchement pour une fois M6 ils font un truc bien. Étonnant c'est vrai. Ils ont dû le pomper à une émission en Angleterre ou je sais pas où. Non parce qu'en général M6 les trucs en direct c'est pas là où ils sont les meilleurs. Ah par contre il y a un truc qui foire c'est sur les coups de fil des mecs là qui font des coups de fil qui imitent des chants. Ah ouais mais moi ça m'a un peu alors, il faudrait déjà mettre un son de téléphone vous savez comme quand on fait Moshita prenez un son de téléphone regarde un peu je fais allô Didier Deschamps Allô. Voilà. Bonjour Didier, comment vas-tu? Allô, collectif. Allô, collectif. Ah, alors que eux, il n'y a pas de bruit de téléphone et on dirait qu'ils sont dans le studio. C'est pourri. Parce qu'il fait allô Didier. Ah, bah, j'avais jamais vu. Hier, j'ai vu ça là. Ouais, c'est des trucs d'humour. Mais ouais. Pas dans le foot. C'est qui qu'on s'appelle les deux gars? Bilal et Stéphane. Ouais, alors tu vois, autant le. Après, et Bilal et Stéphane, vous avez été méchants avec les joueurs qui jouaient pas. Je suis pas sûr de Stéphane. C'est-à-dire que les mecs, qui sont pas rentrés. C'est quoi sur le montage vidéo là? C'était que des blagues sur ceux qui jouaient pas. Ah ben moi, tu vois, moi, le truc, franchement, les trucs au téléphone, moi, j'ai trouvé ça à chier. Bon, moi, pareil. Après, les trucs avec les images où il faut quand même. Techniquement, c'est pas au point, donc ça les avantage pas, les deux gars. S'il y avait un bruit de téléphone, ça serait mieux. Ouais, tu parles des images. Non, mais après, les images, il faut le texte. Bon, c'est un peu la truc comme sur Canal. Ah, Julien Cazard. Tiens, le truc, en fait, ils prennent des images, ils font la voix de Deschamps avec d'autres joueurs. Et ils font des parodies, comme fait Cantou sur la une avec les hommes politiques, quoi. Ah. Et ils font ça aussi. Ça, j'ai pas vu. Ah, moi, j'ai juste entendu le coup de fil. J'ai trouvé ça un peu bidon, mais. Ouais, moi aussi, j'étais un peu mal à l'aise. Un coup de fil au téléphone, c'est avec un son de téléphone, quoi. Sinon, ça marche. Mais bon, ça peut pas être à chaque fois. Bah, M6, c'est encore. C'est pas mal. C'est en rodage. Voilà. Il y a même Nathalie qui se téléporte sur la pelouse. Ça, j'ai pas vu. Salut, Yovan de la Sécu. Qu'est-ce que tu fous? Salut. Bonjour, bonjour à vous les auditeurs de Skyrock. J'ai encore son pull dans le pantalon. Je vais vous manger tout cru. Je suis Yovan de la Sécu. Ah non. Hey, je peux le mettre autre part. Yovan, beau gosse ce soir. Ah, beau gosse. Beau, là. Marie, elle veut niquer. Hein. C'est moi qui l'aurais niqué. Ils sont chauds à la sécu, à Sky. Bon, alors. Composition de la France. Il y aura Koscielny, Rami, Sagna, Kanté, Matuidi, Pogba. Ouais, mais ça, c'est leur pronostic. Hein. Mais il y a 14 joueurs sur le terrain, vous avez pas vu les gars. Ah, ils sont trompés. Non, c'est qu'en fait, ils essayent de voir quel système Deschamps va utiliser, en fait. Bon, on fait un point sur l'euro et puis on retrouve Emilie. Tiens, on va juste voir de qui elle est les fans. Mais tu sais que j'ai découvert un truc hier au football. Ça jouait à 11. Non. Ah. Quand ils disent, tiens, en 4-3, 2-3, 4-3. Mais en fait, c'est en partant du goal. Non, il y a pas le goal, non, ouais, des défenseurs. Défenseurs. Ouais, c'est à partir de... Mais moi parce qu'au début, je comprenais pas. Et moi je pensais quatre attaquants. Non, mais moi je pensais quatre défenseurs. Non, mais moi je pensais que ça commençait du milieu de terrain et que ça redescendait justement vers le goal. Parce que 4-2-3-1, tu pensais que 1 c'était le goal, quoi. Non. Mais oui. Tu t'es pas dit, il y a que 10 joueurs du coup. Mais non, mais j'avais jamais fait le rapprochement et hier soir, j'ai découvert que c'était dans l'autre sens. Voilà, premier sur le foot. Bon, elle est où notre big fan de Rihanna là en direct avec nous? C'est... Ah bah voilà, bah t'as dit on voulait jouer, on joue plus. C'est Emily. Il y a plus de jeu là du coup. Ah oui, c'est vrai, je vous ai dit. Bon. T'es fan de Rihanna toi, Emily? Oui. Alors comment sa vie, une fan de Rihanna en l'occurrence, comment est-ce que sa vie de tous les jours, sa vie de fan, vit ma vie de fan? Alors. Non mais, Ducile, t'as eu les cheveux rouges quand elle les avait, genre de truc ou pas? Alors oui, je les ai eu rouges, bouclés. Je les ai naturellement bouclés, donc du coup, oui, je les ai eu rouges. Mais c'est-à-dire que tu vois Rihanna qui a une nouvelle coupe, tu te dis, ah bah tiens, je vais essayer la nouvelle coupe de Rihanna. Non, mais en fait, je fais pas exactement pareil, mais je vais suivre l'idée. Ah, et voilà. Les tatouages, pareil? Alors les tatouages, moi j'en ai qu'un seul pour le moment, mais je compte en faire d'autres, oui. Ah. C'est quoi le tatouage que t'as? C'est les R qu'on voit sur tous ces albums. Ah. Est-ce que tu t'es fait aussi, est-ce que t'as fait aussi toutes les petites étoiles, la rivière d'étoiles dans le non, trou là? Non, celui-là, je vais pas le faire, celui-là. Pourquoi? Parce que les étoiles, c'est pas trop mon truc. Et il y a Evangélique, elle est même. Ah ouais, c'est la classe. Bah attends, mais non, mais ça, les étoiles, c'est cramé. Le nombre de meufs que tu vois, elle était sur la plage, oui, les voilà. Étoiles, au poignet, dans le cou. Et le R, tu l'as fait où? Ah, le R, je l'ai fait sur le cou. Sur ah ouais. Coup. Ah oui, où elle avait fait une faute d'orthographe là. Enfin une faute de français plutôt. Ouais, une non faute de français. Ah, c'est une Rebelle faute de français. Fleur, oui, elle avait oui, elle avec Rebelle Fleur, oui. Exact. Mais en même temps, elle fait un tatouage. Tatouage. Et écrit en français mais elle le fait faire par un américain, donc forcément il y a des fautes. Ah, ouais. C'est sûr. C'est vrai que c'est con. Non, c'est vrai c'est con. Non mais là moi je trouve tu vois, elle commence à trop en avoir, ça fait sale. Mais ça tatouage Romano, faut non, moi, je tu veux que ça me plaît. Non mais tu vois par exemple tout ce qu'elle a là, par exemple là celui qu'elle a en dessous les dessins là. Espèce oui, de bordel là. Une déesse égyptienne. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, je trouve ça un peu trop. Et là, elle a une main qui est recouverte là. Oui, c'est des espèces de petits dessins, des triangles. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, mais moi, je trouve ça fait dégueu, moi. C'est les Illuminati. C'est les Illuminati. Non, mais sérieux, vous avez pas vu, tu sais, ça fait. Je sais pas, t'as l'impression que la meuf, en fait, il y a une cartouche d'encre qui s'est éclatée sur sa main, quoi. Ben voilà. Non mais, tu veux lui dire va te laver les mains. Ça a bavé un peu. Ouais. Non mais je te jure, prends ton effaceur. Non moi je dis les tatouages Riri faut arrêter. D'accord, le conseil lui sera donné dès qu'elle vient en France. On aura de vos places d'ailleurs. Tu vas la voir en concert toi? J'imagine que oui, Emilie, non? Ben je peux pas donc. Ah merde. Pour... Ah, tu peux pas. Tu sais qu'on a des places, on va en offrir. Oui, parce que les places, voilà, les places, c'est pas. C'est cher. Ah bah ouais, putain, c'est... ils se font pas chier. Ouais. Eh bien, les places, c'est gratuit sur Skyrock. C'est combien les places? Les moins chères, elles sont à combien? Je t'ai fait à 10 000, Romano, la place. Ouais, ok, ouais. Non, mais c'est pas moi le pigeon aussi. 10 000, si tu veux. Allez. Les deux, hein. C'est entre 100 et 200 euros, je crois, la place. Ah ouais. Ah ouais, moins cher en plus, 70. En plus, ça peut être. Ah ouais. 70, ouais. Et toi, tu lui ressembles ou pas? Pas du tout. Rien à voir. Non, et... j'ai mis une photo, j'ai rien à voir. Non, je suis pas mat de peau comme elle. Est-ce que tu t'habilles en cuir et latex? Non, pas du tout. Et c'est vrai que son look tous les jours, c'est pas évident. Quand on dit qu'on est fan, la vie d'une fan de Rihanna, je sais pas, tu te lèves, comment ça se passe? Tu chantes? Non, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, ses albums, ben, je les attends avec impatience, quoi, à chaque fois. Ouais. Et son album, je les écoute presque tous les jours, ouais. À tous les jours, t'écoutes des sons de Rihanna? Et genre? Oui, là, c'est ainsi, j'écoute vachement ce Rantis qu'elle a sorti, là. Ouais, t'écoutes le dernier album. Ah ouais, genre, t'as ton album. Moi, tu vois, le dernier album, je le trouve un peu moins bon que les autres. Romano est préféré. Mais moi, je le trouve plus original. Ah, tu le trouves plus original, Romano? Ouais, le trouve moins bon. Ouais, je le trouve moins commercial, je le trouve meilleur. Tu peux nous chanter un peu de Rihanna? Allez. Non, allez. Allez, vas-y. Mais, en plus, j'en étais sûre que vous alliez faire ça. Ah bah, t'es une fan, allez. Non, c'est... non bah, celle-là. Pas celle-là, celle-là. Ah, ok, ouais. Non, plus, c'est ridicule. Elle est super, celle-ci. Work. Préféré de Romano. J'adore ça, moi. Bah, j'aime pas trop celle-là. Alors, non, mais c'est... Allez, vas-y. Ouais. Arrêtez, c'est pas drôle. Si, c'est bien. Allez, vas-y. J'en étais sûr, je l'aurais parié. C'est pas ça les paroles. Non, c'est pas ça les paroles. C'est en français là, ce que tu veux. Allez. Calvin Harris, j'adore. Vas-y. Ouais. Là, on peut tous chanter, là, c'est facile. Les paroles sont faciles. On écoutera d'ailleurs Rihanna et Calvin Harris. Elle est super belle dans le clip. Ah, elle est belle, Rihanna. C'est vrai, elle est jolie dans le clip. Ah, ouais, ouais. T'as des posters, t'as quoi de Rihanna? Ouais, alors j'en ai des beaux. J'en ai un où elle fume une cigarette, un où elle fait un fuck, et ah, deux un autres fuck. Un peu plus classe. Et tu l'as pas avec une bière à la main? Parce qu'elle aime bien la bière. Non, il y en a où elle fume des joints à Amsterdam, ils sont pas mal aussi. Ah, bon. Ah ouais, tu la suis, j'imagine que t'es sur tous ses réseaux tous les jours. Et, ouais, ça, je l'ai juste demandé, Twitter, ouais. Et Insta, juste. Et est-ce que tu saoules tous tes potes et ta famille et tout, ben, avec en Rihanna? En fait, honnêtement, ils sont gentils, ils font semblant d'aimer pour me faire plaisir. Ah. Non, mais j'aime peut-être Rihanna, tu peux ne pas être fan de Rihanna, mais bien aimer ce qu'elle fait. Mais je vous jure, quand elle sort un nouveau clip, je les harcèle et ils participent. Ah, t'as été voir le nouveau, là, la BO de Star Trek? Oui, j'y suis allée, ouais. Sledgehammer. Elle m'a déjà tout raconté au standard, laisse tomber, elle connaît le truc. Elle est jolie, la chanson. Ouais, c'est pas ma préférée, moi, Adriana, celle-ci. Elle est jolie. C'est ça. Ah ouais, j'adore. I never felt so low. Ok. So low. So low. Like a waterfall. Bonjour, Captain Spock. Tu as les oreilles pointues, dis donc. Oui. Oui. Ouais, elle a fait Star Trek, ce clip. Ouais. T'as pas changé, je te jure, en 10 ans, t'as pas changé. Ah, tu vois, tu es toujours le même. Toujours. Eh, voilà, c'est bien. Bon, ben, nous, on va écouter ça, là, tout à l'heure. C'est un peu plus rythmé, oui. Ouais. This is what you came for. Bon, prépare-toi. Bon, salut tous les fans de Rihanna et n'oubliez pas. Oui, les Rihanna Navy. Les Rihanna Navy. Navy. Navy. Ouais, c'est quoi, c'est ça? C'est la team. C'est la team de Rihanna, les Rihanna Navy. Voilà. Mais pourquoi Navy? Parce que c'est la Navy. C'est la Navy. C'est normé, c'est pour ça. Ah, ok. Les Rihanna Navy, eh ben vous écouterez Rihanna et vous gagnez vos places pour Rihanna, tenez-vous prêts, je vous donne le top. Tente de les gagner, Émilie. Bah non, c'est jamais, hein. Ah ouais, tente le coup, on a 400 encore à filer sur Skyrock. Attends, 400. Comment on fait? Il suffit de s'inscrire, quand je donnerai le top, je le donne dans 10 minutes. Dans 10 minutes, je dis top, vous laissez votre prénom, votre numéro et vous gagnez Riri, Rihanna et on écoutera Riri, Rihanna avant minuit aussi. Eh ben on te fait un gros bisou, Émilie. Bisous à tous. Bisous à toi. Bisous, bisous. Ciao. Bonne soirée, ciao. Ciao. Ciao. Mon morceau préféré de Rihanna, 555 nous dit ça. C'est Man Down avec Rom Pop Pop Pom. Ah, celle-là, putain. C'est la meilleure de toutes. Alors, on va prendre. Ah, bah tiens, on va prendre les nouvelles du foot, là. Les nouvelles du foot. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Voici le journal des bleus de l'Euro de Skyrock. L'Euro 2016. Journal des bleus. Samy sur Skyrock. Et Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Le journal des bleus, on a donné des nouvelles. Alors, pas des bleus, mais d'un presque bleu. Enfin, qui a été bleu d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle, était bleu. Bah, elle était présélectionnée. Ouais, Hatem Ben Arfa tout à l'heure, il arrive au PSG. Elle était présélectionnée, mais il n'a pas été sélectionné. Ah ouais, elle est rentrée à la maison. Alors Didier Deschamps est avec nous, voici les dernières nouvelles du journal des bleus de l'Euro. Je me suis téléporté, comme sur M6. Oui. Et il s'est téléporté dans les studios de Skyrock. Et je souris. On va commencer par les peut-être futurs adversaires de l'équipe de France en finale, le Pays de Galles. Ah. Parce qu'en fait, les mecs, ils ont deux, trois petits problèmes. Enfin, certains joueurs, ils n'avaient pas prévu de rester aussi longtemps dans la compétition. C'est vrai que c'est une surprise, le Pays de Galles en demi. Bah carrément, ils avaient prévu d'être en vacances, les mecs, depuis deux semaines. Donc ils avaient organisé des trucs, des mariages et compagnie, tu vois. Donc en fait, donc ça commence mal. Il y en a quatre qui ont des problèmes. Donc on va faire la liste. Donc il y a un mec qui s'appelle Taylor. Lui, en fait, il est dégoûté. Bon, c'est simple, mais il avait acheté des places pour le concert de Beyoncé chez lui, enfin à Cardiff. Et le mec, des places en VIP à 1 000 $ quand même. Enfin, ah ouais. Et bon, il pourra pas y aller parce qu'il joue mercredi contre le Portugal. Donc il pourra pas aller au concert de Beyoncé. Il est un peu dégoûté. Mais là-dedans, dans cette équipe, ils sont pros. Ouais, bien sûr. Ça va, 1 000 balles. Non, non, mais bon, pour te dire, c'est 5 balles pour nous. Ça se fait chier quand même. Ouais, tu sais, Romano, tu nous as déjà fait chier pour 20 centimes. Hein, donc, oui, non, mais moi, j'ai pas le salaire des footballeurs. Oui, non, mais tu dis 5 balles. C'est 5 balles pour nous, pour lui, 1000 balles. Mais on commence ce soir. Tu nous as fait chier pour moi. Il y a pire. Non, mais 5 balles, je vous fais chier. Je perds 5 euros, je vous fais chier. Mais t'es quand même plus content d'être avec ton équipe. Bah oui, il y a de jouer les demi-finales. Sauf si le mec est ultra fan de Beyoncé. Taylor, il veut aller voir Beyoncé. Tu vois, on avait Emily, fan de Rihanna. Tu vois, il y en a qui sont comme toi, mais sont fans de Beyoncé, Emily. Bon, il y a pire que rater un concert. Il y a Chris Gunter. C'est un joueur du. Bonjour, je suis Chris Gunter. Je me suis perdu au pays de Galles. En fait, je... plus, c'est con. Il y a son frère qui se marie et c'était le témoin, tu vois. Et donc, en fait, il peut pas aller au mariage parce qu'il est en France. Donc, du coup, vu qu'il n'y a pas le témoin, le frère peut pas se marier non plus. Alors, le frère va se marier. Ils ont installé, en fait, dans l'église où il va se marier, un écran et le mec va faire son discours par Skype depuis le camp de base des pays de Galles en France. Oh le bordel. Ouais, c'est marrant. Ça fera bah ouais, c'est moi, ça fera des bons souvenirs. Ouais, c'est marrant. Même le sélectionneur, il a emmerdé Coleman parce qu'en fait, lui, sa femme doit accoucher ce soir. Ah bah, et en fait, donc elle est au Pays de Galles, lui il est en France. Ah bah il avait qu'à la faire accoucher en France. Si c'est à l'accouchement, il est dégoûté. Et donc le pire de tous, c'est comment il s'appelle déjà? Je vais te trouver son nom. Putain, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Bref, un joueur du Pays de Galles qui lui, bah, carrément, bah, c'était son mariage à lui, mais bah, il a dû l'annuler quoi. Voilà. Il devait se marier avec sa femme. Mais non. Ouais. Putain. Ah ouais, c'est Joey Ledley. Ouais, j'ai retrouvé Joey Ledley. En fait, il devait se marier et comme bah, ils sont encore qualifiés avec les Pays de Galles. Tu vois qu'on. Et imaginez le Pays de Galles qui gagne l'euro. Tout est possible. Il y avait la Grèce qui a gagné déjà l'euro. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Et ouais, tout est possible. On va savoir. En plus, ils jouent bien. Moi, je les vois battre le Portugal. Bon, ils peuvent lui mettre un écran géant du stade pour l'accouchement, nous dit Jérém du 69. Ouais, ça serait pas mal ça. Qu'est-ce pas con, Jérém, pas con. Ah non, dégueulasse. N'Golo Kanté va signer à Chelsea dans les jours qui viennent. Info sérieuse, info du Daily Telegraph. Message de Blue, breaking news. C'est vrai que le Daily Telegraph, Blue, t'as raison, ils ont des bonnes infos en Angleterre. Mais bon, vu que Kanté, là, avec l'équipe de France, là, il est concentré sur l'euro, on n'aura pas d'infos avant une semaine et la fin de l'euro. Ah, y a pas d'infos. À suivre. Il paraît que Hatem Ben Arfa, il a mis le numéro 21. Alors, c'est pas parce qu'il adore l'équipe 21. Non, c'est pour avoir le même que Ronaldinho. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, c'est ce que nous dit Ultimate Gaber. Salut Ultimate Gaber. Ouais, chelou. Parce qu'en fait, tout le monde dit ouais, il aurait dû prendre le 10. Mais comme le 10, c'était un des numéros d'Ibrahimovic, tu vois. Mmh. Ça fait un peu genre, tu prends le numéro d'un. Suceur, quoi. Ouais, ouais. Non, pas suceur, mais c'est dur à assumer derrière, tu vois. T'as un mec qui part, qui laisse un numéro comme ça. Ouais, tu prends pas la suite. Ouais. Bon, bon allez, on a eu les dernières. Oui, Didier. Ben Arfa, on s'en fout, il est pas l'équipe de France. Merci, Didier. Bon, on a eu les dernières nouvelles du Pays de Galles. Maintenant, le Portugal. Portugal. Aucune nouvelle, tout va bien. Ils s'entraînent, ils sont chauds. Ils sont entraînés. Ils ont tapé le cul par le Pays de Galles. Cristiano est content parce qu'il a vu que les Allemands avaient des caleçons CRC. Ouais, de sa marque, ouais. L'entraîneur. Ah oui, j'ai vu la photo. Ouais. Les entraîneurs adjoints. Donc l'entraîneur adjoint il s'est baissé, il a eu le caleçon qui est dépassé. Enfin, on n'a pas vu ça réussir. Ouais. Et on a vu qu'il avait CR7 les... tout le long. CR7 tout le long. Ouais. Non, sinon il y a des nouvelles pour l'équipe de France. Si vous voulez. Alors les nouvelles des Bleus. Qu'est-ce sur qui s'est passé aujourd'hui à Clairefontaine? Eh ben pas grand chose, on s'est bien fait chier. Non, il y a 11 joueurs qui se sont entraînés. C'est en fait c'est les 11 joueurs qui n'ont pas joué, tu vois. Plus Gignac et Mangala qui sont rentrés en cours de jeu. Mm-hmm. Donc eux ils sont entraînés vraiment vénères, tu vois. Ils ont cavalé, ils ont joué avec le ballon. Tout allez, on cavale. Gignac, j'ai pas trouvé super moi. Il a une rentrée un peu difficile parce que l'équipe de France, ils avaient plus à rien faire, tu vois. Donc en fait, c'est vrai qu'il n'est pas rentré au bon moment. Ouais, ils jouaient chacun dans leur coin. Même on a vu. Il y en a eu un qui a eu une rentrée de merde, c'est Zaza en Italie. Ah ouais, lui. Il est rentré une minute avant la fin du match. Il a touché un seul ballon. Il a tiré le pénalty en faisant une danse un petit peu. Ah, c'est lui qui a fait les petits pas, la danse du héron, là. Ah, mais tu as vu les tracages. Ah non, mais en Italie, ouais, le mec, il se fait traquer. Il y a des montages non-stop. Tu l'as vu le montage avec genre un terrain et genre la participation de Zaza dans le match et tu vois, tu sais, sa course. C'est-à-dire, tu vois, le mec, il sort du banc de touche, il va au rond central pour aller tirer le pénalty et le ballon qui part dans les tribunes. Les enfants, sa seule participation au match, ça a été de faire ça. Le mec, il a touché un ballon, il l'a mis en tribune, il a raté son pénalty. C'est ouf, quoi. Non, mais lui qui a fait le plus le fou, c'est le joueur italien qui a annoncé à Neuer qu'il allait lui faire une panenka, tu sais. Vous avez pas vu ça? Ouais, non, pas vu. Il prend le ballon pour tirer, il regarde Neuer, il fait genre, il fait le signe, je te la mets. Je suis un fou, je te dis où je te la mets. Et il a tiré à côté. Oh, moi dans mon cul. Il a tiré à côté. Voilà, c'est direct. Dans mon cul. C'est par là que ça rentre. Il l'a pas mise, quoi, il s'affiche. Ah ouais, lui, il s'affiche complet. Le mec, il annonce où il va tirer, il se rate derrière, c'est là. C'est pas de chance, ouais. Bon, revenons à nos bleus. Les bleus, ouais. Donc les autres sont entraînés vénères, les 11 remplaçants. Pendant ce temps, les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient, ceux qu'on jouait hier? Ils se sont fait masser pépère. Ça, c'est cool, ça. Ah, ils se sont fait masser, relax, et massage. Finition à la main, finition à la bouche. Faut les détendre, nos joueurs. Avant ah, petit massage très sympathique. Aucun blessé, Marie, pour répondre à ta question. Ah ouais, parce qu'à un moment, je l'ai vu boiter, je me suis dit merde, ils vont pas nous le péter. Aucun blessé, Matuidi est resté en soins et s'est fait masser comme ceux qui ont beaucoup joué hier. D'accord. Le seul où on avait un peu une incertitude, c'était encore Coman, parce qu'il se traîne une petite blessure depuis quelques jours. Ouais. Il s'est pas entraîné aujourd'hui, il est resté en soins, mais il y a aucun problème, tu vois, pour le match. Bon, tant mieux. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il manque plein d'Allemands, là. Il y a plein d'Allemands qui pourront pas jouer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, les Allemands. En plus, ils sont fatigués. Quoi, tu dois me dire, ils jouent un jour avant nous. Tout à l'heure, on a dit trois absents majeurs, finalement, c'est 4. Donc, et peut-être avant minuit, un cinquième. Matt Hummels, le défenseur, qui est, voilà, lui, il est suspendu. Sinon, il y a 3 blessés, c'est Khedira, Mario Gomez et Schweinsteiger, normalement, qui jouera pas aussi. Pour dire, c'est bon pour nous. Mais c'est un peu comme si, genre, Pogba était blessé, tu vois, Rami était blessé, Griezmann était blessé. Enfin, c'est genre, mais Khedira, c'est qui a les cheveux longs, un peu. Ouais, non, mais je vois, mais c'est confirmé parce que tout à l'heure, j'avais vu qu'il disait que c'était encore incertain. Lui. Depuis 1h30 à peu près, les Allemands ont officialisé le truc. Le seul qui est incertain, c'est sûr que c'est pas dû. Ils ont le droit de bluffer là-dessus. Ouais, ils pourraient, mais il n'y a aucun intérêt, tu vois. Ouais, il n'y a aucun intérêt. C'est bidon de faire ça. Parce qu'en plus. Non, mais des fois, c'est pour tromper l'adversaire. Brouiller les pistes, ouais. Mais bon, là, tout le monde a vu que le mec, il est sorti au bout de 15 minutes de jeu, tout le monde a vu qu'il était vraiment blessé, tu vois. Donc, Je suis trop fan de Gareth Bale. J'aime bien, moi aussi. Il est trop beau. Beau, ah non, il est moi. Ah non, le plus beau, c'est moi. C'est Didier, le plus beau. Gareth Bale. Mais oui, Didier Deschamps. Il a une tête particulière, on va dire, Gareth. Ah, promis, je me remets des dents si on gagne l'euro. Bon, c'était le journal des Bleus de l'euro. Pas d'autres nouvelles, tout va bien? Non, juste Deschamps, là, il se pose juste une petite question, juste savoir si Umtiti et Sissoko, qui ont bien joué hier, qui étaient censés être des remplaçants, qui ont bien joué, est-ce qu'il va les garder titulaires jeudi, ou est-ce qu'il va remettre Rami? Ah bah, je vais tirer à pouf, tenter, pouf. Pouf, pouf, alors. Non, pouf, il est. Pouf. Il réfléchit. Ah, je réfléchis. En fait, il va s'adapter par rapport à comment joue l'Allemagne. Donc, c'est important, effectivement, de voir si les blessés qu'il y a en Allemagne. Tu vois, il va s'adapter face au jeu de l'Allemagne. On va regarder les vidéos sur le magnétoscope. C'est bon signe pour nous, du coup. Et attends, parce qu'il y a le PQ sale, et moi, je suis d'accord avec toi. Il nous dit Schweinsteiger qui sera pas là, ça sent le mytho. Faut se méfier des mythos, t'as raison. C'est le seul qui est incertain. Ils ont pas confirmé les 3 autres. C'est de l'intox, tiens, regarde, on nous dit encore, là. Je sais pas. Plein de messages que vous nous dites, là. Pour, j'ai regardé l'entraînement des Allemands, ils s'entraînaient à part Schweinsteiger. Les autres, ils ont fait des petits décrassages et tout. Lui, il était tout seul avec un kiné, donc à mon avis, il est vraiment blessé, mais bon, on verra. Et pourquoi le décrassage, Cédric, alors? Quand est-ce qu'on s'en occupe? Tous les jours, t'inquiète. Bon, tiens, justement, Cédric, t'es là. Voici tout de suite Cédric sous alcool. Et oui, vous avez la preuve de ce que tout à l'heure, Romano, tu nous disais. Pour prouver que tu ne disais pas, enfin que tu racontais pas de mytho, que tu disais la vérité. Ah bah Cédric régulièrement se prend des murges dans l'émission. N'importe quoi. Et des sacrés. Et alors? Bah là ce jour-là, on avait picolé. Ouais. Quoi, surtout Cédric, et il était ivre mort, donc il a souhaité quitter le studio, se rendre dans celui d'à côté où il y a un canapé, et à un moment donné, nous ne voyons pas revenir. Karim et moi sommes partis en expédition, tel Indiana Jones. C'est ça. Et donc un petit résumé de la soirée. Tout avait commencé comme ça. Ouais. Allez, avale! Ah, la gueule! C'est vrai que bois. Avale! Avale! Arrête-toi! Qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas? Ah, oh, c'est gâché! Ah, oh, oh, putain! Dans le micro! Ah, y'a un problème! Y'a un problème de quoi? Ah, c'est un problème! Il a tout dégueulé! Oh, putain! C'est bon! Ah, mais ce truc, je vois. C'est du gueudin, vous! Quoi? Quoi? Ça brûle! Oh, voilà! Allez, ferme la bouche! Ah, non, il. Ça passe pas mieux. C'est marrant le deuxième, j'ai toujours l'impression que ça passe mieux, moi, non? Non mais putain, moi ça me dégoûte de gâcher comme ça. Moi ça me chauffe votre truc là. putain, mais t'es tout rouge. Ah, tu savais de certains de mes potes, mais t'insulterais, quoi. J'espère. Ah, bah non, mais c'est clair. De gâcher de la marchandise comme ça, quoi. Ouais, c'était de la vodka, ouais. Donc là, Cédric, tu bois, et quelques minutes après, alors quelques petites minutes après, voilà dans quel état on l'a retrouvé. Ça te fait quelque chose dans ta tête? Bah là, un peu, ouais. Je suis ralenti, quoi. Tu sais, quand je bouge le bras, j'ai l'impression qu'il bouge pas en fait. Tu sais, quand je fais ça... Bah si, je te rassure, il bouge. Putain, je me souviens même plus de ça. Attends, mais c'est pas fini, regardez. Ah, là, il commence à devenir un peu complètement bourré. Là. C'est quelques minutes après, le bras qui bouge plus. Ouais, c'est ça. Voilà, les effets de l'alcool, soyez prudents. Bon, on va prendre Dora. Il est bourré. Il est bourré, Cédric. Oh putain, il fait chaud. Et j'ai les résultats du clash à vous donner aussi. Non, mais j'ai... Ça y est, il est bourré. Excuse-le, Dora. Cédric, il est bourré, Dora. Et on avait Dora en ligne. C'est ouais. Sur Alice, cette émission. Ouais. Ah, mais je me souviens que Karim, il faisait rire. Sa tête, elle me faisait rire. Ouais, ouais. Mais attends, tu vois, mais blocage, ouais. Écoutez bien dans quel état il voulait se mettre, Cédric. Non, mais on se met torse nu. Allez, vas-y, après on se met à poil. Voilà, après on suce tous le sexe. Mais casse-toi, là. Non, mais on se met torse nu. Ah non, mais pourquoi tu veux qu'on se mette torse nu? Comme une biatch en plus. Tu veux qu'on se mette torse nu? Elle est toute excitée, le belge. Bah vas-y, Cédric, tu commences, on suit. Allez, mets-toi torse nu. T'es chaud, le belge, quoi. Toute la gueule de Karim. Ah. Toute la gueule de Karim. Ah, toujours, Cédric, en mode exhibitionniste. Ah ouais. Et c'est vrai que tu regardais Karim et tu riais. Ah ouais. Pourquoi je me faisais rire ce con d'ailleurs? Bah écoute bien. Pas, t'as beaucoup. Il est rouge et carlin, tu fais flipper quand même. Putain. Oh, putain, je vais pleurer. T'as bronzé pendant ces vacances. T'es rouge. Non, t'as pris des couleurs. Oh putain, ouais, t'es rouge, mon pote. Bon alors, j'ai ramené un pilier de comptoir, sérieux. Ouais. Faut que tu sortes parce que sinon je vais pas arrêter de rigoler. Karim, tu fais rire, Cédric. Ah, ouais. Karim, je suis en train de mettre ta boule d'air, mettre la petite patate dans 2 minutes. Et c'était pas fini parce qu'il y a aussi Momo qui s'est pointé. Alors vous imaginez, Cédric bourré qui regarde Momo. Qu'est-ce qu'il y a? La gueule de Momo. La gueule de Momo, bah ça c'est tout le temps. Un V sur la tête. Non, mais regarde ses cheveux, il a un V, ça fait un V, c'est chelou, quoi. Mais le mec met ses dents en avant, mais on voit ses dents, quoi. Oh putain! Ah putain, c'est chaud ce soir. Ah, il fait chaud ce soir, hein. Ah, la gueule, gros. C'est la canicule, Cédric. Oh, on dirait un gros bof, là. C'est la canicule. Ah, mais sérieux, putain. Et ramène-en plus souvent de ce truc. Ah, bah, écoute, ça lui fait de l'effet. L'année prochaine, Cédric, tu fais l'émission bourrée. Ah ouais, putain, t'es rouge. Tous les soirs, parce que au moins. Ouais, tu vas devenir alcoolique, mais c'est sympa sinon. Bon, après, par contre, il y a des moments dégueulasses. Hein, Ah ouais, ouais. Torse nu déjà tout à l'heure, c'était limite, mais là c'est dégueulasse, écoutez bien. J'avais jamais bu un verre d'alcool comme ça. Attends, j'ai des crottes de nez qui tombent. Oh là, tu commences à être dégueulasse, tu vois, dans pas longtemps il va quicher, tu vois. Il a les crottes de nez qui tombent. Ah putain, oui. Ah ouais, non, ouais. Ça c'est clair. Les crottes de nez qui tombent, terrible. Si un jour t'es en dépression, bois un verre de machin, là, truc Belle Épine. Belle Épine. Tu verras, ça passera mieux. C'est du Génépi. Mais non, c'est du Génépi. Ouais, c'est pareil, ça bourre la gueule. Tranquille. Tranquille, c'est pas pour un Marseillais. Tranquille, c'est pour une cagole de Marseille. Et dans un instant, on va vous passer les sons. Alors, les sons de Romano et Cédric qui copulent. Ouais, c'est ça, avec Karim qui filme. Et Karim qui filme, Karim voyeur. Karim à la prod. Ouais. Et tout de suite, on vous offre Rihanna. Ouais, on vous passe ça juste après Rihanna. Tiens, Rihanna, vous avez vos places à gagner. Donc, j'avais annoncé le top. Non, j'ai pas annoncé le top. J'avais annoncé que j'annoncerai le top. Bah, voilà. C'est maintenant top. Vous vous inscrivez, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous laissez votre prénom, votre numéro de téléphone et vous allez voir Rihanna en tournée avec Skyrock. Où vous voulez, vous choisissez vos places. 41759, skyrock.fm. Et sur l'appli Skyrock, vous nous envoyez tout ça. Nous, on fait tourner la roulette avec vous. Le temps d'écouter Rihanna et Calvin Harris. Tout de suite, this is what you came for. Tous les soirs, 10 full radio. Libre 0153 40 30 20. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. We'll be right back. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Mais oui, on est avec vous sur Skyrock et nous sommes envahis par les Russes ce soir. Eh ouais. Il y a des supporters russes qui sont rentrés dans le studio, je sais pas ce qu'ils vont nous faire. Ça va les amis? Salut Difool, ça va? Ça va, mais parlez bien français les Russes là. C'est gentil, merci. Très bien. Ouais, toi, vas-y, parle-moi en russe, qu'on ait vraiment la preuve que tu es russe, parce qu'après vous allez dire Difool, Mitton, Mittonov. Ouais, Mitton, ouais. Привет, Difool. Привет, привет, привет, et toi? Ça veut dire, salut Difool, comment ça va? Ah, привет, comment t'appelles? Ton prénom? Yvan. Priviet, Ivan. Priviet, Priviet. Ah, Priviet. Priviet. Et toi, mademoiselle, tu t'appelles comment? Je m'appelle Anastasia. Anastasia. Anastasia. Priviet, Anastasia, Priviet. Priviet. Priviet. Priviet. Et bienvenue, comment on dit en russe? Vodka. Tu dis vodka. Vodka. Et toi, le grand, comment tu t'appelles? Ça marche toujours. C'est justement la réponse universelle. Lui, il a bu de la vodka, je vous ai dit. Ouais, il est dans un état. C'est quoi le prénom? Il se souvient plus de son prénom. Comment il s'appelle? Bien entendu. Comment il s'appelle? Sacha. Sacha. Sacha. Sacha. Sacha. Привет, Sacha. Привет, как дела? Привет. Vodka. Vodka. Ah oui, vodka. Justement, on parlait d'alcool avec Cédric Bourré. Bah évidemment. Давай, давай. Vodka est очень хорошо. Мы очень любим водку, parce qu'on adore ça. Ok, très bien. Alors, vous avez vu, j'ai pas tout compris, mais bienvenue les Russes. Vous avez vu les matchs de l'équipe de Russie? Vous avez vu les hooligans? Malheureusement. Malheureusement, oui. C'est clair. Oui. Eh ben oui, parce que nous, on est avec des Russes gentils. Parce qu'il y a plein de Russes gentils. Bah oui, nous sommes ici pour dire félicitations à notre ami Émeric Edash, qui a fait le mariage aujourd'hui. Ah, il y a un pote à vous qui s'appelle Émeric qui s'est marié. Et ils étaient en train de faire le mariage juste en face de la radio. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont ivres morts. Ah, très bien, vous aussi, vous êtes ivres morts. Exactement. Exactement. Et Anastasia, elle est morte de rire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Sacha? Dans les bonnes traditions russes. Dans les bonnes traditions russes, exactement. C'est le mariage. Voilà. Eh bien tiens, on va vous faire écouter quelqu'un de complètement bourré, c'est Cédric. Ah ouais. Ah ouais, laisse tomber. Eh, moi je bois une goutte de vodka, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Alors vous avez entendu Cédric. Mais c'est la beluga. Et son état, qui avançait au fur et à mesure des minutes. Voilà, vous connaissez le caviar. Voilà. Non, mais la beluga, c'est une marque de vodka là-bas, elle passe bien. Ouais. Et donc Romano, t'as retrouvé le petit extrait de Cédric. Ouais. Bourré, alors explique un petit peu, remets en scène. Bon, Cédric, après avoir fait tout son cirque à vouloir se mettre à poil et compagnie dans le studio, oui, il a eu un coup de mou, il a dit ouais, faut que j'aille m'allonger à côté parce que ça va pas du tout quoi. Ouais, parce que là il était raide, il avait bu deux verres de Genépi, l'alcool des montagnes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à côté on a un canapé, donc on est parti en mission avec Karim, ouais, voir dans quel état il était parce qu'on commençait à s'inquiéter, l'heure passait, on le voyait plus revenir, on l'entendait plus. On va vous remettre la vidéo sur tous les réseaux Sky, sur le difool.skyrock.com, partout. Ah, il faut pas la louper. Le Facebook, partout. Écoutez et donc bien. Là on rentre dans la pièce et Cédric est allongé comme un baleineau sur le canapé. Au bout de ta vie, ouais. Alors attention, voici Cédric. Il est vautré comme une baleine. Casse-toi. Hey, Cédric. Non, en plus il marche sur le coussin. Cédric. Allez Cédric. Casse-toi, putain. Alors c'est bon, il y a des photos avec Cédric, il faut te lever mon pote. Hein. Ah mais là il répond plus. Attends, je sais ce que je veux faire, je sais plus. Voilà, là Romano le met sous du plastique pour le protéger. Non, pour te protéger. Il se laisse faire. Ah, mais il est allongé sur lui, gros. Et là, il est allongé, mais en levrette. Espèce de toute salope. Une levrette couchée. Ah, mais là, il est en train de faire comme s'il opinait, en fait. Laisse-moi dormir. Attends. Laisse-moi dormir. T'as une bite dans le cul, Cédric, tu le dis, laisse-moi dormir. Ah, je précise qu'il a son jean, j'ai mon jean. Salope. Oui, bah c'est mieux. Ah, ça. Mais toi, quatre pattes un peu, Et les cartes sont cul. Les cartes sont cul. Et toi, quatre pattes un peu. C'est vrai, regarde. C'est pas faire. Et les cartes ses fesses. Et l'autre sadique, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Laisse-toi faire un peu. Vas-y, moi, je suis Déshabille-toi. Mais casse-toi. Vas-y, casse-toi. Y'a des tutos. Allez. Y'a des tutos, arrête. Putain, mais toi, à quatre pattes. Là, t'es sur le dos, Cédric, faut te mettre à quatre pattes. Ah, il est carré. Vas-y, fais-le, j'ai envie de pisser. Arrête, j'ai envie de tirer. Moi, je suis malade, le tir, c'est de me sauter dessus. J'y vais tricher, toi. Putain, moi, je ne pouvais plus. Ah, il y a Karim qui s'y met, là. Ah, putain, ah, ouais, Karim, c'est un forceur. Ah, et là, Cédric se lève, enfin, t'essaye. Oh là là. Et il se prend la tête dans les mains en disant ah ouais. Oh là là. Le vomito était pas loin. Ah vous avez les photos, je crois, la vidéo, non ouais, il n'y a que les photos ouais, sur nos réseaux. Non, il y a qui il y a la vidéo. C'est la vidéo qu'on vient de voir, Marie, en fait. Oui, on vient de la regarder. Elle n'a pas vu qu'elle était sur les réseaux. Est-ce qu'on vient de regarder J'ai regardé juste avant. Ça s'appelle une vidéo. Non, ce sont des photos qui bougent. C'est une vidéo. Les photos qui bougent sont sur le site de Skyrock. Voilà, Skyrock, quoi. Skyrock FM. Je croyais que c'était ta vidéo à toi sur ton ordinateur. Sur Facebook. Ah, bah ouais, ouais. T'as raison, ouais. Bon, donc attention à l'alcool. Vous avez entendu là, les Russes hein Ah, pas bon la vodka. Non, faut pas dire ça. Comment on dit chin en russe? Chin. Nazdarovye. C'est long. Nazdarovye. Ah oui, j'avais déjà entendu. Et tu bois ça et tu jettes la vodka. Ouais. Non, pas la vodka, le verre, tu veux dire. Tu bois la vodka avant. Jette la vodka dans ta gorge. Bon, bah, hey, en tout cas, vous avez vu, il y en a qui supportent pas l'alcool. Ah ouais, putain, laisse tomber. Vous avez la réputation de tenir bien l'alcool. Ah, oui, tu m'étonnes. Bah, on est russes. Alors... Bon, bah écoutez, merci d'être passé dans les studios, c'est sympa. Vous avez vu, on parle d'alcool, vous arrivez à ce moment-là. C'est quand même un signe. Vous retournez à votre mariage? C'est pas pour dire. Ouais, vous retournez au mariage hein. Ah, ça y est, ils y retournent. Oh putain, on va les croiser tout à l'heure. On va vous croiser en sortant dans deux heures. Eh, c'est à boire gratuit, Romano, il va venir, hein, je vous le dis. Ah, Romano, il y a un mariage. Ils sont juste à côté au 36. Ah, bah pourquoi pas. Ils sont à côté, ils sont trop tard d'en face. Ah, bah vas-y. On viendra faire un petit coucou alors. Qu'est-ce que tu dis, Sacha? Vraiment grand et bien grandiose, on a envie de tous les gens qui sont là. Attention, tu risques d'avoir du monde. Ouais, hein. Ouais, fais quand même gaffe. Ouais. Je crois qu'à ce temps-ci sur Skyrock, on est que sur écoute. Hein. Et de la vodka pour tout le monde. Ah, ouais. Il y a de la meuf, il y a de la meuf. Bien sûr. Ah, ouais, mais alors, attends pour Cédric. Jure, moi je viens sur la pute de la merde. Ah. Dis-lui non. Moi je vous laisse, les gars. J'y vais. Il va vous foirer le mariage. Là. Bon, allez, nous on offre Rihanna. Rihanna a gagné. C'est pour Pierre, 19 ans à Nantes, qui a été dit ressort. C'est parti. Ouais. 400 places de concert Rihanna a gagné sur Skyrock. Vous allez voir Rihanna en concert, c'est sur Skyrock. Tout au long de la journée, vous gagnez vos places. Les concerts Skyrock de Rihanna à Nice, à Lille, à Lyon et à Paris, dans le désordre. C'est parti, Pierrot. Allô Pierre. Ah. Salut toute équipe. Salut Pierre. T'as 19 ans et t'es à Nantes. Attention à l'alcool, hein, t'as vu dans quel état sa mère, faut faire gaffe. Hein. Ouais. T'es prêt Pierre? Après tu te fais enfiler comme Cédric. Allez Rihanna, ça tourne pour la roulette, tu dis stop quand tu veux. Ça marche. Est-ce que tu vas gagner tes deux places pour Rihanna? Attention. Eh ben deux places pour aller voir Rihanna en concert, Pierrot, c'est gagné. Ah cool, merci, génial. Tu vas te retrouver dans un des grands stades de France pour assister à ce gros concert, concert de Rihanna. Bien joué, ah, cool. Pierre. En plus, c'est bientôt mon anniversaire là, donc génial. Eh ben, écoute, parfait. On t'offre tes deux places et en plus tu vas pouvoir y aller avec qui tu veux. Je vais y aller avec ma copine. Très bien, Et voilà, Pierrot, 19 ans, Nantes. On ne dira pas bon anniversaire, mais on le pense très fort. Pourquoi tu veux pas le dire bon anniversaire? Parce que ça apporte malheur. On l'avait déjà essayé avec Romano, qui avait été malade le jour de son anniversaire. Mais on crevait. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, on te dit pas bon anniversaire, mais on t'offre déjà ton cadeau. C'est gagné, Pierrot. C'est la veille du mien. C'est cool, c'est gentil. Salut Pierre, bise, ciao. Merci. Salut, Romano. Et ben, merci à toi. On vous souhaite une bonne nuit. C'est Prisca que vous allez retrouver sur Skyrock tout de suite. Ouais. C'est parti pour toute la nuit, Urban Music non-stop. Ça se passe sur Skyrock, bien sûr. Et ça va être designer là. Les meilleurs sons, bah tiens, je parle de meilleurs sons. Panda. Designer, super ça. Gros son. Panda pour démarrer la nuit, du son toute la nuit. À 5h, le replay du morning. À 6h, le morning best avec Vincent. Ouais. Et tout au long de la journée, vos places pour Rihanna gagner avec toute l'équipe de Sky. Demain, c'est pour vous. Et puis bah, toute la nuit, le son. C'est donc parti avec Designer. On vous fait une bise, on vous souhaite gros bisous. Une belle nuit. Bisous. Et puis bisous. Et rendez-vous. Salut les filles. Salut les filles.